Bonjour à tous, bienvenue dans le Upcast numéro 12, que l'on enregistre le 4 mai 2015. Je suis en compagnie de Dim. Salut Dim, via Skype. Salut. Ça va Dim ? Ça va et toi ? Ouais, super. Dim qui nous parle de sa lointaine province. De Metz, c'est ça ? Tu es à Metz. Voilà, de Metz. Voilà. Je suis en compagnie de Grégoire. Salut Grégoire. Salut. Et de Julien. Salut à tous. Salut Julien. Dans ce podcast, nous allons parler comme d'habitude de techno, de divertissement, d'art ludique. Nous allons vous faire un conseil critique au sujet d'un album. D'un album, ouais. Nous reparlerons aussi peut-être un peu de Mario Kart. Ouais, bah ouais, un petit conseil commun autour de la sortie du DLC. Du dernier DLC, voilà, super. Et nous terminerons par évoquer les sorties ciné des prochaines semaines à venir. Ça va aller vite, ça. Voilà, déjà Julien donne la tendance. Allez, sans plus tarder, on commence par les news techno. News Techno avec Grégoire qui va nous parler quelques chiffres au sujet des grands de la techno, à commencer par Facebook. Bah ouais, effectivement, en ce moment, c'est comme tous les trimestres, en fait, ça me donne un sujet tout cuit, ça tombe bien parce que l'actualité, elle est pas folle en termes de techno. Oui, un peu la grosse feignasse, j'avoue, sur le coup. Non, mais voilà, c'est les résultats trimestriels, et il y a certains chiffres qui étaient quand même relativement intéressants dans ceux qu'on a pu entendre parler des grandes entreprises dont on parle régulièrement dans le podcast. Et effectivement, je voulais commencer par Facebook qui annonce quand même 1,4 milliards d'individus sur la planète qui possèdent désormais un compte Facebook, soit quand même 20% de l'humanité et 50% des internautes, hein, pour ceux qui se demandent, voilà, 50% des gens qui ont Internet ont aujourd'hui un compte Facebook, donc ça me paraît relativement énorme. Toujours un chiffre en progression, hein, 3,6% de progression par rapport au dernier trimestre, 13% de progression d'une année sur l'autre, donc quand on a tendance à dire que Facebook arrive de moins en moins à recruter ce genre de choses, bah, on voit qu'on est encore un petit peu dans l'erreur finalement. Sur le mobile, ils arrivent à toucher 1,25 milliard de gens. Tout ça avec quand même près d'un milliard d'utilisateurs au quotidien. Donc c'est quand même assez relativement énorme. En termes de chiffre d'affaires, l'entreprise, donc Facebook, a réalisé 3,54 milliards de dollars. Et ils ont indiqué qu'ils auraient pu même faire mieux, mais que, oui, ils étaient pas en forme. Voilà, c'était bof. Il a eu la grippe ce jour-là. Je me suis cassé un truc, je crois que je suis pas trop en forme. Non, en fait, apparemment, c'est la faiblesse de l'euro face au dollar qui a grévé le chiffre de 188 millions de dollars supplémentaires. Bon, ça fait quand même une croissance du chiffre d'affaires de 42%, hein. Donc les gars, on va pas se plaindre. Et ce qui leur fait quand même, maintenant, ils revendiquent un cash disponible, donc des réserves financières, si on veut, de 12 milliards de dollars de côté. Donc c'est un peu le nouveau Nintendo, j'ai l'impression, Facebook, ils vont mettre du temps avant de se planter, il va falloir qu'ils lancent plusieurs produits qui ne marchent pas du tout avant qu'ils puissent mourir, parce que là, ils ont vraiment beaucoup de cash. Du coup, en gros, tous les chiffres sont plutôt positifs. Le seul chiffre un peu inquiétant, c'est la baisse du revenu par utilisateur. Bon, ça, a priori, on va voir si ça reste comme ça. C'est un chiffre à surveiller, parce que c'est mine de rien ce qui leur fait leur chiffre d'affaires, principal chiffre d'affaires. Au niveau des choses intéressantes dans leurs chiffres aussi, c'est un peu les ressources humaines chez Facebook, puisqu'ils ont annoncé avoir recruté 48% d'employés en plus en 2014. Donc c'est juste énorme, hein. Ça porte là, il y a plus de 10 000 employés maintenant chez Facebook fin mars 2015 là. Ouais, et du coup, faut, je pense, hein. Bah ouais, et puis je sais pas si vous avez vu ça, mais ils ont dévoilé leurs nouveaux locaux, c'est une espèce d'énorme truc, ils ont acheté un énorme terrain avec des super beaux bâtiments qu'ils ont un peu dévoilé justement via Instagram, hein, logiquement, ça leur appartient, donc voilà, enfin c'est très beau tout ça. Bon, tout ça c'est des très beaux chiffres, mais les bénéfices, eux, ont chuté, hein, ils sont toujours positifs, mais ils sont moins importants qu'avant, notamment liés aux investissements qui ont largement augmenté de la part de Facebook, qui continuent à investir dans l'avenir, et on en avait parlé notamment dans l'histoire des drones là, qui vont donner Internet pour Internet de l'espace, donc le projet Internet.org, et le projet Internet.org qui est d'ailleurs donc le but, hein, c'est de fournir Internet aux pays en voie de développement ou ce genre de choses à un prix très abordable pour qu'ils puissent créer des comptes Facebook. Et ce projet qu'on peut dire qui est plutôt apprécié, ou on pourrait l'apprécier, on pourrait dire bah c'est sympa de la part de Facebook, il commence à être critiqué justement par les pays dont à qui il est destiné, notamment en Inde et au Brésil. Hein, il y a des partenaires d'Internet.org qui commencent à émettre des doutes. Au Brésil, par exemple, il y a un groupement de 35 organisations et activistes qui ont interpellé la présidente en disant bah, « Est-ce que vous êtes sûr que ça respecte la... Ils ont une neutralité du net là-bas, etc. » Donc, ils ont commencé à poser des questions là-dessus. Donc, c'est peut-être pas finalement si facile pour Facebook que ça de gagner avec ce projet Internet.org. Donc, ça, c'est quelque chose à suivre aussi. Et Amazon aussi, puisque tu as parlé de Facebook, Amazon avec sa division cloud. Ouais, ouais, alors Amazon, c'est vrai que là-dessus, ils nous ont étonnés avec leurs chiffres. Enfin, ils ont étonné surtout les analystes, hein, en fait, pas que moi. Bon, leur chiffre est toujours très bon. Un chiffre d'affaires, quand même, juste de 22 milliards d'euros, hein, de dollars, pardon. Croissance de 15%, etc. Par contre, résultat net, pas terrible. Hein, ils ont encore perdu de l'argent. 57 millions de dollars de perdus pour Amazon, malgré ce chiffre d'affaires complètement hallucinant. Bon, c'est habituel, hein, chez Amazon, ils perdent toujours de l'argent. C'est un peu leur stratégie, même. Bon, en tout cas, au niveau des actionnaires, c'est pas très grave, ils sont quand même relativement confiants, l'action a quand même augmenté de 14% suite au bilan qui a été publié là. Ce qui est intéressant, ce qui est marrant à noter, c'est surtout le statut de Jeff Bezos là-dedans. Je rappelle que Jeff Bezos, donc le président d'Amazon, il détient encore 18% du capital d'Amazon. Ce qui fait qu'actuellement, avec cette petite hausse des actions et ses résultats annoncés, il a 37 milliards de dollars dans sa poche, quand même, ce petit monsieur. Donc ça a l'air d'aller pour lui, je pense. Et tu l'as dit, c'est le cloud qui est vraiment intéressant dans les résultats. On ne peut pas étudier tous les résultats d'Amazon, hein, mais c'est ceux du cloud qui ont été particulièrement intéressants parce que, en fait, c'est la première fois qu'Amazon communiquait dessus. Avant, c'était passé sous silence. Même Jeff Bezos disait justement, ne dites pas à ma mère que je vends du nuage, elle me croit épicier. Mmh. Il avait l'habitude de faire ça et il ne voulait pas trop en parler. On commence à comprendre pourquoi, parce qu'il s'avère qu'en fait, avec les premiers chiffres qu'on a eus, c'est une activité hyper lucrative pour Amazon. Hein. Donc là, ils ont réalisé près de 1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires sur cette activité du cloud en un an. Et ça a augmenté de 50%, donc c'est juste énorme. Et aucun analyste n'avait prévu ça, en fait. Personne ne l'avait vu venir, ce truc-là, et parce qu'ils ont même déjà dégagé du bénéfice. Donc, ils gagnent déjà de l'argent avec ce cloud. C'est d'ailleurs une des seules branches d'Amazon, en fait, qui gagne vraiment de l'argent. Je ne savais même pas qu'ils vendaient des clouds. Ouais, donc ça s'appelle, que je l'ai dit, peut-être Amazon Web Service. C'est une bataille qui commence à devenir publique aux yeux du grand public. Parce que Amazon annonce des excellents résultats là-dessus, je vais en reparler un petit peu tout à l'heure, mais Microsoft aussi annonce des excellents résultats là-dessus, donc intéressant à suivre de voir qu'Amazon commence à dégager vraiment de l'argent avec quelque chose que le grand public n'identifie pas vraiment. Des résultats par contre en demi-teinte pour Twitter. Ouais, tu m'étonnes, en demi-teinte carrément même, on en avait parlé, hein, j'en avais parlé dans un podcast il y a quelques temps de Twitter en disant que c'était un peu l'année où ils devaient faire leurs preuves parce que ils avaient justement des grosses difficultés à savoir comment rentabiliser finalement ce réseau. Le modèle économique. Exactement, et le modèle économique de Twitter il est toujours pas très très clair. Ils ont réussi à recruter des gens, ils continuent à recruter des gens, donc là ils ont recruté 14 millions d'utilisateurs en nouveaux utilisateurs, donc ils ont dépassé les 300 millions d'utilisateurs. Donc des bons chiffres, mais c'est vrai qu'au niveau de la rentabilité, c'est plus mitigé parce que, par exemple, ils ont un chiffre d'affaires à 436 millions de dollars, mais les gens en attendaient, les analystes, la bourse, etc., en attendaient 456 millions. Donc ils ont fait 20 millions de moins que prévu. Le résultat net aussi fait assez peur parce qu'en 3 mois, à Twitter, ils ont perdu quand même 162 millions de dollars. Donc encore des grosses, grosses pertes. Et cette chute, on va dire, ces deux mauvais résultats qui étaient moins bons que ceux qu'on attendait, on va dire, ça a fait chuter l'action de 18%. Et il y a même pas mal de gens d'analystes, justement, qui ont témoigné un peu sur les sites qu'on suit d'habitude, The Verge, etc., en disant commence à mettre un peu la pression à Dick Costello, qui est le PDG de Twitter, en disant il faudrait quand même qu'il mette vraiment maintenant, qu'il arrive à nous rassurer, à rassurer les marchés, à montrer avec comment il compte gagner de l'argent Twitter, parce que il n'y arrive pas. Donc, ça c'est un petit peu la mauvaise situation pour Twitter. Ironie de l'histoire, c'est que les mauvais résultats et ce qui a fait un peu ce qui a provoqué la chute de l'action de Twitter, c'est que c'est une fuite qui a eu lieu sur Twitter, en fait, de ses propres résultats. Donc, malheureusement, les résultats ont fuité sur leur propre réseau social. Ça, c'est marrant, ça. Ouais, c'est un peu l'ironie de l'histoire pour Twitter, qui a du mal à s'en sortir en ce moment. Microsoft qui a l'air de chercher, mais finalement qui commence à se trouver, j'ai l'impression. Ouais, Microsoft, enfin, on terminera avec Microsoft. Je ferai pas toute la partie de Microsoft. Julien, tu y reviendras tout à l'heure. Hein. Non, au niveau du jeu vidéo. Ouais, sur la partie, notamment tout ce qui est support physique, on va dire, Xbox, etc. Surtout Xbox, du coup. Donc, bon, quand même, Microsoft, ils ont réalisé un chiffre de 21,7 milliards de dollars. Hein. C'est à qui va réaliser le plus dans les chiffres que je cite depuis tout à l'heure. Donc, c'est le meilleur troisième trimestre de son histoire en termes de chiffre d'affaires. Donc là, effectivement, Satya Nadella, hein, qui est au pouvoir, entre guillemets, de Microsoft depuis maintenant un peu plus d'un an, je crois, hein, ça commence à porter ses fruits. Hein. Alors surtout, qu'est-ce qui fait dire que ça peut porter ses fruits? C'est que les chiffres sont intéressants. Sur les ventes de licences Windows, Windows Pro, Windows particulier, etc. Bon, ça baisse complètement, en fait. Microsoft n'en fait plus vraiment son argent avec Windows en ce moment. C'est des chutes, par exemple, pour Windows Pro de 19% sur l'année, 41% de baisse pour les offres Office aux particuliers sur l'année, donc c'est juste énorme. Par contre, le transfert des gains, et c'est là où la stratégie de Satya Nadella commence à porter un petit peu ses fruits, c'est que le transfert des gains a eu lieu vers autre chose, à savoir Office 365, qui continue à progresser très très largement, croissance de 35% en l'espace d'un trimestre, hein, donc c'est juste énorme. Et puis, bah, tu l'as dit, c'est les offres liées au cloud, hein, et, dont on a aussi un peu parlé pour Amazon, la fameuse public, la bataille qui va commencer à se révéler au public. Bah voilà, là, ils ont eu une croissance annuelle de 106% là-dessus, Microsoft, donc c'est juste énorme. C'est-à-dire que les gens payent pour avoir du cloud, quoi. Exactement. Ça, je découvre. Bah exactement, quand tu veux des puissances de calcul pour les entreprises, oui, j'imagine, de l'espace de stockage. Et en tant que particulier, je ne comprends pas l'intérêt, mais peut-être que je me trompe. Hein. Ouais, c'est Azure, hein, le service. Voilà, je cherchais le nom du service de Microsoft. Et c'est même, tu vois, rien qu'avec ce service-là, ils vont générer 6,3 milliards de dollars de recettes cette année, juste cette année. Donc c'est un des services qui permet de leur faire gagner pas mal d'argent. Tu peux être au cloud, moi. Côté matériel, on va peut-être ouvrir notre Upcast Cloud. Upcast Cloud, allez. On vous héberge des 3-4 MP3. Vous avez 5 mégas offerts par personne. Pas offert. Bon, payant. Allez, mégas payants par personne. Et du coup, donc Julien, je ne vais pas te griller ta news sur les Xbox tout à l'heure. Par contre, sur les téléphones, tu comptais en parler ou pas? Non, pas du tout. Il y a juste la division, ce qu'ils appellent division gaming. C'est enfin, celle où il y a Surface Xbox. D'accord. Bon, bah écoute, du coup, je me permets de parler un petit peu des téléphones pour conclure la news. C'est pas encore la joie, globalement, sur les Windows Phone. Ils génèrent du chiffre d'affaires, mais ils font perdre énormément d'argent à Microsoft, qui a annoncé du coup qu'ils allaient encore réduire les coûts sur cette branche téléphone. Donc c'est pas trop gagné pour les Windows Phone. Par contre, la grosse annonce, alors je vais pas parler de la build de Microsoft, leur grande conférence où ils annoncent plein de choses, on reviendra sur les HoloLens tout à l'heure, mais lors de cette conférence, ils ont fait une énorme annonce, d'après moi la plus grosse annonce, qui était que Windows 10 pourra faire tourner des applications conçues pour Android et pour iOS. Donc ça veut dire que toutes les applications maintenant Android et iOS pourraient être facilement transposable sur Windows 10. Donc ce qui va complètement booster le nombre d'applications disponibles pour les futurs Windows Phone, donc qui pourraient éventuellement un peu redresser ces chiffres. Ça serait du Java, quoi, j'imagine. Ouais, en fait, ils ont créé un petit programme où ça analyse le code que quelqu'un aurait tapé, par exemple, sur un truc Android, et ça le retransforme. Alors, je ne sais plus le nom du code qui est pour Windows, c'est un truc assez particulier. Il sort un nom de code particulier, j'ai oublié là. Mais bon, voilà, en tout cas, ça le retranscrit dans leur propre langage, et du coup, les développeurs, apparemment, c'est l'histoire d'une heure, quelque chose comme ça, pour retranscrire toute une appli sur le. Bon, j'imagine qu'après, il faut débugger le truc, mais c'est intéressant quand même. Bah, du coup, ça va leur donner beaucoup d'applis disponibles d'un coup, et ça va peut-être aider un peu les Windows Phone à s'en sortir, même si après, il y a un problème d'image, de placement, etc. Bon, intéressant tout ça. Ouais. Ça en révèle beaucoup sur l'actualité des grands médias. Julien, tu voulais nous parler complètement d'autre chose, à savoir d'Adblock. Oui, en fait, il y a quelques upcasts, je vous avais parlé d'une histoire entre Facebook, un instituteur, l'origine du monde, hein, une affaire de loi en fait, qui s'était soldée par une victoire pour les utilisateurs, puisque le tribunal, je crois que c'était le tribunal de Paris, avait dit que finalement, ils étaient en capacité de dire que Facebook ne pouvait pas légiférer ils voulaient légiférer directement près de leur siège. Enfin, c'était une histoire assez complexe et finalement les utilisateurs avaient eu gain de cause. Et en fait, il y a une autre affaire de législation qui semble, on va dire, un peu prendre le même chemin, c'est-à-dire celui des utilisateurs, même si pour le coup, on va voir, c'est un peu différent avec des acteurs impliqués et des finalités pour le coup, on en parlera, assez différentes puisque ça concerne peut-être moins les utilisateurs que l'éditeur de Adblock. Alors en fait, vous connaissez sans doute Adblock. Hein, bah oui, moi je l'utilise grave. Adblock plugin. Plus, voilà, qui permet en fait à l'internaute de bloquer la publicité des sites internet. Et bien en fait, en Allemagne, un groupe d'éditeurs a lancé une action en justice contre IO GmbH. Donc c'est l'éditeur. Je ne sais pas si on dit IO ou IO ou voilà, je ne sais pas. On va dire IO. Hein. Ouais, IO. Voilà, on va l'appeler IO, qui est l'éditeur en fait d'Adblock Plus. Et ce groupe d'éditeurs voulait faire juger la pratique permise par le logiciel, à savoir bloquer la publicité, comme illégale. Mais en fait, les magistrats allemands ont estimé que les utilisateurs étaient tout à fait en droit de contrôler ce qui s'affichait sur leurs ordinateurs en naviguant sur Internet. En conséquence, en fait, tout internaute qui ne souhaite pas voir s'afficher de la publicité a tout à fait le droit d'avoir recours à un outil de blocage publicitaire. Donc ça a été jugé légal, donc Adblock n'est pas illégal. C'est la liberté de soi, quoi. Enfin, la liberté de surfer comme on veut. Quoi. Ouais, de tout à fait surfer comme on veut, de voir sur ton écran ce qui apparaît, c'est toi qui le contrôles. C'est un peu rassurant quand même, ça. C'est un peu rassurant. Moi, je ne serais pas aussi tranché. Quand alors, même. C'est un vaste débat entre les éditeurs, les acteurs du web et donc l'éditeur d'Adblock, donc IO. Mais pour les magistrats allemands, ils enfreignent aucune loi. Donc IO a réagi plutôt, on va dire, positivement forcément à cette décision juridique qui va dans leur sens. Donc ils ont déclaré « c'est une victoire pour tout utilisateur Internet, car cela confirme le droit pour chacun de bloquer les publicités agaçantes, de protéger leur vie privée et par extension de déterminer sa propre expérience de l'Internet ». Donc ça, on va dire que c'est un peu des belles paroles, hein, même si on peut se réjouir finalement que les utilisateurs aient gain de cause, puisqu'en fait, l'un des enjeux derrière cette décision de justice, c'est surtout pour IO la possibilité de négocier des accords commerciaux avec les acteurs du web, qui peuvent en effet échapper au blocage de leur publicité en intégrant la liste blanche, qui est payante, hein, forcément, d'adblock. Mmh. Pour le coup, il y a déjà des acteurs du web importants qui ont intégré cette liste blanche. Il y a Google, il y a Microsoft, il y a Amazon, en fait, qui ont déjà conclu des contrats avec IO. Alors pour le coup, on ne connaît pas le montant de cet accord entre ces boîtes. Il y avait une entreprise en fait qui avait été interrogée par le Financial Times, qui est restée anonyme, mais qui avait dit qu'en fait, ça représentait environ 30% des recettes publicitaires supplémentaires qui étaient dégagées du fait de l'absence d'adblock. Donc ils faisaient une sorte d'avant-après et ils prenaient 30% l'éditeur, donc l'adblock plus sur ce que le nouveau gain qui était réalisé. Donc attends, pour le dire clairement aux gens en fait, c'est-à-dire qu'adblock. Non mais parce que là je suis pas sûr de comprendre. Adblock fait payer aux entreprises ouais. pour que elles t'affichent ta pub quand même. Ouais, tout à fait. Ouais. Tu peux intégrer une liste blanche et en fait toi tu vas sur des. Du coup ils bloquent pas les pubs. Enfin, je sais pas, c'est pas. Non parce que après leur idée et c'est pour le coup c'est ce qu'ils veulent c'est amener les entreprises à la table des négociations ouais. et après à réfléchir à un nouveau moyen de publicité ouais, bah, qui soit moins dégueulasse, qui soit moins contraignant et moins intrusif. Mais qu'est-ce qu'a dit la justice? La justice a rendu quelque chose? A dit quelque chose là-dessus ou pas du tout? Bah, sur, ils font ce qu'ils veulent en fait. Oui. En fait, ah oui, sur après, quand là, ils sont finalement, ça leur laisse le. Ah, par le contre, tu vois, moi en tant qu'utilisateur, je le savais pas ce que t'as dit là. Je tombe sur la liste blanche. Ouais, je savais pas qu'il y avait des entreprises qui payaient pour contourner Adblock en fait. En ah oui, ouais. Quoi. Bon. Bah, il faut bien qu'ils puissent gagner de l'argent Adblock. Ouais, hein, je pensais que c'était un truc gratuit, tu vois, comme Ola ou les petits plugins, tu vois, qui te permettent de faire des choses en plus sur Internet. Ouais, mais d'ailleurs, le président, donc c'est le porte-parole qui s'appelle Ben Williams, il s'en cache pas du tout. Ce qui lui l'a déclaré à présent que les aspects juridiques sont tranchés. Donc ils ont plus cette épine dans le pied ou cette épée, on va plutôt dire cette épée de Damoclès au-dessus de la tête qui ouais. pourrait menacer leur modèle de business. Il dit nous voulons tendre la main à d'autres éditeurs, publicitaires et créateurs de contenu et les encourager à travailler avec Adblock Plus plutôt que contre nous. Donc son objectif revendiqué, c'est de développer de nouvelles formes de publicité non intrusives qui sont réellement utiles et bien accueillies par les utilisateurs. En gros, c'est bah voilà, vous intégrez notre liste blanche et on réfléchit ensemble à des solutions pour une meilleure publicité. Donc c'est un peu bizarre à entendre, mais donc pourquoi pas. Ouais. Après, est-ce qu'ils sont vraiment honnêtes dans cette truc là, genre réfléchir à une meilleure publicité. Non. Oui, c'est un peu des belles paroles. Après, ça reste quand même une entreprise qui cherche à faire du profit. Pour moi, tout ça, c'est des méthodes de. Si, excusez-moi l'expression, hein, c'est des méthodes de pute. Hein. Ah bah là, je suis assez d'accord pour le coup. Attends, non, mais, je savais pas. Pour moi, j'appelle ça des prises d'otages. C'est un peu comme Google et la pub. Hein. Adblock, c'est, ils prennent en otage les gens qui font leur revenu sur la pub, ce qui est pas très cool, sans leur demander leur avis. Puis après, ils disent maintenant, si vous voulez retrouver des bénéfices, vous nous payez. Oui, alors après, prendre en otage Google. Non, mais Google, ça voilà, je pense à des sites un peu plus modestes de jeux vidéo qui ont besoin de la pub pour vivre. Oui, oui, non, mais c'est. C'est un ça a peut-être trop été influencé par les bandeaux de Gameblock. J'ai pas cité de nom, t'as vu. Ah bah je le dis, non, non mais par exemple, alors puisqu'on parle de Gameblock, je trouve qu'il y a beaucoup trop de pubs et ça m'énerve et j'y vais moins à cause de ça. Mais je suis pas pour non plus bloquer tout et les empêcher de vivre. Tu vois, je trouve qu'il y a un débat un peu plus subtil. Ouais, c'est un débat sur finalement le modèle économique de ces sites-là qui vivent de la publicité. Adblock, ils font un peu les pubs. Adblock, ouais, encore une fois, après ils bloquent la pub, après ils disent bah payez nous, c'est un peu une prise d'otage pour moi. C'est sûr. Mais c'est pour ça que je disais que finalement ça a été dans le sens des utilisateurs, mais le par rapport à l'histoire qu'il y avait eu avec Facebook, qui était vraiment une histoire presque de droit, là, on peut dire que finalement, c'est plus une histoire d'argent qui est derrière. Oui, non, mais je pleure pas sur Facebook, je m'en fous, mais. Non, quand mais voilà, dis, là, c'était plus sur la. Vis-à-vis de Google, c'est que Google nous prend en otage avec ses pubs, et après, ils disent maintenant qu'il y a beaucoup de pubs, si vous voulez, vous pouvez les payer pour les enlever. Ouais, ils nous prennent en otage, nous, Google. Au début de la news, je faisais référence à cette histoire entre, avec l'origine du monde, l'instituteur qui avait porté plainte, et finalement, la justice avait donné raison à l'internaute contre Facebook, ce qui était une victoire et qui était rassurant pour la liberté de la justice. Alors que là, on est libre, je suis d'accord, mais après, il y a des enjeux qui nous dépassent un peu. Oui, là, on voit que c'est plus. Ils ont gagné cette petite guerre. Maintenant, les éditeurs vont devoir retourner à la table des négociations s'ils veulent s'entendre avec Adblock. Voilà. Ouais, pour moi, c'est pas des méthodes très cool. Quoi. J'utilise un autre truc que je peux vous conseiller vite fait, c'est Ghostery, qui consiste à peu près à la même chose, sauf que tu peux choisir exactement en fait ce que tu bloques. Concrètement, source par source de pub, etc. Par exemple, un adblock peut bloquer, par exemple, les façons dont tu navigues et du coup, ils peuvent pas analyser ça après dans leurs stats, etc. Au niveau d'un site comme Gameblog, par exemple. Ghostery, tu peux dire, bah non, je laisse chaque site voir comment je navigue parce que comme ça, ils peuvent améliorer les trucs, etc. En fait, tu peux tout choisir et c'est autre chose, mais un peu plus compliqué, c'est pas aussi connu, mais pourquoi pas quoi. Moi je dis si ça pousse les sites à peaufiner leurs pubs et à faire des pubs plus ciblées, pourquoi pas, parce que la pub je suis pas contre, mais quand c'est des pubs vraiment nulles et chiantes, ça m'énerve. Ouais. Mais bon après, les prendre en otage, je parle des petits sites, les prendre en otage c'est pas cool quoi. Ouais c'est sûr, quand t'as des pubs qui sont un gros bandeau en plein milieu de l'écran voilà. Qui s'affiche, tu peux Allo rien ciné, passer. Moi j'y vais plus depuis quelques temps parce que dès que tu vas sur leur site, ouais, ça... Les pires étant je crois les pubs, tu sais, quand t'as dans des vidéos... qui se déclenche, t'as ta pub, machin, tu lances ta vidéo, tu changes d'onglet parce que t'as pas envie de la voir ou je sais pas quoi, et là elle s'arrête. En fait, tant que t'es pas sur l'onglet, elle se lit pas. T'es obligé de la regarder si tu veux juste. Mais moi je vais plus sur ce genre de. Ah bah moi après j'abandonne ça, ouais, c'est clair voilà. Aussi. Ouais, mais c'est pour ça, si, on peut être cynique par rapport à IO, à leur pratique, mais s'ils réfléchissent à une publicité, on va dire, moins intrusive comme ils disent, ça peut être aussi. Peut-être que chacun peut s'y retrouver entre les acteurs du web, IO forcément qui fait son business, et l'internaute lambda qui en a peut-être marre d'avoir des trucs. Ultra qui apparaissent ce genre de pop-up est très intrusif. La finalité est bien et nous sert à nous, mais je trouve que les moyens employés et dire ça ça fait cynique quoi. Ouais, on fait ça pour l'utilisateur voilà. Mais bon, c'est intéressant tout ça, c'est un débat un peu qu'on pourrait avoir un peu plus de façon plus précise. Ouais, on n'est pas prévu mais ouais. Bon, c'est intéressant Adblock. On va passer sur des news un petit peu plus rapides. Grégoire, tu voulais nous parler de Nokia qui reviendrait dans le monde du téléphone ? Oui, c'est vrai qu'on pensait que c'en était fini un peu des téléphones Nokia, bah notamment hein, puisqu'il s'était fait racheter par Microsoft. Et en fait, d'après des informations du site Recode, la firme finlandaise se préparerait à effectuer un retour en fait sur le secteur de la téléphonie mobile dès l'année prochaine. Bon voilà, je rappelle qu'effectivement ils avaient une clause de contrat avec Microsoft à qui donc ils avaient revendu leur activité mobile il y a 2 ans, qui lui interdisait de fabriquer des nouveaux smartphones. Mais cette clause justement, elle va bientôt terminer, hein, puisqu'elle va terminer en 2016. Donc là, plusieurs sources concordantes citées par Recode disent que bah, Nokia travaille actuellement à des nouveaux mobiles. Tout ça serait organisé par la division Nokia Technologies, hein, qui est actuellement celle qui gère les brevets, on va dire, de Nokia, et qui avait déjà lancé, par exemple, participé au lancement de la nouvelle tablette N1, donc on avait vaguement évoqué, genre podcast 1 ou 2, je ne sais plus. Enfin voilà, donc, qui était une tablette qui était produite et commercialisée par un autre constructeur, en fait, et qui exploitait juste la marque Nokia. Donc voilà, ça serait un peu cette technique-là qui pourrait permettre de contourner, entre guillemets, les choses, les contrats passés avec Microsoft. Bon, c'est vrai qu'en plus, Nokia, elle a quand même, on va dire, un beau trésor de guerre. Elle a énormément de brevets qui lui appartiennent toujours, que Microsoft n'a pas racheté. Elle a un nom qui a une certaine confiance dans l'esprit des consommateurs, notamment aux États-Unis, peut-être un peu moins en Europe, je ne sais pas. En tout cas, là, s'ils relancent leur division téléphone mobile, ça serait donc dans la même logique. C'est-à-dire, ils ne s'occupent pas de la fabrication, ils ne s'occupent pas de la distribution de ces nouveaux produits. En gros, ils ont leur marque, quoi, juste, qui a posé à ces produits-là. Et ils prennent une partie du chiffre d'affaires et peut-être ils réfléchissent au développement de ces produits-là. Apparemment, même Recode aurait eu plus d'informations, ça irait plus loin que les téléphones mobiles, puisqu'ils travailleraient sur plusieurs projets technologiques ambitieux, je mets des guillemets sur cette formule, et Nokia travaillerait apparemment, selon Recode, sur un casque de réalité virtuelle. C'est ce que j'allais dire en plus, voilà. Sans savoir le truc. Toujours un petit peu ce serpent de mer. Le 27 avril, il y a eu un petit retournement de situation dans ma news que j'étais en train d'écrire, donc merci les gars. Il y en a qui bossent. C'est ce que j'allais dire, mais cette news, elle est caduque. Bah ouais, elle est caduque. Non, alors est-ce qu'elle est caduque ou pas, justement, c'est un peu le sujet de la news. C'est que Nokia a démenti ses rumeurs le 27 avril en disant « Oui, on prend note des récents rapports de presse qui sont en train de circuler, mais ces informations sont fausses et qu'on prenne des commentaires attribués à tort à un dirigeant de Nokia Network. » Bon, on a plutôt tendance à croire que Nokia, s'ils démentent, on les croit. Cela dit, rapidement, très rapidement, même quasiment dans les heures qui suivent, plusieurs sites déjà disaient « C'est un démenti qui est uniquement pour des raisons boursières, en fait, pour ne pas parasiter son image auprès des marchés financiers. Et le démenti, en fait, ne contredit pas ce que le site affirme, puisque ils ont dans leur démenti, le choix de la formulation, on va dire, est troublant. Ils évoquent la fabrication et la vente, qui sont exactement les choses que Recode a affirmé qu'ils allaient faire. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils disent non, on ne va pas faire de la fabrication et de la vente. Mais en même temps, Recode n'a jamais dit ça. Recode a dit ils vont pas faire de fabrication et de vente, c'est une autre entreprise qui le fera, mais ils vont prêter leur marque. Et ça, ils n'ont pas démenti ce point particulier. Donc Recode, eux, continuent à maintenir leur affirmation en disant non, ils vont vraiment lancer un nouveau téléphone. Donc on va voir, mais c'est vrai que Nokia pourrait revenir du coup sur le secteur de la téléphonie mobile. Bon, récemment, on a quand même entendu parler un tout petit peu de Nokia dans la fusion avec Alcatel-Lucent, hein, dont on avait eu à peu près mi-avril, qui constitue maintenant quand même le deuxième groupe mondial en termes de part de marché derrière le suédois Ericsson. Et puis, bah, Alcatel, quand même, pour faire une petite parenthèse sur ce fleuron de l'industrie française qui a un peu subi une descente aux enfers pendant quelques années. Je rappelle que voilà, Alcatel a été vendu pour 15 milliards d'euros finalement à Nokia. Et cette opération qu'on a présentée dans la presse comme une fusion, j'étais assez étonné de voir cette présentation-là, puisque ce n'en est pas du tout une en fait. C'est pas du tout une fusion pour ceux qui se posent la question, puisque les actionnaires d'Alcatel ne pèseront qu'un tiers du nouveau groupe. Le nom disparaîtra d'Alcatel, le siège sera basé à Helsinki, donc plus vraiment en France, et les dirigeants d'Alcatel ne participent même pas à la direction de Nokia. Donc en fait, c'est plus une absorption qu'une fusion. Voilà, c'est vrai que l'ancien fleuron français avait vraiment eu une descente aux enfers, et on était même passé tout près de la faillite en 2013. Je vais pas refaire tout l'historique. En tout cas, là, maintenant, ils veulent, Nokia, recentrer leur activité sur les télécommunications et les infrastructures de réseau. Et du coup, il y a certaines choses dont ils vont se séparer prochainement, hein, pour conclure un petit peu la news sur Nokia. Et ça sera surtout, notamment, le service IR, donc les maps, en fait, les cartes, la cartographie de Nokia, dont ils cherchent à se débarrasser en ce moment dans le cadre de leur réexamen stratégique. Donc, quels sont les acheteurs qui sont sur les rangs, puisqu'on a déjà des rumeurs là-dessus. Bah, a priori, il y aurait la société Uber, hein, les voitures privées, la société de capital investissement américaine Hellman & Friedman, et puis donc il y a dedans aussi plusieurs industriels allemands, BMW, Audi, Daimler, et déjà on sait dans les intéressés aussi qu'il y a Amazon, Apple et Facebook. Donc ça risque d'être une belle bataille pour Nokia surtout, parce que Nokia, ça tombe bien, il leur faut un peu d'argent en ce moment pour pouvoir peut-être faire des nouveaux investissements. L'entreprise, là, actuellement, le service de cartographie de Nokia est estimé à environ 2 milliards de dollars par l'entreprise. Mais en fait, visiblement, en termes de négociation, ce qui va se faire, c'est qu'on va plutôt approcher une vente entre 4,4 et 6,9 milliards de dollars. Donc il pourrait faire un joli pactole pour Nokia pour pouvoir éventuellement se reconstituer sur le marché de la téléphonie mobile. Ok, bon, c'est intéressant ce qui arrive à Nokia, je trouve. Bah ouais, bah moi j'aime beaucoup cette entreprise en plus. Donc on n'aura pas de 32-10-2 Peut-être qu'on va avoir un 33-20, je ne sais pas. Ouais, ils ont dû le sortir ça. Je ne sais pas lesquels sont, mais un truc incassable. Ah ouais, le 32-10 c'était une brique. Hein. Ah ouais, c'était un peu. Moi j'aime bien les téléphones Nokia quand même. Bah c'est pour ça, ils ont une très très bonne image, donc s'ils reviennent en 2016, c'est quand même un marché porteur, pourquoi pas. Hein. Bon. Julien, tu voulais nous faire un petit point Apple, ça faisait longtemps, je trouve. On parle pas assez d'Apple. Surtout moi, hein, c'est vrai que voilà, j'ai un peu. T'es fan d'Apple en fait? Pas tellement, à la base, pas tellement, mais j'ai pas mal de produits Apple. Je suis en train de découvrir ça là. Non, mais t'as un iPhone? Ouais, ouais. Sur les genoux, là, t'as une sorte de Mac? Ouais, j'ai une sorte de Mac, mais c'est pas à moi, en fait. C'est un mec dans la rue, ouais. Il a tabassé quelqu'un. Non, mais voilà, je suis pas un Apple fan, mais en fait, je suis un Apple fan contrarié, peut-être. Je n'assume pas cette passion. Quelque chose qui a changé entre nous deux, Julien. Qu'est-ce qui s'est passé au royaume d'Apple? Oui, en fait, je vais vous parler un peu de leurs résultats trimestriels et encore quelques petites précisions, quelques petites infos sur le lancement de l'Apple Watch. Je vais commencer par l'Apple Watch, puisque finalement, aujourd'hui, elle est disponible nulle part. c'est un peu ça que j'ai envie de dire, ça résume bien la situation. Ah bah, je vais chercher pour rien alors. De l'Apple Watch. Et pour cause, parce que d'après le cabinet d'études qui s'appelle Slice Intelligence, sur les 1,7 million de précommandes aux États-Unis, 376 000 unités ont été livrées, soit seulement 22% des précommandes. C'est pas beaucoup ça. Voilà, sur des précommandes, hein. Ouais, sur les précommandes. D'accord. Et américaines, hein, donc t'imagines que. Donc même pas de disponibilité en magasin. C'est non, ça, on en avait parlé déjà la semaine dernière, ils savent pas, c'est pas la peine d'y aller. Hein, est-ce qu'ils ont évoqué pourquoi? Parce que c'est compliqué de produire des. Non, mais voilà. C'est pas une question piège. Hein. Non, mais c'est pas. Non, c'est pas une question piège, mais ils ont pas de réponse à ça. C'est-à-dire qu'ils ont. Apple l'a rien dit, mais est-ce qu'il y a des cabinets d'analyse qui ont pu le dire? Moi, j'ai vu un article qui disait. Il y a un matériau, non? Il y a un problème aussi avec les tatouages, donc ils cherchaient aussi à changer des pièces où il y a une pièce plus compliquée à produire. Voilà, j'ai lu ce genre oui, de. Oui, mais après, tu sais, c'est toujours le truc quand il y a des pénuries, on sait pas si c'est organisé ou finalement s'il y a vraiment un problème pour les produire. Ça me paraît un peu bête d'organiser ce genre de pénurie, là. Ah, bah, remarque. C'est un produit de luxe, hein. Faut pas l'oublier. Oui, les gens te diront que ça fait monter le buzz, qu'il y a de plus en plus de demandes, que tout le monde en veut, que ça crée un produit. Il y a déjà des gens de qui sont prêts à payer 600 ou 700 dollars pour le modèle à 350. Ouais, mais là, quand même, que 20% des précommandes, ça fait peur. Donc, là, ouais, fait donc 22% aux États-Unis, et d'après cette même étude qui a été menée sur environ 647 000 clients, c'est-à-dire qu'il y a toujours 38% de ces gens-là qui attendent qu'Apple les informe de la date de livraison par email. C'est moche ça. Donc voilà, des gens qui sont comme ça, perdus dans la nature et sans montre, ils n'ont pas l'heure, ils ne savent pas quoi faire, ils sont perdus. Quelle heure est-il, je ne sais pas. Alors, d'après toujours cette analyse, 547 000 montres sont-elles déjà dans la chaîne logistique et seront livrées aux clients entre le 27 avril et le 11 juin, selon donc Slice Intelligence, ce cabinet d'études. Voilà, donc en fait, les nouveaux acheteurs, hein, hors précommande, bah voilà, c'est pas la peine, comme je disais tout à l'heure, d'essayer d'en trouver une. Bah on sait que pour ces livraisons, ça n'aura pas lieu avant, pour les prochaines, avant juin. Bon. D'accord. Donc, il faudra attendre au moins un mois pour en avoir. Et là, je parle surtout pour les États-Unis. Donc, après. Donc, c'est un produit sorti en avril, c'est ça ? Ouais. Hein, de mémoire. Ouais, ouais, c'était les précommandes ont commencé le 10 et c'est sorti le 24, bon. De mémoire. Bah voilà, tout ça montre aussi qu'il y a quand même un engouement autour de l'Apple Watch, on en avait longuement parlé. Et selon Reuters, désormais, Apple entend vendre 26 millions de montres cette année, dont 2 millions pendant ce trimestre. Bon, déjà, il faudrait qu'ils en produisent beaucoup plus. C'est énorme. C'est énorme. Je rappelle qu'on avait parlé de 15 millions pour les analystes les plus optimistes, il me semble. C'était Strategy Analytics qui avait prévu 15,4 millions et Forrester avait prévu 10 millions. Ouais, donc on est largement au-dessus. Et donc là, Apple qui généralement, bah voilà. Putain, ils sont bons ces connards. Ouais, et voilà, et là, ils n'ont pas non plus balancé des chiffres. C'est toujours risqué de balancer des chiffres très hauts pour pas l'engouement. Hein. Moi, j'aime pas du tout, mais alors je comprends pas non plus, mais je dis bravo quand même, quoi. Ah ouais, c'est très très fort. Alors, c'est vrai que question chiffres, pour l'instant, on n'a pas des chiffres très précis, puisque là, je donnais des choses qui sont faites par Slice Intelligence. Donc, c'est quand même des estimations par rapport à un panel. On reste dans les études. C'est un peu des déductions. Et d'ailleurs, Tim Cook s'est montré plutôt évasif lors de l'annonce des résultats financiers. Il a juste dit l'accueil des consommateurs est très positif, extrêmement positif. Et il s'est déclaré réellement heureux de ce qu'Apple réalise. Donc, ce n'est pas vraiment des phrases qui vont pouvoir nous faire réagir. Hein. Mmh. On a l'impression qu'il parle du bébé royal. On est très heureux que le bébé royal soit né. Voilà, c'est pas trop finalement ce que ça donne concrètement en chiffres. Alors, il a reconnu le problème de production auquel Apple est confronté pour l'Apple Watch. Il dit actuellement la demande est supérieure à l'offre. Merci de l'info. Ah bon ? Alors, nous travaillons dur pour y remédier. Il manquerait plus qu'il foute rien et qu'il fasse des défaites toute la journée avec grosse déclaration là. Voilà. Quoi. Non, mais voilà, c'est pour dire qu'finalement, pendant la conférence, ils ont plutôt pas vraiment évacué le sujet, mais ils restent dans le flou et ils restent. Laissez la police faire son travail. Laissez la police do the job. Mais par contre, il a déclaré que fin juin, il pourrait commencer à vendre la montre dans des pays supplémentaires. Donc ça veut dire qu'ils sont déjà quand même assez confiants sur la capacité de production de leur chaîne pour produire d'autres montres, ou alors ils vont laisser les gens, voilà, ils vont peut-être en promettre à d'autres précommandes. Hein, des ordres d'usines en Chine, ils doivent avoir la pression en Chine. Par contre, la grosse satisfaction, autre satisfaction plutôt pour l'Apple Watch, c'est les applications, puisqu'il y a plus de 3500 applications disponibles pour l'Apple Watch. Titre comparaison, 500 applications environ étaient prêtes au lancement de l'iPhone premier du nom et 1000 pour l'iPad. Là, t'as dit combien, excuse-moi? 3500. Ouais. Bon, après, c'est vrai que maintenant, les produits Apple avec les applications, c'est quand même un truc que n'importe quel éditeur peut. Enfin, que tous les éditeurs peuvent pas éviter. Donc, c'est un peu logique. À condition de ne pas donner l'heure, en fait. Ouais. Oui, il y a une interdiction là-dessus. Apple ne veut pas qu'il y ait d'applications qui donnent l'heure. Tu sais pourquoi Non, mais c'est Apple qui garde la main mise sur ce genre de choses. C'est trop. Ouais, bon. C'est parce qu'ils ont dû passer des contrats avec Disney, par exemple, pour l'heure Mickey Mouse, etc., et qu'ils veulent faire payer. Je pense. Voilà, donc là j'en ai fini avec l'Apple Watch, hein. Je pense qu'on en reparle. Peut-être qu'après, des gens l'auront et pourront peut-être la tester. Je sens, Julien, quand même que tu vas craquer. Sens bien parti. 400 euros. 350 euros, allez, vas-y. Ouais, 399, c'est ça. On l'a rendu à 350. Allez, c'est un rein, quoi, c'est rien. Bon, ça me fera un cadeau. Je te demanderai un cadeau à moi. On va parler rapidement des chiffres trimestriels d'Apple qui sont très très bons, au-delà même des prévisions des analystes. Comme toujours avec Apple. Apple a annoncé un chiffre d'affaires de 58 milliards de dollars, en hausse de 27% sur un an. Les bénéfices nets se montent à 13,6 milliards de dollars pour un bénéfice par action de 2,3 dollars. Donc il aurait fallu acheter des actions, pas fait. Mais elles sont un peu chères. Alors ce sont vraiment les ventes d'iPhone qui ont dopé les résultats. Avec 61,17 millions d'unités écoulées, l'iPhone représente à lui seul 40,2 milliards de dollars du chiffre d'affaires, soit 70% de ce chiffre d'affaires. Pas mal. Donc, c'est juste énorme. C'est beaucoup l'iPhone. En Chine en plus, hein, je crois, cette histoire d'iPhone qui se vend énormément en Chine. Ça a vraiment progressé. Donc ça compense la baisse de vente des iPads qui se poursuit, avec 12,6 millions d'unités vendues, soit une baisse de 23% en volume et de 29% en valeur. Donc là, l'iPad, ça marche quand même moins. On sait qu'il y a toutes les tablettes. L'iPad fait pas exception. Par contre, les ventes de Mac ont progressé de 10% en volume à 4,5 millions d'exemplaires et ils dégagent un chiffre d'affaires qui est aujourd'hui plus important que les iPads. Le chiffre d'affaires est meilleur sur les ordinateurs, sur les Mac. Ça m'étonne pas. Avec 5,6 milliards de dollars contre 5,4 milliards de dollars pour l'iPad. Et 69% du chiffre d'affaires global a été réalisé hors des États-Unis, avec notamment une hausse de 71% des recettes en Chine, qui ont atteint 16,6 milliards de dollars. Donc voilà, en Chine, ils sont vraiment très très bien implantés. Ouais, il me semble que j'ai lu que même la Chine maintenant était passée devant l'Europe en termes d'importance de marché pour Apple. Donc, ça serait pas étonnant. Ouais, ouais, ça serait pas étonnant. Bah, là, ça va être vraiment leur relais de croissance pour les années à venir. Mmh. Donc tout à l'heure, tu parlais des chiffres des grosses boîtes. Bah, ça va bien, ils peuvent faire des réunions, ils peuvent faire des fêtes, ils peuvent checker tout leur argent avec le cash. Ils sont pas obligés de bosser sur leur stock et tout. Oui, on bosse sur vos stocks. Oui, c'est ça. Ouais. Ouais, sans production. Ouvre le champagne, gros. T'en fous. Installe les transats. Piscine de caviar. C'est piscine intérieure. Ouais. C'est piscine en or, là. Bon, pour revenir à notre genre, je crois que Greg, tu voulais nous parler vaguement des Google Glass. Ouais, exactement. Et rapidement, peut-être de HoloLens. Je sais pas, parce que je crois que Julien, tu vas en parler un peu plus loin encore. Non, a priori, je vais parler, en fait, ouais, de ces deux produits, parce qu'on en a entendu un peu parler pendant ces deux dernières semaines de ces produits futuristes dont on avait largement parlé à l'époque. Bon, déjà, les Google Glass, c'est vrai qu'on avait plutôt dit, répété que les Google Glass étaient, on les croyait un peu mortes et enterrées, déjà, ces Google Glass dont, bah voilà, avec un niveau d'adoption finalement très faible, hein. Est-ce que vous avez déjà croisé quelqu'un avec des Google Glass? Non. Et, sur l'aspect invasif de ces lunettes connectées qui avaient été largement critiquées, donc ça avait été un petit peu un projet qui était tombé un peu à l'eau, on avait senti ça. Et puis finalement, les Google Glass, officiellement, Google les avait pas abandonnés, ils avaient reconfié le projet à Tony Fadell, hein, j'en avais parlé à l'époque. Donc c'est l'ingénieur qui a conçu l'iPod, mine de rien, et qui a cofondé Nest, qui est un énorme succès que Google a racheté, 4 milliards de dollars, je crois, ou 3 milliards peut-être. En tout cas, ce qu'on a appris là cette semaine, c'est qu'une prochaine version des Google Glass était déjà sur les rails en fait, hein, puisque c'est le fabricant de lunettes italien Luxottica qui a annoncé ça dans le Wall Street Journal. Voilà, c'est eux qui détiennent Ray-Ban ou Oakley par exemple. Et donc, lui, ils ont un partenariat avec Google et le Wall Street Journal a réussi à leur faire dire, entre guillemets, voilà, que ça allait bientôt sortir en fait cette nouvelle version des Google Glass, la version 2.0. Et le projet semble tellement avancé qu'il a même déclaré qu'ils avaient quasiment terminé la version 3.0 même des Google Glass. Donc je ne sais pas vers où ils vont, mais ça va être intéressant de voir ça. Rien à fuiter hein, sur est-ce que ça va se rapprocher des HoloLens, est-ce que ça va aller vers complètement autre chose. On ne sait pas du tout, mais en tout cas ça arrivera bientôt, donc on va regarder ça avec attention. Et c'est vrai que en mars dernier, Eric Schmidt, malgré l'échec, un peu le semi-échec en tout cas des Google Glass, avait quand même redit que pour eux c'était une grande plateforme les Google Glass et qui surtout ils avaient une importance fondamentale pour Google. Donc ils le situent un petit peu au cœur de leur stratégie. On va voir. En tout cas, ce qu'on a vu dans ces dernières semaines, c'est HoloLens. Alors, je ne sais pas si toi, je crois que Julien, t'as eu le temps de regarder finalement. Non, finalement, t'as pas eu le temps. Je me l'ai dit hier. Je me suis dit, faut que je la regarde. Ah ouais, et finalement, non plus, t'as pas eu le temps, je crois, de regarder la nouvelle démonstration des HoloLens. J'ai vu une vidéo où il y a une map monde sur une estrade. C'est ça. Bah, voilà. C'est la nouvelle démonstration. Ah bah, c'est bien. Donc, que parce que moi, je l'ai pas vu et faut vraiment que je la regarde. C'est prometteur. Enfin, je vais en parler, mais voilà, je rappelle juste rapidement les HoloLens. Donc, c'est le casque, on va dire, à hologramme, comme dit, c'est Microsoft hein, qui dit ça, en fait c'est de la réalité augmentée de Microsoft hein. On avait quand même trouvé tous les trois à l'époque que c'était un des produits peut-être les plus ambitieux de la firme, on avait été complètement bluffé par cette vidéo, même s'il y avait un peu de réserve en disant attention c'est du molineux un truc dans le style, ils nous promettent un truc monstrueux et ça risque de pas être aussi bien. Donc là ils ont remontré ça lors de leur build, leur conférence quoi hein, donc avec peut-être des précisions sur la façon dont ça fonctionne. En gros, ça ne se contente pas les HoloLens d'immerger l'utilisateur dans un univers imaginaire, voilà, vous avez vos trucs etc, puis ça disparaît. Non, en fait il y a une sorte de système, enfin moi j'ai trouvé intelligent, d'épingler en fait. Vous pourrez épingler des fenêtres virtuelles à certains endroits de chez vous, elles resteront là en permanence, c'est-à-dire que non, justement, ça sera collé au mur, tu vois, donc, tant qu'elle est au mur. Je pense que c'est très bien. Et à chaque fois que tu regarderas ce mur-là, bah, tu auras ton post-it ou ton application qui sera sur ce mur-là. Range ta chambre. Voilà. Ou ton Skype, ou des choses comme ça qui seront présents. Donc, c'est un plus grand objectif, en fait, de proposer une nouvelle réalité quasiment. Hein. Donc, ça pourrait être pas mal. Et j'avoue que la nouvelle démo, donc, tu l'as vu, Stan, moi, perso, je l'ai trouvée très impressionnante parce que c'est vrai que dans la première, c'était une vidéo montée, on aurait pu se dire, c'est des effets spéciaux faits après. Enfin, on n'en savait rien, quoi. Là, on avait quelqu'un en direct qui voyait en temps réel les hologrammes et la caméra, qui montrait ce qu'il voyait. On voyait la caméra. On voyait les mêmes hologrammes. Il y avait un dispositif pour rendre le hologramme. Exactement. Et du coup, on voyait en temps réel ce que ça donnait. Et c'est très bluffant. Enfin, ce qui est très bluffant, c'est la réussite des hologrammes, hein, globalement. Puis, moi, ce qui me bluffe, c'est la stabilité de l'hologramme. Voilà, c'était la deuxième chose. Hein, exactement. Non, mais t'as raison de le dire. C'est vrai que c'est hallucinant. L'hologramme, la Terre, par exemple, ou alors le post-it posé au mur, ne bouge pas. La caméra a beau bouger dans tous les sens assez rapidement, en plus, ça ne bouge pas. C'est fixe. Donc, c'est une analyse en permanence de l'environnement qui est absolument bluffante. Il se fait pas avoir, quoi. C'est-à-dire que t'as beau bouger la tête dans tous les sens, ça a l'air de vraiment stable, quoi. Le tracking est parfait. Ouais, c'est absolument parfait. Et pourtant, un tracking, qu'est-ce que c'est dur à faire? C'est hallucinant. donc bonne performance là-dessus. Ce qu'on a appris, moi, que j'ai trouvé marrant, donc c'est effectivement que chaque appli, donc voilà, on pouvait l'épingler quelque part, mais on pouvait aussi la transporter avec soi. Elle se balade derrière nous entre guillemets, hein, donc voilà. Et surtout, elle est redimensionnable à la taille qu'on veut. Donc là, on peut rigoler un petit peu. Enfin, on peut se dire, mais ouais, bon, ok, c'est une info vite fait, mais en fait, en soi, ça pourrait signifier, si HoloLens fait un carton, que ça serait la fin de la télévision, hein, potentiellement. Parce qu'on voit le mec, en fait, en gros, poster une vidéo YouTube sur son mur, c'est une petite icône sur son mur, et puis après, il fait hop, il l'agrandit et ça fait tout son mur. Donc il a un écran géant devant les yeux, voilà, c'est absolument bluffant. Télévision et cinéma. Hein. Oui, ouais, non mais c'est absolument bluffant. Hein. Donc aussi, ils ont montré qu'on pouvait interagir avec ces hologrammes avec une souris, par exemple, hein, ce qui est pas très bête, parce que c'est vrai qu'apparemment ils ont pas encore trop réfléchi sur le système d'ergonomie, comment on va faire avec les mains, etc., pour faire des choses. Là, avec une souris directement, on pourra manipuler ces hologrammes. Donc c'est pas mal. Apparemment, ça marche bien. J'ai lu un, je crois que c'est Corben qui a déjà testé le HoloLens, hein, donc le blog de Corben, qui fait partie de nos sources, hein, je vous incite à aller le voir parce qu'il les a carrément testés, donc il fait un retour. On a aussi appris, et je trouve que c'est aussi très intéressant, puisque le HoloLens va faire part aux applications, il va supporter les applications. Je t'en prie. Merci Stan. Les applications universelles. Je le prends pour moi. En gros, qu'est-ce que ça veut dire là-dessus? C'est qu'un éditeur ou un développeur pourra très bien utiliser les API fournies pour créer des hologrammes associés à ces solutions logicielles, donc ça sera relativement simple. Donc, comme en plus Microsoft a dit que Windows 10 ferait tourner des applications conçues pour Android et iOS, on peut supposer qu'il n'y a qu'un pas maintenant pour que chaque application qui va sortir sur Android ou sur iOS soit transposable sur votre mur, redimensionnable, etc., etc. Et que, en plus, HoloLens allait fonctionner avec le moteur Unity. Donc ça, c'est aussi plutôt une bonne nouvelle. On en avait parlé d'Unity sur, je ne sais plus quelle console, là. La New 3DS. La New 3DS, voilà. Bah, donc ça sera aussi également supporté par le HoloLens. C'est un terminal, pour ceux qui ne savent pas encore, qui est complètement indépendant, hein, donc c'est-à-dire qu'il y a pas de, vous n'êtes pas obligé d'être relié à un ordinateur ou des choses comme ça, hein, vous pouvez le porter, il n'y a pas de fil, etc. Apparemment, dans ceux qui l'ont essayé, c'est des petits points de détail, mais c'est des questions que je me posais, donc c'est toujours intéressant de le savoir. Casque réglable, il s'adapte à toutes les têtes, il n'est pas trop lourd, il est sympa à porter apparemment, on s'y habitue très vite. Ils vont apparemment implanter un système audio capable de superposer des sons au bruit de l'environnement, donc vous continuerez à entendre... Voilà, un petit peu la même logique, c'est tellement à voir votre monde, mais aussi à l'entendre. Mais en plus, vous aurez des faux sons, entre guillemets, générés par vos applications. Donc ça, c'est pas mal. Seule petite chose négative au tableau, apparemment, qui est un peu le retour commun de tous ceux qui ont pu le tester, parce qu'ils ont invité des journalistes ou des blogueurs à le tester. Donc c'est que c'est plus très loin dans l'avenir, finalement, cette HoloLens. Et donc Corben, qui l'a testé, et beaucoup, The Verge, etc., font tous la même remarque. C'est qu'en fait, la dimension des lunettes de l'HoloLens est très petite, en fait. Et du coup, que le champ de vision est très... faible. Et du coup, quand vous regardez un hologramme, si par exemple vous regardez une personne en hologramme, bah vous voyez que son torse, en fait, qui se balade dans l'air, vous voyez pas ses jambes. Il faut regarder de haut en bas, il faut faire un mouvement avec la tête pour bien voir la personne. Okay. Donc ça a été un retour unanime. C'est volontaire de Microsoft, ils l'ont dit, Microsoft? Là-dessus, non, ils ont dit qu'ils avaient eu des retours, qu'ils étaient conscients du coup du problème, que les retours étaient unanimes là-dessus. Ils ont dit qu'ils allaient travailler pour faire autre chose, donc ils vont certainement peut-être agrandir la taille des verres. C'est-à-dire que pour un hologramme très loin, comme la map-monde qu'on voyait, voilà, là ça marche, va, si t'es très loin. Dès que tu te rapproches, ça coupe l'image. Exactement, en fait. Si tu regardes ta télé et que t'as fait un écran géant avec ton application à ton mur, mais que, bah, en fait tu verras pas ta télé entière parce que tu verras que le haut de la télé, il faudra faire un mouvement d'ouïe avec la tête en permanence pour c'est un peu gênant. C'est un peu gênant. Il va falloir des petits amis, quoi, des gens qui sont pas très grands. Comme ça, ils rentrent vraiment sur la. Tu fais un écran géant, mais petit. Ouais, petit écran géant. Voilà pour les HoloLens. Moi, je trouve que ça commence à donner envie. Au début, bah, j'étais. Je crois que c'était trop de la science-fiction presque. Moi aussi, le premier, c'était vraiment une vidéo d'intention. Voilà. Et je me méfiais du futur. Ça faisait rêver, mais comme ferait rêver une vidéo d'architectes qui te présentent la cité du futur et ça sera comme ça. Et tu sais que ça sera pas comme ça, mais c'est quand même trippant de voir ça. Quoi. Et là ça paraît beaucoup plus concret en fait. Mmh. Enfin, les gens qui l'ont testé disent oui, en fait, c'est comme dans la vidéo. Bon, ok. Et apparemment, il serait présenté à l'E3, j'ai entendu. C'est vrai ? Ouais. C'est bon signe, ça, parce que ça veut dire compatibilité jeux vidéo. Quoi. À l'E3, où, je vous rappelle, nous ne serons pas. On va envoyer Dim. À part si des grosses boîtes avec des réserves de cash importantes veulent nous envoyer là-bas. Oui, voilà, nous sommes prêts à y aller. On est prêts à y aller. On ne fait rien en juin. Donc. On fera un retour quand même, on regardera les... On fera un pas d'heure. Oui. Pour rien, comme d'hab. Pour rien. Bon, bah, tout ça, ça me semble très excitant. Ouais. Ah, bah, moi, je suis pressé, là. Alors, Julien, toi, tu voulais parler d'Amazon qui veut tester un nouveau système de livraison. Oui, puisque je vous avais déjà parlé. Moi, je fais souvent un peu de suivi de news. Hein. J'ai remarqué ça à chaque fois. Je vous dis, j'ai parlé dans l'Upcast numéro 10. Donc, je vous y renvoie pas forcément, mais c'est juste pour dire, voilà, on avait déjà parlé de l'Amazon Prime Air, qui est le système de livraison par drone. qui avait connu quelques contrariétés à cause de la Federation Aviation Administration, qui est un organisme américain et donc qui gère le ciel américain. Et on avait vu que c'était pas si facile de faire voler n'importe quoi dans le ciel américain, ce qui était plutôt une bonne chose. Et en fait, pour le coup, on avait dit que ça s'était réglé puisqu'ils avaient donné leur accord. Et là, en fait, Amazon continue d'innover pour assurer la livraison des colis à ses clients, puisqu'en fait, Amazon vient d'annoncer un partenariat avec Audi, donc la marque de voitures, et DHL, pour envoyer des colis directement dans les voitures des clients. Et plus précisément dans le coffre des clients. Vous cassez la fenêtre et... Alors en fait, ça fonctionne assez simplement apparemment, puisque le client accepte, heureusement, que son véhicule soit géolocalisé, et durant une plage horaire précise, un livreur accède au code et y dépose le paquet. C'est-à-dire qu'il faut que ton coffre... Mais comment ça marche, ouais, le coffre, comment il l'ouvre, le livreur? En fait, c'est un système d'accès... Ah, il faut que tu aies une voiture spéciale, en fait. Alors non, c'est un système d'accès temporaire, mais ils n'ont pas livré, en fait, la recette Amazon, si tu veux. On ne sait pas du tout comment ça fonctionne, donc mystère pour ça. Apparemment, c'est un pied de biche. Alors... ils ont déposé un pied de biche. Non, mais en fait, pour le moment, si tu veux, ils sont juste à une phase de test, puisque ça commencera en mai en Allemagne, et juste sur les véhicules Audi. Donc voilà, si le test est couronné de succès, voilà, ils vont étendre ce système de livraison à d'autres pays, à d'autres véhicules. Et pour info, on avait déjà eu Volvo qui avait fait ça. Et là, pour le coup, le destinataire d'un colis transmettait à un livreur un code numérique lui ouvrant l'accès à l'intérieur de sa voiture. Donc là, c'était via un code numérique. On ne sait pas comment encore ça fonctionne pour Amazon, mais c'est possible que ce soit la même chose. Hein. Parce que je pense que le pied de biche, ça serait un peu... C'est une innovation. Je ne sais pas, pour l'image donc, voilà, d'Amazon, je ne sais pas. Moi, je trouve ça plutôt, plutôt intéressant. Enfin, on voit qu'ils essaient d'innover sur leur courrier, entre le drone qui peut t'amener ça dans ton jardin en moins d'une heure, le fait de l'avoir, parce que c'est vrai que finalement, quand tu cherches des nouvelles méthodes de livraison, le coût coffre de voiture, ça peut être pas mal. T'es au boulot, tu donnes une plage horaire, tu le récupères le soir, t'as rien à faire. C'est pas mal, hein, je trouve ça plutôt une bonne idée. Voilà, c'était juste ça. On va voir ce que ça va donner là sur les tests en mai, donc ça sera en Allemagne. Ok, super. On reparle de Google qui parle à la chasse aux trolls. Ouais, exactement, aux trolls et à un type particulier de trolls, les patent trolls, donc les trolls au brevet, hein, si on devait le traduire en français, puisque Google a annoncé qu'ils allaient lancer un programme durant quelques jours, parce que ça va pas durer très longtemps, le Patent Purchase Promotion. Donc ça serait une plateforme d'achat de brevets, en fait, hein, tout simplement, pour lutter donc contre ces fameux patent trolls. Alors les patent trolls, qu'est-ce que c'est? C'est des individus ou des sociétés, la plupart du temps des sociétés, qui surtout aux États-Unis en fait achètent des brevets technologiques aux particuliers pour mieux ensuite les revendre au plus offrant et bien souvent bien cher en général, hein, pour faire des actions en justice en disant ah bah vous avez copié mon brevet que je détenais, etc. en attaquant Apple, etc. par exemple. Donc là le but de Google, c'est de contourner un peu ce gros problème qui est en train de devenir un très très gros problème aux États-Unis, qui l'est déjà depuis quelques années mais qui continue à s'amplifier. Je vais en parler. Donc là, concrètement, cette nouvelle plateforme va permettre aux détenteurs de brevets d'enregistrer une offre de vente entre le 8 et le 22 mai. Donc c'est une plateforme qui est éphémère, hein. Google leur conseille justement, c'est si vous avez un brevet, Stan par exemple, un brevet, Google te conseille de consulter quand même un avocat avant de la vendre, globalement. Puisque en effet, sur cette plateforme qu'ils vont développer, l'offre sera ferme. Donc tu fixes ton prix et après tu n'as plus le droit de le changer. Hein. Donc voilà, et si Google est intéressé, ils te contactent et apparemment ils l'achèteront et le paieront avant fin juin. Donc c'est une très très bonne idée qui vaut des millions. Fais-le maintenant, tu peux devenir riche tout de suite, là, en 2 mois. Je vais me précipiter là-dessus. Donc, on va leur parler de notre cloud Capcast. On va peut-être voir si ça les intéresse. Je ne sais pas. Du coup, c'est une bonne manière aussi pour Google, bien sûr, de diversifier son portefeuille, hein, de sonder un peu le marché, peut-être d'avoir des bonnes idées sans les chercher très loin. Donc voilà, et justement cette pratique des patent trolls, je voulais un peu revenir dessus puisque c'est une pratique qui est largement en augmentation. On en parle depuis plusieurs années déjà aux États-Unis, hein. Mais voilà, ça augmente à peu près de 20% tous les ans aux États-Unis le nombre de procès liés à des brevets. Les 5 cibles les plus visées par les trolls des brevets aux États-Unis, c'est Google, AT&T, Apple, Samsung et Sony, pardon. Et le plus gros troll des brevets en 2013, c'était donc Acacia Research. Ils ont déposé 239 plaintes, par exemple. Donc, ils vivent quasiment que de ça. Hein. Presque une par jour ouvrée, si on regarde ça. Enfin, bon, voilà. Par exemple, un des plus gros aussi trolls des brevets s'appelle Intellectual Venture et détiendrait près de 60 000 brevets selon des recherches universitaires. Donc, ils ont encore de quoi vivre et de faire chier un peu tout le monde pendant quelques années. Et du coup, je voulais aussi parler, quand on parle brevet, on parle innovation, je voulais aussi en profiter pour faire une petite news dans la news, une news secrète dans la news, c'est sur les innovations, les brevets déposés en France, puisque les chiffres sont parus il n'y a pas très longtemps, là, par l'INPI, À votre avis, quelles sont les entreprises ou les institutions qui déposent le plus de brevets en France? Bah, c'est les entreprises militaires, j'imagine. Qu'est-ce que tu as en tête, par exemple? Est-ce que tu as des noms d'entreprises en tête? C'est pas facile. Tu as raison, il y en a certaines. Hein, Thales. Ouais, Thales est dedans, 10e, effectivement. C'est pas le plus gros, mais 10e, c'est déjà bien placé. Il y a Siemens. Je ne vois pas je Siemens. Je sais même pas si c'est français. C'est français? Non, ça dépose pas en France, ça, non. Non, non. Non, c'est que des entreprises françaises que j'ai là. Bah, Free. Orange. Non. Non. Orange n'est pas dans les. Si, Groupe Orange, autant pour moi, c'est 11e. Ah, c'est Stan qui gagne pour l'instant. En fait, c'est Iliad. Quand je dis Free, c'est Iliad. Ouais, non, je le vois pas. Écoute, hein. Non, je ne le vois pas. On pense pas. Et dans tout ce qui est, je sais pas, genre pharmacie, médicale. Il y a des ways. On va dire, il y a un peu de ce genre de trucs. Bah, par exemple, on peut citer le groupe L'Oréal, qui est 6e dans le nombre de dépôts de brevets. Est-ce qu'on peut trouver ou alors c'est n'importe quoi? Non, on peut trouver, mais on va. Pour avoir un indice qui s'afficherait en bas. Un indice, c'est pas trop facile. Il y a pas mal de groupes de type transport, on va dire. Ça n'est pas du tout. SNCF. Non. Enfin, ils sont peut-être dedans. Ah, mais... J'ai dit tout ce que je savais en transport. Bon, bah, en fait, il faut penser voiture. Hein. Il y a Renault. On est quatrième. PSA, c'est le premier, avec 1000 brevets. Donc, ils sont largement devant les autres en plus. 1063 brevets déposés en 2014. Deuxième, groupe Safran. Et le CEA, le Commissariat à l'énergie atomique, hein, qu'on a déposé énormément. Renault, je l'ai dit, Valeo, L'Oréal, CNRS, Airbus. Ça, vous auriez pu trouver, les gars, quand même. Merde. Ouais, aviation, voiture, c'était... Oui. Thales, tu l'as dit, Michelin, voilà, ce genre de groupe. J'ai quand même surpris de retrouver PSA, déjà premier, mais surtout loin devant les autres, hein, parce que lui, eux, ils en déposent 1000, le deuxième en dépose 700. Ils ont 300 de plus que le Après, deuxième. Un dépôt de brevet, ça ne veut rien dire. Hein. C'est, dès que tu as une idée, tu la déposes pour pas qu'on te la pique. Exactement. Juste pour bloquer le marché. Exactement. Voilà. Bon. Est-ce que tu veux aborder la dernière news? Ouais, je vais la faire vite fait. C'est peut-être sur le moment c'est... nostalgique de la. Ouais, moi je trouve que c'est une très bonne chose. Mais de l'aspect techno, c'est Moneo. Moneo que vous connaissez peut-être de nom pour les plus vieux d'entre peut-être vous. Pas. voilà, bah Moneo va s'arrêter. Alors, hein. À mon avis, les jeunes connaissent aussi parce que c'est, si je peux me permettre, c'était utilisé dans le milieu étudiant pour payer ses repas. Et voilà, exactement. Ils avaient fait des associations avec des milieux étudiants et sur les cartes étudiants, il y a Moneo. En fait, c'est la petite carte qui vous permet de pas avoir de monnaie, hein, justement. C'est pour ça que ça s'appelle Moneo dans votre portefeuille. Vous pouvez payer théoriquement votre baguette de pain avec une carte Moneo. Sauf que dans les faits, personne le fait. Du coup, ça s'arrête. Donc, ça va bientôt se terminer. C'est un petit peu ça a été lancé en 1999. Hein, c'était pour régler jusqu'à 30 euros et ça n'a jamais réussi à s'imposer finalement. Les consommateurs l'ont boudé. Les commerçants, en deuxième point, ont eu du mal à adopter le système, notamment apparemment avec des grosses contraintes réglementaires qui étaient assez galères. Et puis, c'est vrai que maintenant, on arrive au moment où le paiement mobile commence à arriver en France, doucement. Hein. D'abord, il y a les cartes sans contact, bientôt peut-être les téléphones, on va y arriver. Donc voilà, c'est un peu terminé pour tout ça. Moi, ça me rend un peu triste parce qu'on le voyait chez le boulanger quand on y allait. On accepte votre carte Moneo. Voilà, c'est fini. C'est fini, c'est triste. Ça sera tout pour cette news. C'est notre Minitel de paiement qui vient de s'arrêter. C'est exactement ça. Encore un truc français bien nul. Bon, merci pour cette news techno. On a un peu traîné la patte sur la techno, mais c'était intéressant. Ça fait du bien, écoute, de temps en temps. Traînons la patte. On va passer tout de suite à la rubrique divertissement. Pour les news divertissement, Grégoire, tu vas nous parler déjà de Hollywood qui serait une industrie sexiste. Mais oui, alors peut-être, hein, c'est avec un point d'interrogation sur notre fameuse tradition du débat maintenant que Julien a inauguré et qui est chère à ton cœur. Ouvrons le débat. Le débat est sur la place publique. Est-ce que Hollywood est une industrie cinématographique sexiste? Alors pourquoi je me suis posé cette question entre ces deux semaines? Peut-être parce qu'on est quatre mecs ici. Peut-être parce que déjà. Enfin bon, voilà, ça n'a rien à voir. Non, parce qu'il y a eu l'Institut Sundance et l'organisation Women in Film qui ont publié les résultats d'une étude portant sur la place des femmes dans le cinéma et dans la réalisation de films. Et voilà, le site qui a relayé cette étude explique justement que les femmes ont plus de chances de réaliser un film si elles le font de manière indépendante, loin des studios. En gros, quand elles sont avec les studios, c'est beaucoup plus compliqué, puisque les grandes compagnies auraient en effet tendance à penser qu'un réalisateur serait bien plus intéressant en termes de profit qu'une femme. Voilà. Selon l'étude, toujours, sur les 1300 plus gros films réalisés entre 2002 et 2014, il n'y avait que 4,1% de femmes parmi les réalisateurs. Aussi, à côté de cette étude, il y a eu un sondage effectué auprès de 59 réalisateurs vendeurs et acheteurs de films, donc 59 c'est pas énorme, mais bon voilà, il y avait 20 femmes hein, parmi ces 59 acheteurs, réalisateurs et vendeurs de films. Et sur ce petit sondage, sur ce petit échantillon, mais assez un échantillon pointu on va dire, 44% des répondants expliquaient que le milieu du cinéma pensait que les films réalisés par des femmes sont destinés à un public plus restreint que ceux réalisés par les hommes, et 25% disaient même qu'ils avaient le sentiment qu'il y avait un manque d'ambition chez les femmes quand il s'agissait de remplir des rôles importants dans l'industrie, donc que ça soit même au niveau de rôles importants, hein, acteurs, réalisateurs, etc., etc. Donc voilà, les chercheurs de l'Institut Sundance ont un peu conclu en disant les réalisatrices font face à des profonds préjugés de la part de l'industrie du film à propos de leur capacité créative, leur sensibilité, leurs orientations et leurs ambitions. Ça, c'est donc Cathy Schulman, la présidente de Women in Film, qui a fait cette étude-là. Ça a donné de l'écho aussi en février dernier, le Los Angeles Times hein, soulevait déjà le problème de fond de ces inégalités, puisque, bah, par exemple, il rappelait tout simplement que les studios ont été dirigés essentiellement par des équipes constituées d'hommes. Et le journal Los Angeles Times, en février, nous apprenait que seulement 4,6% des films sortis par des grands studios en 2014 avaient été réalisés par des femmes. Donc seulement 4,6. Et que c'était même un chiffre en baisse en plus depuis 2012. Hein. Avant, il y avait plutôt environ 8% de réalisatrices tous les ans. Maintenant, on est tombé à 4. Ce qui n'était déjà pas énorme. Tu l'avais souligné, enfin, on avait parlé de Cannes lors du dernier podcast, mais on avait aussi vu qu'il y avait très peu de femmes, je crois deux femmes hein, dans la compétition cette année à Cannes. Et il y a aussi voilà, ce problème entre guillemets, du manque de visibilité des femmes dans l'industrie cinématographique se voit aussi au moment des récompenses quelque part. Hein. En 2012, je ne sais pas si vous saviez, il y avait une pétition qui avait été lancée qui s'appelait « Où sont les réalisatrices ?» Mais où sont passées les réalisatrices ? Je voulais dire « Où sont les femmes ?» Oui, voilà. On pourrait peut-être faire une petite chanson, on verra. Je rappelle quand même, du coup, pour illustrer un peu ça, que dans cette pétition, ce qu'il disait, c'est que depuis 1929, donc ça c'est la première année où il y a eu la cérémonie des Oscars, seulement 4 femmes ont été nommées dans la catégorie du meilleur réalisateur. Donc je crois qu'il y a eu Jane Campion qui n'a pas gagné, hein, qui a eu l'Oscar du meilleur scénario original, pour mais pas du meilleur film, exactement. Sofia Coppola dans Lost in Translation. Ouais. Qui a eu aussi l'Oscar du meilleur scénario, mais qui n'a pas gagné le meilleur film. Finalement, bon, le premier qui a gagné, c'est quand même il a fallu attendre 81 ans pour que la première femme soit réalisatrice, soit primée aux Oscars, gagne l'Oscar de la meilleure réalisation. Et c'est donc Catherine Bigelow qui a gagné ça avec Demi Lovato. Voilà, donc c'est elle, et d'ailleurs, qui a contribué un petit peu à ouvrir finalement la voie des films d'action ou des gros budgets réalisés par des femmes. Qui est quand même quelque chose de relativement rare, même encore aujourd'hui. Alors, je soulignerai juste peut-être l'exception de Mimi Leder, qui avait fait Deep Impact. C'est vrai. Qui était peut-être. Qui était bien mieux qu'Armageddon. Qui était peut-être le premier. Je trouve. Qui était très différent. Très différent, en tout cas. Oui, justement, ça, c'est sûr. Je trouve que c'était un point de vue différent. Ouais. C'était effectivement sans doute la première femme réalisatrice de blockbuster. Hein. Voilà, c'était quelque chose qui avait. Ce film, Deep Impact, avait quand même amassé 349 millions de dollars au box-office. Et puis, c'est quelque chose qui a un peu évolué depuis Mimi Leder, hein, parce que par exemple, on a Catherine Hardwicke, qui en 2008 a signé Twilight, Fascination, donc qui est le premier épisode de la saga de vampires pour ados, là, qui a rapporté quand même 392 millions de dollars, donc on ne peut pas le négliger, hein, après artistiquement, on aime ou on n'aime pas, mais là, on parle plutôt du poids financier des femmes dans Hollywood. C'est pas grand chose, hein, parce que donc, Deep Impact ça remonte à quand même relativement longtemps. Là, je vous suis Twilight en 2008. Entre les deux, il n'y avait pas eu énormément de films réalisés par des femmes. Là, on parle de la première femme maintenant qui devrait réaliser un film de super-héros, hein, donc Patty Jenkins. On en avait parlé lors du dernier podcast sur Wonder Woman. Bon, moi je trouve qu'en plus il y a comme un goût de cliché un peu dans l'air depuis justement Des Mineurs qui était peut-être l'exception. Maintenant, les femmes qui réalisent des blockbusters sont souvent connotées, hein, puisque y a Twilight, il y a 50 Shades of Grey là, il y a Wonder Woman, donc on voit que c'est pas non plus un super héros, c'est une super héroïne, voilà. Enfin, il y a un côté un petit peu cliché. Il y a un côté les femmes réalisent des films avec des femmes. C'est un peu ça, c'est un peu le côté les nanas vous êtes gentilles, mais vous allez réaliser plutôt un budget de super héros, mais avec une super héroïne. Vous allez faire 50 Shades of Grey. Enfin voilà, vous allez faire un truc assez particulier. On va pas leur faire juste le prochain Jurassic World quoi, ou quelque chose comme ça. Donc l'autre solution en ce moment que les studios ont peut-être tendance à amener pour combattre ce côté un peu sexiste, c'est les remakes 100% féminins. Donc on a Expandable, Ghostbusters et 21 Jump Street qui sont en cours de suite ou de refonte avec uniquement des femmes. Bon, moi perso, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette solution pour montrer plus de femmes dans le cinéma, etc. Perso, moi je le vois vraiment juste comme une espèce de rang, voilà, l'argument marketing, quoi. Oui, ouais, pour voilà, moi, un c'est gadget. Voire peut-être même quelque chose qui va amplifier le problème. Ah, pour moi, c'est une sorte de segmentation. C'est-à-dire que voilà, on fait des films de femmes avec des femmes qui semblent presque s'adresser à un public de femmes, quoi. Ou alors un plus. Enfin voilà, je trouve ça. Enfin, c'est pas très sain, je trouve. Bah non, en fait. On est très, très, très loin de la solution de vouloir, par exemple, écrire un vrai rôle fort d'une femme, d'un nouveau truc, enfin voilà, avec ses propres problèmes, un peu à la Alien, quoi, quelque part. Là, non, on se contente de prendre des Ghostbusters, puis on va faire, ah tiens, on va mettre Ghostbusters E, avec un E et ES à la fin. Ouais. Et c'est tout. Et du coup, on leur écrit pas vraiment des trucs, on leur fait plutôt des choses déjà existantes, et comme si elles pouvaient pas assumer elles-mêmes un propre blockbuster, tu vois, quelque chose de solide de leur côté. Bon, je suis assez dubitatif sur cette solution et je suis pas le seul, hein, parce que Carey Mulligan a justement aussi fait une déclaration entre nos deux podcasts parce que voilà, elle est en train de faire la promotion de plusieurs films, j'en avais déjà parlé un petit peu dans un précédent podcast, et là elle fait un film qui s'appelle Suffragette, hein, donc qui raconte justement la bataille des femmes au moment de la Grande Guerre pour avoir le droit de vote. Et elle a dit, lorsqu'elle a fait la promotion, le fait qu'on ait mis 100 ans à raconter l'histoire des suffragettes, c'est quand même révélateur. C'est l'histoire de l'égalité des droits en Grande-Bretagne. Pendant des années, les femmes se sont battues, ont été persécutées et torturées, et personne n'en a jamais parlé à l'écran. Et elle a du coup élargi ses propos et rejoint un peu le débat qu'on a ici, en disant, en termes de quantité de rôles intéressants pour les femmes, c'est évidemment fortement sexiste à Hollywood. Il y a un manque de contenu écrit pour les femmes, un manque de grandes histoires écrites pour des femmes. Et Kristen Stewart a aussi pris la parole entre nos deux podcasts, en confirmant un petit peu ça, en disant « Hollywood est sexiste jusqu'à l'écœurement, c'est fou, c'en est tellement offensant que c'est fou ». Voilà, elle a juste dit ça, mais enfin, c'est quand même deux grandes actrices, on va dire, qui sont dans la place, qui sont à Hollywood, donc on va dire que je leur fais relativement confiance sur le ressenti qu'elles ont vis-à-vis de leur propre industrie. Surtout que j'avais parlé dans le podcast 8, vous en souvenez peut-être, vous étiez là, mais je le redis pour nos auditeurs qui n'écoutaient peut-être pas encore le podcast 8, mais que j'avais cité notamment le rapport d'Annenberg qui disait voilà, le pourcentage de personnages féminins principaux dans les films était seulement de 28% en 2013. Seulement en 2014, 12% des 100 premiers films du box-office avaient pour une héroïne, en fait. On avait aussi le fameux test de Bechdel, hein, donc qui révèle un peu la place des femmes dans les films et qui disait que, en gros, seuls 55% des films sortis en 2014 réussissaient ce test, alors que le test est tout simple, il suffit juste d'avoir deux femmes qui doivent parler ensemble et qui ne doivent pas parler d'un homme, et c'est tout. Et il n'y a que 55% des films qui réussissent ce test en 2014. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi dans cette histoire de la misogynie peut-être d'Hollywood que c'est quelque chose de relativement récent en fait. Hein. La place des femmes était beaucoup plus importante dans l'histoire d'Hollywood avant. Il y a une professeure d'histoire qui raconte ça un peu, qui s'appelle Karen Mahar. Elle parle de l'actrice par exemple Louise Weber, qui est devenue la réalisatrice la mieux payée du studio Universal en 1916, qui a même fini par ouvrir son propre studio. Et en fait, elle date cette transition au début des années 20, avec l'industrie a vraiment commencé à exploser et ça a été un peu terminé. En gros, les hommes ont repris le truc et ont dit non, attends, voilà. La gare est finie, pépé. Voilà. Hein. Pépette, je rentre. Va te maquiller, va faire des trucs. Nous, on va plutôt faire ça, sérieusement. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose. En plus, effectivement, toutes les statistiques le disent. Par exemple, la situation était bien meilleure en 2012 que maintenant. La situation était meilleure en 2007 qu'en 2012. Et en fait, depuis les années 2000, c'est quelque chose qui est en train de devenir de pire en pire, en fait, la place des femmes dans l'industrie Hollywood, selon toutes les stats, et puis même maintenant, selon quelques actrices. Donc, est-ce que l'industrie est sexiste Justement, moi, je vais peut-être poser des questions naïves, mais est-ce que finalement, c'est juste l'organisation d'Hollywood qui fait que les hommes cherchent à garder les places, ou est-ce qu'il y a peu de réalisatrices sur le marché pour réaliser des blockbusters? Parce qu'on sait que, par exemple, les blockbusters, souvent, ça va être des films donc, de studio, donc des films qui vont être un peu... c'est pas des projets personnels de réalisateurs, c'est des projets qui sont donnés à des réalisateurs. Est-ce que là, il y a un déficit de femmes réalisatrices dans ce genre-là? Je parle pas du tout de la capacité de faire ces films-là, mais juste un problème de nombre. Peut-être, mais alors après, moi j'aurais tendance à dire quand même non. Enfin, tu vois, spontanément, je me dirais non parce que je pose naïvement la question. Je me dis des étudiantes en cinéma, quand on fait la même école qu'un George Lucas ou je ne sais, comme Spielberg, à mon avis, il y en a, tu vois, je veux dire, il y en a plein des étudiantes. C'est juste peut-être qu'il y a une sorte de le fameux plafond de verre qu'on entend parler. À mon avis, à Hollywood, il est juste plus solide et plus bas, quoi. Peut-être qu'elle passe pas les étapes nécessaires. Puis dans les bons clichés, quand t'es une fille dans les milieux du cinéma, tu te diriges vers la production et pas vers la réalisation. Enfin, tu vois. Ouais. C'est ce genre de choses. C'est... Puis quand tu fais de la réalisation, tu arrives à faire son... Enfin, Wonder Woman, là, je trouve que c'est... voilà, quoi. Superwoman, je n'en sais Wonder Woman. Wonder Woman. Du coup, je trouve que ça fait vraiment très cliché. Ouais, ça fait vraiment genre, bah non, elle va pas réaliser un tort, la nana. Bon, il y en a une, voilà, qui était... Mais il y a un côté, ouais, on prend une super-héroïne féminine, ou alors on fait Fifty Shades of Grey, ou... et ce, voilà, ce sexisme, on va dire, a l'air de s'amplifier. Moi, je pense pas que ce soit un problème de nombre, entre guillemets, de réalisatrices disponibles, ou prêtes à le faire. Je pense que oui, il y a un vrai problème. Je pense que c'est un problème d'ouverture d'esprit et de remise en cause, tout simplement. Enfin, des studios, quoi. Oui, voilà. Ouais, t'as l'impression qu'il n'y a rien qui bougera tant que. C'est pour ça que souvent, on peut critiquer le système, par exemple, des quotas dans certains milieux, mais souvent, c'est un système qui permet de, finalement de changer la balance. C'est-à-dire que là, t'as l'impression que finalement, il y a tellement peu de femmes réalisatrices dans le domaine du blockbuster, du domaine d'action, et même dans le cinéma en général. On parlait de Ken Teller, les deux réalisatrices, c'était de Valérie Donzelli et Emma Yoen. Mais voilà, tu te dis que finalement, si tu ne changes pas à un moment le chiffre, si tu fais pas presque une opération mathématique pour que le quota s'inverse, bah ça ne s'inversera pas. Le système, il fonctionnera toujours comme ça. Il n'y a rien qui fera changer ce système de femmes dans l'industrie. Vraiment plutôt pessimiste. Non, contre le système des quotas. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un argument qui fait que parfois il faut imposer aux gens pour que les gens. Ouais, moi aussi, en fait. À la base, je suis contre le système des quotas parce que je me dis, en théorie, c'est pointé sur une différence qui ne devrait pas exister. Oui, quoi. Mais voilà. Ouais. Mais pour le coup, parfois, c'est la seule solution pour faire, changer une espèce d'hégémonie masculine. Bah ouais, parce que quand tu arrives à 4% de films seulement réalisés par des femmes en 2014, c'est une hégémonie totale. Quand on pense à Donzelli et à Mai Wen, c'est quand même des très très bonnes réalisatrices. Ouais, mais pour le coup, c'est des réalisatrices qui vont se construire plutôt dans un cinéma, on va dire, plutôt indépendant, plutôt un cinéma d'auteur. Mais il n'y a pas de raison que les femmes ne fassent pas des films de merde comme Michael Bay, quoi. Bah ouais. Je veux dire, à un moment, voilà. Non, mais c'est ça. Non, mais parce qu'en plus, on parle de Mai Wen, mais elle a aussi fait un film qui s'appelle Actrice, juste, tu vois. Le bal des actrices, ouais. Le bal des actrices, là. Donc, je dis pas que ça renforce le cliché, mais on reste dans un côté. Ouais, on fait nos films à nous, mais on peut pas faire, voilà, comme tu le dis, un film de merde normal. C'est à la fois c'est des bonnes réalisatrices, à la fois on enfonce le cliché. C'est-à-dire qu'elles ont vraiment commencé avec leur caméra dans leur petit salon à se filmer elles, parce que voilà, c'est. Bah, elles se sont battues. On peut que remarquer ça. Bravo pour elles. Mais effectivement, est-ce que toutes les réalisatrices peuvent faire comme ça? Et ça explique peut-être pourquoi il y en a si peu, parce qu'elles, elles l'ont fait, mais c'est peut-être pas tout le monde qui peut faire ça. C'est un peu du genre si tu vas pas toi-même, t'écris pas ton film, tu prends pas ta petite caméra, t'as pas ton énergie pour le faire. Les studios vont pas aller te proposer de faire un film de commande. Voilà, on a ce projet-là et puis on va te le proposer à toi. Ils le proposeront. Mais après, comment on dit, l'avocat du diable, voilà, pour un mec, c'est pareil. Si tu prends pas ta petite caméra et que tu te bats pas pour avoir ta place, j'imagine que tu l'as pas non plus. Oui, mais disons qu'on va dire qu'une fois que tu as ta place, tu as peu de chances que tu la perdes au profit d'une femme. J'imagine que c'est plus facile parce que tu rentres dans le format, quoi. Peut-être bien. En tout cas, bon, on est assez pessimiste, on va dire, sur les chiffres et notamment les chiffres qui sont de pire en pire tous les années. Mais quand même, je finirai sur une note plus positive. Peut-être le salut viendra des séries, justement, puisqu'il y a eu une conférence sur les séries entre ces deux podcasts. Et voilà, le chemin reste long à faire. Hein, comme chez les séries comme sur les films, hein, c'est la même chose. Mais néanmoins, il y avait des choses un peu plus positives. Par exemple, il y a Carole Desbarra, qui est la directrice de la communication et de la diffusion des savoirs à l'École nationale supérieure et critique et historienne de l'histoire du cinéma, qui a fait une conférence, la série bouscule-t-elle les stéréotypes? Et par exemple, elle parle d'engrenages qui, par exemple, c'est des choses toutes bêtes, hein, qui n'ont pas forcément une grande influence sur l'industrie en elle-même, mais qui sont des premiers signes de mouvement positif. Donc engrenages qui osent montrer, par exemple, le sang des menstruations à l'écran, The Fall, où le personnage de Stella Gibson, donc joué par Gillian Anderson, fait son métier sans talons aiguilles, sans réussir à chaque mission. Donc elle peut échouer, elle n'est pas forcément dans un cliché de la nana habillée en secrétaire, etc. On a Sarah Lund aussi dans The Killing, qui porte toujours la même tenue dans tous les épisodes, toujours un vieux pull moche islandais. Donc voilà, elle n'est pas non plus uniquement recrutée pour des critères physiques, etc. Ce qui était aussi une de ses reproches faites à Hollywood, misogyne et sexiste. Et puis aussi, il y a eu Iris Bray, qui est une journaliste et chercheuse sur la représentation de la féminité et de la sexualité, qui a donné une conférence le 20 avril qui s'appelle « La sexualité féminine et séries télévision vers une révolution ?» pour interrogation. Donc elle a montré pas mal d'extraits, elle a décortiqué un petit peu les différentes représentations de la sexualité sur le petit écran. Et finalement, son constat était quand même plutôt positif, on va dire, sur la place justement qu'ont montré des femmes et de leur sexualité à Hollywood, dans les séries en tout cas, hein, puisqu'elle parlait notamment de Sex and the City. Et elle regardait le parallélisme avec Girls, la série beaucoup plus actuelle, on va dire. Et justement, l'évolution, elle est assez hallucinante entre la façon dont on parlait de la sexualité et dont on montrait les femmes dans Sex and the City, qui était très cliché. Hein. D'ailleurs, on avait toi, t'es Carrie, toi, t'es machin. Enfin, il y avait presque chaque personnage était un cliché. Presque des stéréotypes. Exactement, des stéréotypes vivants. À maintenant, Girls, qui est beaucoup plus peut-être réaliste, cru et vrai, qui a un ton beaucoup plus. Qui parle davantage peut-être aux femmes que pouvait le faire Sex and the City à l'époque. Également en regardant Masters of Sex, donc je ne sais pas si vous avez suivi cette série, qui est une très bonne série d'ailleurs. Non, on m'a dit bien. Ouais, elle se passe dans les années 60, en fait, elle raconte l'histoire de William Masters, donc, qui cherche un peu le secret de la sexualité masculine et féminine. Et en voyant cette série en 2010, qui se passe dans les années 50 aussi, ça permet de mieux faire comprendre l'évolution de la sexualité et surtout de montrer les progrès effectués quand même par la société, donc de se tourner aussi vers le positif. On peut parler aussi de Mad Men. Mad Men, c'est une série finalement qui opprime extrêmement fortement les femmes par rapport au monde de la publicité, à la société de l'époque. C'est aussi une série qui montre l'évolution et la prise de position dans la société, la prise de parole des femmes. Exactement. Notamment le personnage de Peggy. Bah Peggy qui commence secrétaire et qui finit à une sorte de double de Don Draper, on va dire. Mais c'est vrai que pour le coup, les femmes sont très, dans cette société des années 60-70, sont pour le coup très opprimées. Ouais. Et il y a des nouvelles séries, les nouveaux formats, et c'est peut-être encore même les séries qui oseront peut-être aller encore plus loin sur ce sujet de la sexualité, de la place des femmes, ou même de la place de l'individu, sans même plus se poser la question finalement de la place des femmes et la place de l'homme. Donc là, ça va vers un débat même encore beaucoup plus loin. Mais voilà, elle conclut sur cette idée. Donc Iris Bray qui faisait cette conférence en disant que deux idées, que donc la première chose, bon, bien sûr qu'il fallait que la place des femmes soit plus importante en tant que aussi derrière les caméras, donc productrice, scénarisatrice, réalisatrice. Pour que le changement puisse intervenir au niveau des acteurs et de ce qu'on voit, nous, en tant que grand public, au cinéma, finalement. Et puis, la deuxième grande idée, c'est là où je voulais en venir, c'est l'arrivée des nouveaux formats télévisuels, notamment par Netflix ou Amazon. Elle pense que c'est là où la révolution va se faire, puisque eux peuvent proposer des choses beaucoup plus audacieuses en termes de, justement, montrer la sexualité ou montrer la femme d'une autre façon ou montrer l'homme d'une autre façon. Par exemple, Transparente d'Amazon ou Togetherness de Netflix, hein, qui aborde la question de la transgenre. Transparent, c'est un homme à la retraite qui change de sexe, qui veut changer de sexe. Ouais, c'est ça. L'autre, je ne sais pas ce que c'est, Togetherness, j'ai pas encore vu ce que c'était. Mais apparemment, voilà, pareil, c'est une question qui s'interroge sur la libération physique de la femme et qui s'interroge même sur la dichotomie, homme-femme, homo, hétéro, etc. Ça essaye d'aller un peu plus loin que ça pour peut-être pousser le débat. Donc, ce qui essaye de peut-être montrer une nouvelle voie à Hollywood, en tout cas dans les plus petites productions vers la direct-to-TV, on va dire. Mais qui va peut-être pas passer par les grands studios et les prochains blockbusters qu'on verra. Alors, en tout cas, les chiffres sont pas de ce côté-là. Quoi. Ouais, en gros, t'essayes de nous dire qu'on n'aura pas de remake de Alerte à Malibu. Quoi. c'est ça le sujet du débat. C'est ça. Ah, si. Alerte à Malibu, le remake, là, on peut ouais. S'asseoir dessus. Si, quoi. Mais fait par une femme. Cours, Jasmine. ça donne bonne mine. Voilà pour le petit débat du jour. Alors, on t'invite pas du tout sur un cliché, c'est parfait. Non, pas du tout. Merci Julien de ton cliché sexiste. C'était très sympa. Bah, Julien, puisque oui. Tu as fait si fort retour en force, et tu vas nous parler de... Oui, j'espère que ça ne va pas se résumer à ça ce débat. On veut Alerte à Malibu. si, tu l'as cassé. Voilà, c'est bon. On a compris. Alors, on a évoqué le dernier podcast, un système de streaming audio qui s'appelait Tidal. Tidal, donc le service de streaming musical de Jay-Z. On en avait parlé parce que ça venait d'être lancé en grande pompe avec toutes les stars qui étaient apparues sur la scène pour dire Tidal c'est génial, Tidal ça protège les artistes, Tidal ça coûte ok 20 dollars mais c'est quand même génial. Plus sérieusement, on avait présenté les forces et les faiblesses du service, on était on va dire assez sceptique sur le modèle choisi, en gros le même ou presque celui de Spotify et Deezer, sauf que pour le coup ça irait dans les poches de tous ces grands artistes qui crèvent un peu la faim. donc on était aussi sceptique sur le prix et presque, on va quand même rester sérieux, sur la justification morale de ce qui était donné, c'est-à-dire rendre la musique aux artistes, ça nous avait fait un peu sourire, et on était aussi assez dubitatif sur le succès, puisque souvent le succès d'un tel service, c'est surtout le prix, et là c'était quand même très très cher. Il y avait déjà des voix qui s'élevaient. J'avais déjà parlé rapidement des premières difficultés qu'avait rencontré Tidal, qui avaient conduit à des premiers licenciements ainsi qu'au remplacement du PDG. Et ben en fait on a eu la confirmation du flop que fait Tidal, puisque la semaine dernière l'application ne pointait qu'à la 664e place des applications les plus téléchargées sur iPhone aux États-Unis et seulement la 45e en musique. C'est peut-être là où le chiffre est encore plus... Ah, c'est encore plus impressionnant. C'est encore plus impressionnant parce que 664e, c'est quand même une application musicale assez chère, mais la 45e... En France, c'est pire puisque Tidal arrive en 1469e place des applications les plus téléchargées et 78e place des domaines de la musique. Donc très très loin de Spotify qui reste le concurrent proclamé et qui est deuxième des applications musicales les plus téléchargées aux États-Unis. Le meilleur, c'est Pandora, c'est une radio sur Internet qui est la plus téléchargée. C'est super bien d'ailleurs. Des résultats qui ont obligé en fait Jay-Z à prendre la parole sur Twitter. Hein, il se déplace pas non plus trop loin. Il fait ça sur Twitter. Ouais, il est chez lui dans sa piscine, la piscine en or. Toujours la piscine en or. On va véhiculer ce vieux cliché de la superstar dans sa piscine en or. Donc il a dit, là pour le coup, on peut pas non plus lui donner tort. Nous sommes là à long terme. S'il vous plaît, donnez-nous une chance de grandir et de nous améliorer. Donc il a réfuté l'idée d'échec, déclarant Tidal se porte bien. Nous avons plus de 770 000 abonnements et depuis moins d'un mois que nous sommes en activité. Et il a demandé en fait davantage de patience. Hein, c'est vrai qu'on a tendance à l'enterrer au bout d'un mois. Il a dit iTunes Store ne s'est pas construit en un jour. Il a fallu 9 ans à Spotify pour réussir. Voilà, on ne peut pas non plus dire c'est en un mois. Bah, c'est ouais, non, on met la clé, enfin, ils ne vont pas mettre la clé sous la porte non plus. Il a aussi précisé que le montant touché par tous les artistes sur Tidal, actionnaires ou pas, il en a un peu parlé. Il a dit Tidal paye des droits d'auteur à hauteur de 75% pour tous les artistes, compositeurs, producteurs, pas seulement aux membres fondateurs. Donc on voit qu'il essaie un peu de battre en brèche. Il a vu qu'il avait fait une petite connerie de communication quand même. Oui, oui. Et puis, bon, après, c'est vrai qu'on va pas non plus, là, on en rigole un peu, mais on va non plus dire bah, c'est fini. Non, mais il a raison. En plus, il a raison. Ses arguments sont pas bêtes. Hein. On se moquait parce que nous, on disait que c'était mort, c'était fini, hein, complètement. Ouais. Non, c'est surtout qu'on critiquait quand même le modèle qui aura du mal à s'imposer avec un prix pareil. Basé sur la qualité audio, ouais. Qui n'est pas, à mon avis, on avait dit, c'est pas l'argument majeur pour les gens qui vont utiliser ce genre de service. Voilà, donc ça va être assez compliqué quand bien même ils mettront beaucoup d'exclusivité ou de nouveaux morceaux de Beyoncé dessus. On ne sait pas si ça va prendre. Voilà, et on avait aussi parlé que ça pouvait justement favoriser le retour à un piratage pour ces albums-là. Les gens ne vont pas payer pour un album, ils ont téléchargé. C'est sûr. Voilà, on n'est pas très optimiste, on n'était pas déjà à l'époque. Hein, Non, mais après, moi, j'étais pas super optimiste à la base sur un Spotify, mais tu vois, ça fonctionne, quoi. Bah, c'est pas arrivé au même moment. Je veux dire, ça donne aux gens envie d'arrêter de télécharger. Ouais. Quoi. Enfin, par exemple, moi, j'ai téléchargé pas mal dans ma vie à un moment, et ouais, mais il n'y avait pas de solution. Il n'y avait pas de solution à l'époque, et c'est vrai que quand Spotify est arrivé, j'ai arrêté, et moi, je ne télécharge plus, quoi. J'ai complètement arrêté, je rigole sur Spotify, je sais même plus pourquoi je le faisais. Enfin, tu vois, en proposant une vraie bonne solution, finalement, ils ont réussi à convaincre. Et pourquoi pas si Tidal arrive à faire une chose, mais il faut qu'il y ait un argument en plus que le son, à mon avis, qui n'est pas vendeur. Ouais. Oui. Bah, c'est tout. D'accord, merci Julien. Grégoire, tu vas nous faire un petit point. J'ai envie de dire presque à chaque podcast, tu le fais, non ? Moi, quasiment, mais il faut dire qu'il y a beaucoup d'actu sur ce truc. Alors que Dimitri s'en va. Salut Dim. Allez, reviens. Ça nous fait rire parce que c'est le moment où on va parler de super-héros. Et je me suis dit, bon, il me laisse tout seul en fait. Il se casse. Ouais, en fait, c'est une news un peu sur Dim, pour Dim et Grégoire, c'est ouais, ça ? On va partager, point super-héros. On va partager notre news sur le point super-héros. Tu sais, Stan, t'as raison, on en parle quasiment toutes les semaines. D'accord. Okay. On faisait des points de micro, mais parce qu'on a du mal avec le son de Dimitri. Désolé, chers auditeurs, si vous entendez un petit souffle, on a encore un petit problème de son qui sera résolu au prochain podcast. En attendant, on va vous parler de super-héros une nouvelle fois. Donc, déjà, Spider-Man. Spider-Man, tu l'avais dit, Julien, je crois que c'était toi qui en avais parlé 2-3 podcasts au moins maintenant déjà. On savait maintenant que c'était un Spider-Man qui serait bien Peter Parker. Ouais, et non pas Morales. Qui serait sans doute un lycéen, je crois que tu en avais déjà parlé de ça, ouais, de son âge. Jeune, peut-être pas, ouais, mais qui serait plus jeune. Ouais, plus jeune, bah voilà, c'est confirmé en tout cas par Kevin Feige, hein, donc qui est un peu le boss de qui va un peu gérer tous les super-héros du côté de Marvel, hein, c'est Dim, je sais plus. Oui, c'est Marvel. Marvel, ouais, merci. Et du coup, il a confirmé que ça sera sans doute un lycéen en fait, hein, donc Parker qui serait très très jeune et que ça serait a priori pas un film sur l'origine de super-héros. Donc moi, je le craignais beaucoup qu'on revoie Spider-Man se faire mordre, etc. par l'araignée. Hein, on l'a déjà vu deux fois. T'aurais pas compris. Là, non, a priori, ils vont pas faire un film sur l'origine du super-héros. A priori, on a des rumeurs qui nous teasent déjà le titre de ce prochain Spider-Man. Qui pourrait être donc Spider-Man The New Avenger. Voilà, peut-être pour le futur Spider-Man. Vous l'avez entendu en premier ici sur le podcast. On est en début mai, incroyable, exclusivité mondiale. Apparemment, ils veulent même exploiter en fait cette idée d'un Spider-Man assez jeune et jouer sur l'idée du décalage entre Spider-Man et les autres super-héros. Alors, on verra si c'est jouer là-dessus d'une façon comique ou si c'est jouer là-dessus d'une façon dramatique, hein, parce que ça peut être aussi un peu dramatique de voir un jeune adolescent finalement quelque part se battre contre des espèces de demi-dieux que sont souvent les méchants de ces univers là. Alors bon, ils sont à la recherche de l'acteur qui va être sous le masque de Spider-Man en ce moment, hein, puisqu'il va faire sa première apparition a priori dans Captain America Civil War. Et donc voilà, ça va devenir cet acteur va être important de bien le choisir, puisque Spider-Man va devenir un des fleurons, on va dire, du Marvel Cinematic Universe, hein, et a priori, il passerait même, ça serait peut-être même la figure principale une fois que Iron Man et compagnie vont passer la main, on va dire, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, on va arrêter de les suivre, on va moins les suivre, ils ne feront plus que des petites apparitions dans les films de Spider-Man, qui va peut-être porter tout ça à bout de bras. Et donc, 5 acteurs sont sur les rangs pour jouer le nouveau Peter Parker, selon The Wrap. Donc, c'est Asa Butterfield, hein, qui avait joué dans la stratégie Ender, Liam James, qui avait joué dans The Killing, Nat Wolff, qui a joué dans Nos Étoiles Contraires, Tom Holland, dans The Impossible, ou Timothy Chalamet, qui a joué dans Interstellar. Voilà. Bon, et Pierre savez... Ninet, non, il n'est pas dedans. Non, Pierre Ninet n'est pas dedans. Il est dans tous les... c'est pas faux. Oh, le troll. Bon, a priori, les rumeurs s'intensifient de plus en plus, ça serait Asa Butterfield, qui semble... avoir la faveur des studios pour jouer. Alors, je vois pas qu'il sait, il est très très jeune de visage. Il est assez jeune, on dirait qu'il fait quoi, 13-14 ans, ouais. En fait, je pense qu'il est un peu plus vieux que ça. Il a joué dans la stratégie Ender, il a joué dans La Route, je crois que c'est lui. Le petit jeune de La Route. Dans Hugo Cabret. Dans Hugo Cabret aussi. Ouais, qui était pas. Il a des grands yeux bleus en fait. Ouais, et moi, c'est marrant parce que c'est lui que je voulais avant même qu'ils annoncent les noms. Je m'étais dit, ah, Peter Parker, il serait bien Asa Butterfield. Enfin, il a vraiment l'image. Pour moi, il a vraiment la tête de Peter Parker. Enfin, bon, voilà, vous verrez si vous êtes d'accord avec moi en voyant sa tête. Et du coup, c'est pas la seule chose qui a été annoncée du côté de Spider-Man, puisque Sony a continué. Ils ont les droits, hein, toujours chez Sony. Ils ont continué d'exploiter les droits et ils ont annoncé un dessin animé qui sera totalement indépendant du Marvel Cinematic Universe. Et donc, c'est intéressant parce que ça va être écrit et produit par Chris Miller et Phil Lord, qui sont les réalisateurs de La Grande Aventure Lego et de 21 Jump Street. Donc, qui ont un humour assez particulier. Moi, j'avais beaucoup aimé La Grande Aventure Lego, 21 Jump Street, ça m'avait fait marrer aussi. Donc, pourquoi pas ce petit film sur ce petit dessin animé du coup sur Spider-Man qui va sortir du coup le 20 juillet 2018. Donc, ça y est, on commence à parler des films en 2018, ouais. Enfin. Parce que, bah, on peut déjà prendre nos billets ou pas ? On peut déjà pré-réserver. Ouais. Tu peux faire la queue devant le cinéma sur ta Apple Watch. On a eu des news. On a eu des news sur Daredevil. Vous avez eu des news sur Daredevil aussi, donc Daredevil, puisque Netflix vient de renouveler Daredevil pour une deuxième saison. Donc moi, je suis en train de visionner la première. Ouais. Ça marche bien, aussi. C'est les bons retours. Ça marche très très bien. Et alors, vous aimez bien ? Bah Dim, je sais pas ce que t'en penses. T'es plus loin que moi, toi, hein, déjà sur Daredevil. Ouais, moi j'ai regardé les 7 premiers épisodes. Ouais, j'aime vraiment bien. C'est, enfin, ça va vraiment crescendo, quoi. Chaque épisode, ça monte d'un cran. Et, bah, pour l'instant, je suis vraiment pas déçu. C'est vraiment ce que j'attendais par rapport. Enfin, au peu de comics que j'ai lu sur Daredevil, c'est pas non plus un personnage que je connais très bien, mais enfin voilà, pour l'instant ça me déçoit vraiment pas. Les acteurs, ils sont vraiment au top. Au niveau de la réal aussi, comme on avait pu en parler, Greg. Ouais, c'est incroyable. Au niveau des plans séquences, des chorégraphies, des combats, c'est. Je dirais pas énorme. Plus que ça, mais enfin je dirais juste que si vous avez pas encore regardé Daredevil, regardez c'est quoi, c'est la fin de l'épisode 2, ce fameux plan séquence là. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, bon, bah, regardez juste les deux premiers épisodes. À la fin de l'épisode 2, il y a une des scènes les plus impressionnantes que j'ai vues. C'est pas trop série pour boutonneux, comme The Flash un peu. Non, c'est alors la qualité d'écriture, la qualité du jeu et de scénaristique. Enfin, c'est beaucoup beaucoup mieux, vraiment beaucoup beaucoup mieux. Donc c'est beaucoup plus noir aussi, hein, mais c'est beaucoup beaucoup mieux. Moi, je connais pas Daredevil, tu vois, je suis pas du tout super héros autant que. T'as pas vu le film, Si je suis chez moi, j'hésite entre le film avec Ben Affleck et la série. Pour la série. Je suis là, je suis entre les deux. Tu regardes les 4 dernières minutes de l'épisode 2, tu vas faire. Ah, finalement, ouais, je choisis Elektra. Prends Elektra. Prends toujours Elektra. Voilà, donc ça va se faire en 2016 sur Netflix. Par contre, le showrunner de la série, donc Steven DeKnight, ne sera plus de la partie. Donc c'est lui qui avait fait la saison 1, qui avait fait le showrunner sur la saison 1. Il sera remplacé par Doug Petrie et Marco Ramirez, et qui ont bossé sur Buffy, Les Experts, ou aussi sur Son of Anarchy et sur la première saison de la série Daredevil. Donc ça change pas non plus des masses, donc je suis pas trop inquiet. Charlie Cox en plus continue dans le costume de Daredevil, donc on est assez content parce que moi je trouve qu'il est bien dans son Daredevil. Et puis on a eu des nouvelles de la Suicide Squad notamment avec la première photo du Joker pendant ces deux dernières semaines. Alors Dim, est-ce que tu as aimé cette image du Joker qu'on a vue entre ces deux semaines? Écoute, je suis quand même assez mitigé, quoi, dans le sens où, ça rend quand même plutôt bien, mais ça fait peut-être un peu trop too much au niveau, surtout le tatouage d'Amadid qui m'a vraiment dérangé, quoi. Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, effectivement, je vais peut-être la redécrire vite fait. Donc, on voit Jared Leto sur un fond blanc qui se met les mains dans les cheveux qui sont verts. Et qui vraiment ressemble à un personnage de BD pour le coup, comme on peut le voir dessiné par un Miller ou autre. Hein. Donc vraiment le Joker, comme à l'époque, il n'a pas son fameux sourire dessiné sur le visage, etc. Mais par contre, et c'est un peu le point de débat, c'est qu'il a des gros tatouages partout sur le corps. Et c'est des tatouages un peu clichés. Donc voilà, il a marqué damaged sur le front, donc genre abîmé, je sais pas comment dire, ouais, un peu ça. Ouais. Sur le front, donc comme si on n'avait pas compris que le Joker était un peu fou, quoi. Donc voilà, il a marqué ça. Il y a des rires écrits sur son épaule. Il a les dents sales aussi, non ? Ouais, il a des dents en or, ça fait un peu gangsta rap. Voilà, enfin. Il y a un côté genre, hé les gars, vous avez compris qu'il est fou, tu vois, genre, si vous n'avez pas compris, on vous le montre sur son corps. Et ça fait, moi, ça, je me suis senti un peu genre, ils nous prennent pour des cons, quoi. Enfin, bon. Après, le reste des tatouages, je trouve que ça va encore, parce qu'il y a des comics où il y en a, effectivement, donc bon, je trouve que ça passe, quoi. Mais c'est vrai que celui sur le front, c'est vraiment trop, quoi. Ah, c'est trop, ouais. Bon, après, c'est peut-être un faux, juste pour la photo promo, je sais pas, peut-être il l'aura pas dans tout le film. Oui, après, il faut le voir aussi bouger, évoluer dans le film, c'est qu'une photo. Donc. Ça reste Jared Leto, qui est quand même un acteur auquel on fait relativement confiance. Oui, voilà, ouais. Et donc, voilà, la Suicide Squad, ça devrait sortir en août 2016. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir là-dessus ? Peut-être rappeler un peu ce qu'est le film en lui-même. Je ne sais pas si vous en avez déjà parlé dans un autre... Je crois qu'on en a jamais parlé, ouais, non. Pas non. Plus que ça, ouais. Non. Parce qu'en fait, la Suicide Squad, c'est un escadron de vilains dans l'univers DC... qui est dirigé par une sorte de Nick Fury au féminin, pour le coup, ça prend un peu le, le débat de tout à l'heure, qui s'appelle Amanda Waller. Cette série, donc il y a eu plusieurs séries en comics, il y a eu plusieurs teams différentes, avec plusieurs membres plus ou moins connus, donc il y a eu Harley Quinn, Deathstroke, Deadshot, Poison Ivy par exemple. Ouais. Il y a déjà eu plusieurs apparitions ou clins d'œil sur les écrans, sur des animés DC. Dans la série Arrow, il y a déjà eu 2 épisodes sur la Suicide Squad. Il y a déjà eu aussi un gros clin d'œil sur le jeu vidéo Arkham Origins. Et par contre, ce qu'il faut noter, ouais, voilà, c'est que le Joker, normalement, il apparaît pas forcément dans cette série. Et je pense que voilà, c'est pour aussi introduire la série au niveau du grand public. Le Joker, c'est une figure quand même vraiment connue, donc ouais. Voilà quoi. Ouais, ils ont pris la solution de facilité, ouais. Enfin, c'est bien. Mais aussi ce que je voulais dire par rapport à ce film, c'est que Batman versus Superman, voilà, c'est peut-être aussi pour montrer que DC Comics pouvait faire des univers partagés comme Marvel. Mm. Mais la Suicide Squad, c'est vraiment une porte d'entrée pour présenter, on va dire, tous les grands vilains de chaque univers. Ouais. Je sais qu'il va y avoir aussi, il me semble, il y a eu un acteur qui a été casté, je pourrais plus vous dire qui c'est, je crois que c'est un acteur qui jouait dans la saga Twilight. Ah oui, j'ai vu ça. Qui a joué un méchant d'Aquaman, par exemple. Ouais, j'ai vu ça. C'est-à-dire qu'à terme, on pourrait avoir des films indépendants sur Deadshot, par exemple, qui est joué par Will Smith, hein, de mémoire. Ou des choses comme ça, quoi. C'est tout à fait possible, ouais. En plus, c'est des gros. Ils ont pris des belles têtes d'affiche hein, pour les acteurs qui vont interpréter tout ça. Jared Leto, Will Smith, c'est pas n'importe qui. Ils ont mis du budget là-dessus. Ah bah, dans l'ensemble, on va dire, pour toutes les franchises DC Warner, ils ont quand même pris des gros noms, quoi. Ah là, c'est du gros nom, là, clairement. Bon, et donc ça sort le... Qu'est-ce que j'ai dit déjà ? Je ne sais plus. En août 2016. Ouais, bon, bah écoute, on est pressé de voir. D'ailleurs, aujourd'hui, aussi, la première photo qui a été publiée, je ne sais pas si vous l'avez vue. Non, voilà, enfin, moi, je n'ai pas vu. Non, vous pas vu la photo. Non. De toute l'équipe, bon, après, moi, je ne m'y connais pas assez, on va dire, dans ce comics pour juger. Après, Harley Quinn, elle ressemble quand même, on va dire, plus ou moins à l'Harley Quinn des jeux vidéo. Ouais. Des Arkham, de la trilogie Arkham. Donc, bon, après, à voir ce que ça va donner dans une future bande annonce, quoi. Bon, écoute, on va voir ça. On aura certainement pas mal de réactions au fur et à mesure à des bandes annonces, justement. On en reparlera certainement de tout ça. Donc, on verra. Ok, affaire à suivre. Julien, je vais te donner la parole, mais j'aimerais bien qu'on reste dans le milieu du cinéma-série. Je sais que tu as des news là-dessus. D'accord. Du coup, non, je sais pas. Les news en vrac, peut-être. Tom Cruise, par exemple. Ah, d'accord, tu veux que je te parle de ça. Non, je pensais parler d'autre chose, mais je me plie à tes désidératas. C'est pour pas basculer dans le monde de la musique tout de suite. Ouais, d'accord. Non, en fait, on a appris que Michel Hazanavicius, donc qui est Monsieur OSS 117, hein, l'excellente série de 2 épisodes avec Jean Dujardin. J'espère qu'il y aura d'ailleurs un 3e. Bon, ouais, il y a des rumeurs qui disent que rumeurs, oui. Ouais. Voilà, bon, pour le coup, Hazanavicius, il doit se remettre de l'échec de The Search, dont on avait parlé. C'est lui qui avait fait The Artist aussi. Qui avait pour le coup très bien marché. The Search, tu t'en avais parlé, t'avais dit j'irai pas le voir. Non, je crois que t'as pas été le seul en fait. C'était très mauvais. Tout le monde t'a suivi. Ouais, tout le monde écoutait Opia ce jour-là. Prescripteur de l'échec de ce film. Non, c'est vrai que souvent tu vois des bandes annonces, tu sais que ça a pas marché. Hein, ouais. C'est pas faux. Non, mais voilà, on avait dit, moi je me rappelle à l'époque, j'étais curieux de le voir parce qu'il tentait quelque chose d'un peu différent. Et là, pour le coup, il pourrait tourner une comédie musicale qui s'appelle Bob the Musical, qui met en fait en scène un homme dont la vie se transforme en comédie musicale à la suite d'un accident. Donc ça, c'est un projet qui est produit par Disney et qui est en fait en stand-by depuis quelques mois. Et en fait, c'est The Wrap qui affirme que le réalisateur français pourrait être choisi pour la mise en scène. Donc en fait, comme Monsieur Azanavicius, il était de passage au festival qui s'appelle City of Light, City of Angels, et il a confirmé la rumeur et il a fait part de son intérêt pour le film. Il a déclaré « C'est une idée de film merveilleuse ». Et puis, il y a Tom Cruise, ça se passe de commentaires, j'espère que nous allons le faire. Donc voilà, l'autre info, c'est que pour ce projet, bah, il y aurait Tom Cruise qu'on avait déjà vu dans un film musical, c'était Rock Forever en 2011, qui avait vraiment cartonné, ah oui. Et où il y a quelques scènes qui sont restées cultes. Ça te dit rien, Greg ? Alors là, mais pas du tout. Bah, il y a une scène, moi j'ai pas vu, mais il y a une scène qu'on voit beaucoup tourner quand tu... C'est Tom Cruise méconnaissable, quoi. Ouais. C'est pas, il était pas dans Tonnerre sous les Tropiques. Il était aussi. Dans, il faisait un peu un truc musical là-dedans, non? Il dansait. Il, pas quoi, il chantait à la fin. Ouais, ouais, il était chauve aussi. Ouais, c'est ça. Voilà, donc... C'est le seul truc musical que j'ai de Tom Cruise quand il est chauve et qu'il danse à la fin de Tonnerre sous les Tropiques. Non, tu regardes, il y a des extraits de Rock Forever. Mais je pense que ça, moi j'ai eu l'impression que ça a beaucoup plus cartonné aux États-Unis qu'en France. De Rock Forever. Ouais. Oui, c'est passé un peu sous les radars. Ouais, en France, j'ai l'impression que c'est un peu passé sous les radars. Donc pour le coup, ça serait pas mal de voir Tom Cruise dirigé par un Français. Pourquoi pas. Voilà. Donc voilà, Bob the Musical. Ça peut être marrant le pitch aussi. Ouais, et puis Azanavicius revenir peut-être dans un domaine qui... de grosse comédie. Un ouais, peu. Enfin, je sais pas si ce sera une grosse comédie, mais oui. Peut-être un univers musical. On pense à The Artist, peut-être qui, oui. Bah, qui est peut-être plus dans ce qu'il maîtrise. Enfin, j'ai pas non plus envie de dire ça. Je pense qu'il peut faire autre chose aussi, mais peut-être c'est moins risqué qu'un film comme The Search. Voilà, donc à suivre. À suivre, en effet. Grégoire, tu voulais nous parler de HBO. Ouais, HBO qui change de stratégie sur le piratage, vous l'avez sûrement vu. Hein. Vous vous souvenez qu'en 2013, quand on piratait des films, des épisodes de Game of Thrones de la chaîne américaine HBO, bah eux, ils trouvaient que c'était un compliment. Ils nous envoyaient un petit email en disant merci. Non, mais ils disaient, ouais, on prend ça comme un compliment. C'était même un des porte-paroles de la chaîne qui disait ça. Hein. C'est un compliment pour la série, ça prouve qu'elle est de bonne qualité, etc., etc. Ils étaient très contents. 2 ans et plusieurs records de piratage passés, ils ont un peu changé de discours dernièrement chez HBO. Donc là, la nouvelle saison de Game of Thrones a été marquée par une fuite massive, puisque avant même la diffusion du premier épisode de la saison 5 de Game of Thrones, le 12 avril dernier, les 4 premiers épisodes de la série se retrouvaient sur la toile, donc quasiment la moitié de la saison finalement se retrouvait sur la toile. Et là, bah, nouveau record de téléchargement, hein, puisqu'il y a eu plus de 100 000 téléchargements de ces 4 premiers épisodes en à peine 3 heures. voilà. Donc ça a continué à être la série la plus piratée sur Internet, notamment via BitTorrent. Et du coup, là, HBO a un peu durci le ton, ils en ont un peu marre de ça, et donc là, ils cherchent les responsables de la fuite. Ils ont dit qu'ils étaient en train de chercher déjà qui avait leaké ces 4 épisodes, de qui ça venait à l'origine, on va dire. Et puis, ils ont traqué aussi ceux qui ont téléchargé ces 4 épisodes-là. Apparemment, selon le Huffington Post aux US, des milliers de personnes ont reçu des avertissements de la part de HBO parce qu'ils ont téléchargé légalement ces 4 premiers épisodes. Donc c'est vrai que c'est un changement d'attitude assez incroyable de la part d'HBO. Ils sont vraiment passés du tout au rien, parce que avant c'était rien du tout, hein. On est content qu'on soit téléchargé, maintenant on envoie des mails à plusieurs centaines de milliers de personnes, et ils ont demandé à tous les fournisseurs d'internet d'accès au monde de fournir les listes des gens qui avaient téléchargé ça. Voilà, donc ils ont complètement changé d'attitude. Un peu le melon, quoi. Ouais, peut-être. Alors justement, c'est aussi pourquoi ce changement d'attitude, c'est aussi tout simplement ce qui est la sortie de leur service HBO Now, le service de streaming de HBO qui est en train de sortir, qui est arrivé juste à temps pour la nouvelle saison de Game of Thrones, qui a débuté donc dimanche soir, il y a quelques semaines maintenant. Pardon. On en est quoi, c'est quatrième On doit être en quatrième épisode cette nuit, c'est ça. Donc il y a un mois, pardon. Ce soir, il est sur OCS. OCS, ouais, exactement. Et du coup, maintenant, avec ce nouveau service de HBO, les internautes américains peuvent avoir accès au contenu de HBO sans avoir à s'abonner à la chaîne par le biais de leur fournisseur de télé et de câble. Avant, c'était ça, hein. Il fallait s'abonner par le câble, d'abord HBO. Maintenant, on peut s'abonner comme on veut. Après, moi, je trouve que personnellement, ce changement d'attitude, mais là, c'est mon avis personnel, hein, à vous de me dire si vous êtes d'accord ou pas. Moi, j'ai l'impression que ça vient aussi d'un changement de perception de HBO sur sa série Game of Thrones, en fait. C'est-à-dire qu'il la voit plus exactement de la même façon après, à travers les années. J'en veux la preuve. Enfin, moi, ce qui me fait dire ça, mais c'est peut-être mon côté pessimiste, hein, à vous de me dire si je vais trop loin. C'est cette série, donc, déjà, se voulait très, très fidèle au livre lors des premières saisons. Et puis, on a vu que peu à peu, la troisième, la quatrième saison, il y a eu des écart, hein. Maintenant, je l'ai dit lors des derniers podcasts, mais Martin même s'en va de cette série et ils vont être complètement différents des livres, a priori. Hein. Ils vont tuer des personnages, etc., qui existent encore dans les livres, on l'a dit. Mais aussi, c'est une des déclarations du président d'HBO qui m'a fait un peu peur, qui m'a fait un peu des frissons, c'est qu'il a déclaré qu'ils étaient en train de réfléchir comment étirer l'histoire sur 10 saisons au lieu de 7, comme prévu initialement. Hein, la série a toujours été prévue pour faire 7 saisons, puisqu'il y a 7 livres. et ils seraient en train de réfléchir à comment faire passer finalement cette série d'un projet artistique à un projet de rentabilité le plus longtemps possible, puisque c'est clairement le fer de lance de HBO. Après, moi, ce qui me fait aussi dire ça, c'est que je suis très mécontent des derniers épisodes, justement, les trois premiers épisodes, je les ai trouvés complètement nuls. Ils posent les bases de la saison, quoi. Bah, ils les posent, ils font que ça posait, hein, putain. Enfin, bon, c'est toujours le principe de la série, t'as 3-4 épisodes pour poser les enjeux politiques et les personnages, et puis après, t'as milieu de saison, ils te font un twist, huitième épisode, voilà. Ils tuent un mec que tu pensais pas, et dixième, ils concluent, et ils ouvrent sur l'autre saison. Ouais, je sais pas, bah ouais, peut-être que je me lasse de la série, tout simplement. Mais oui, j'ai l'impression que t'avais déjà un espèce d'a priori négatif. J'avais peut-être déjà un esprit, un a priori négatif. Après, les critiques sont très très négatives cette saison-là, très très négatives. Elle est très mal reçue aux États-Unis, elle est très mal reçue en France. Je joue pas trop. Moi, j'ai vu trois épisodes. Les gens se lassent là, apparemment, donc voilà. Mais en tout cas, les gens continuent à apprécier puisque la première épisode a battu tous les records de visionnage. Hein. Donc, pour les mêmes au niveau légal, hein, j'ai envie de dire cette fois-ci pour HBO, heureusement pour eux, avec plus de 8 millions de téléspectateurs abonnés à HBO qui ont été visionnés le premier épisode de la saison 5. Voilà pour HBO. Ok, intéressant tout ça. Julien, je vais encore te bouleverser. Bon, non, vas-y, je suis prêt là, je me prépare. Tu nous as parlé de Cannes la semaine dernière et tu voulais revenir dessus. Ouais, Cannes, ça approche, je crois que c'est le quoi, 14 mai. C'est quoi, au mois de mai. Ouais, donc c'est dans deux semaines. Et en fait, je vous avais parlé de la sélection officielle hors et en compétition qui venait d'être révélée. Et en fait, entre ces deux semaines, 4 films ont été ajoutés à la sélection, donc officielle, 2 en compétition et 2 hors compétition. Donc en compétition, on a un 5e film français qui s'appelle The Valley of Love, donc comme son nom l'indique, ça n'a pas l'air d'être français, de Guillaume Niclou. Donc moi, je ne le connaissais pas, juste quand j'ai vu ces films, c'était La Religieuse et L'Enlèvement de Michel Houellebecq. Voilà. Ah oui, alors non, j'imaginais pas ça. Qui donc marque Guillaume Niclou, t'as dit ? Ouais, Guillaume Niclou, donc La Religieuse, c'était pas avec. Alors, je dois confondre avec quelqu'un d'autre. Il me semble que c'était avec Louise Bourgoin, non ? C'est pas elle qui. Je sais pas, mais je croyais que Guillaume Niclou, il avait fait Le Poulpe. Non, mais je dois confondre. Non, mais c'est peut-être. Moi, j'ai noté juste deux films que je connaissais qui étaient La Religieuse et L'Enlèvement de Michel Houellebecq. Les films français. Mais non, il avait fait aussi L'Affaire privée avec l'ermitant. C'est pour Dim, ça. Pourquoi Le Poulpe, c'est adapté des bouquins, là. Mais oui, en plus, c'était un bon film. Ouais, c'était très bien, c'était avec Darroussin. Ouais, mais c'est moi qui dois me tromper, excuse-moi, vas-y. Et donc, en fait, ça marque les retrouvailles entre Isabelle Huppert et Gérard Depardieu, donc quand même gros casting. Ça, c'est bon pour Cannes, ça fera une belle montée des marches. Et on a aussi donc Chronique de Michel Franco, un réalisateur mexicain qui avait remporté le prix Un Certain Regard en 2012, pour Después de Lucía. Ah oui. Hors compétition, on aura donc Robert Guédiguian, donc voilà, qui a fait quand même déjà pas mal de films, hein, qu'on connaît bien en France, qui est un réalisateur, je crois, qui est surtout des films qui se passent à Marseille. Ouais. Voilà, je peux pas t'aider des masses. Hein. Peut-être Stan pourrait t'aider. Pardon. Pour Robert Guédiguian, c'était un film Marius et Jeannette, il y avait. C'est ça. C'est ça. Il fait des très bons films, hein, Les Neiges du Kilimandjaro. Ouais, Les Neiges du Kilimandjaro qui était. Voilà, donc. Bon, c'est un réalisateur marseillais, il a sa patte marseillaise, mais. Oh, tu dis ça bon, comme si c'était un. Bon. Non, mais... Alors, les auditeurs de Marseille, si vous avez des commentaires, c'est sur podcast.fr. Il a son univers, il faut aimer, c'est ça que je veux dire. Mais moi, j'adore ce qu'il fait. Stan n'aime pas Marseille. Je balance, voilà. N'importe quoi. Quel troll. Et donc, son film qui va être présenté hors compétition, ça s'appelle Une histoire de fou. C'est un film sur le génocide arménien. Ah. Voilà. Bon, le titre a l'air sympa, mais en fait. Et donc, on aura assez intéressant aussi hors compétition, Gaspard Noé. Ah, tiens. Qui va revenir avec un film qui s'appelle Love, qui est annoncé, avec quelques scènes X. Ah oui, d'accord. Oui. Qui sera présenté en séance de minuit. Les affiches sont très, très, très hardcore. Ah ouais, je sais pas. Ah, c'est très hardcore. Hein. Là, vous pouvez pas les montrer à des gens qui sont pas prêts. On va dire, allez voir. Ouais. C'est pas Peace and Love, quoi. C'est Love. Ah, love, c'est là. Love. C'est Peace devant, Love derrière. Ouais, exactement. C'est sexe addict, quoi. Et c'est dernière news concernant Cannes, puisqu'on a appris la liste des membres du jury. Donc voilà, quelles sont les personnalités qui vont accompagner les deux présidents, donc les frères Cohen. On sait qu'on aura deux présidents. Je sais pas si vous avez vu cette liste. Non. Non, je peux ça vous fait rire. Non, mais c'est Peace devant, Love derrière depuis tout à l'heure. Il est con, celui-là. Donc non, le jury de Ken, vous en foutez. Non, mais si, c'est intéressant. Il y a Jake Gyllenhaal, j'ai vu. Ouais. Allez, je t'en donne un, c'est ça ? Oui, tout à fait. Allez. Il y a Jake Gyllenhaal, je vais chercher dans ma petite liste. Où il y a qui d'autre ? Alors, vous savez qu'il y a d'autres ? Là, j'avoue, je sais. Il y a des beaux noms. Hein. Il y a des très très beaux noms. Je sais pas si Dim sait. Ah, ou... pardon, attends, je vais remettre du son chez Dim parce que je le vois pas faire de signe. Excuse-moi. Il y a Guillermo del Toro aussi. Il y a Guillermo del Toro, oui, c'est très bien. Non, mais il y a un beau. Il y a donc Rosie de Palma. Donc, des égéries de. Comment j'ai oublié Almodovar. De Almodovar, merci. Il y a Sophie Marceau. Sophie Marceau, des, voilà, des égéries des Français. Voilà, des égéries du monde. L'actrice anglaise Sienna Miller. Ouais, la musicienne aussi. Malienne Rokia Traoré. Ah oui, Rocket. Et il y a Xavier Dolan, donc réalisateur de Mommy dernièrement, qui avait aussi été présenté à Cannes, qui avait eu un prix et qu'on présentait presque pour la palme d'or. Oh, il devrait l'avoir un jour, lui. Donc Jake Gyllenhaal, à part s'il arrête le cinéma comme il prévoyait de le faire. Ouais, c'est ça. Il a déjà annoncé son prochain film. Mais oui, avec des acteurs. Avec des grosses actrices. Oui, en plus, ouais, ça a été annoncé. Ouais, juste Marion Cotillard. Voilà, enfin, du gros du beau monde, quoi. Ouais, mais bon, après, c'était peut-être qu'il faisait une petite pause déprime de ne pas avoir eu le. Oh, c'est bon. La palme d'or. Donc voilà, plutôt un bon casting, jury, on va dire. Voilà, donc on verra ce que ça donnera avec les frères Cohen. Mais on fera des points sur Cannes au fur et à mesure. Quand on y sera ou pas. On ne sera pas à Cannes. Nous ne serons pas à Los Angeles pour. Ne nous cherchez pas. On a ici les Moulineaux par contre. Mais on sera ici pour le cast. La foire de Paris. Pour la foire de Paris, on n'est pas loin. Super. Bon, juste pour revenir, Guillaume Duclos donc a bien fait le poulpe, mais il a fait des très bons films avec les gars du Splendide, d'une affaire privée avec l'ermite et cette femme-là avec Balasco. Je sais pas si ça vous parle. Non. C'est des films noirs, mais très bons. Hein. Ah enfin bon, je conseille. Mais le poulpe, c'était très bien. Le poulpe, moi j'avais bien aimé. Et franchement, il avait fait. Ça fait rire Greg, mais je sais pas pourquoi. C'est une longue histoire avec Dimitri. D'accord. Voilà. Bon, merci Julien pour ce retour sur Cannes. Grégoire, maintenant. Non, oui. En fait, pas Grégoire. Ok. On va rester chez Julien. D'accord. Allez. Pourquoi alors? Bah, tu voulais nous parler de Rogue One. Ah oui, Rogue One. Ouais. Ah, Rogue One. Attends, je remets du son à Dim, on sait jamais. Hop là. Ouais, pour Rogue One, en fait, je sais pas si vous le savez, et si vous le savez pas, va falloir vous y préparer parce qu'on va bouffer du Star Wars chaque année pendant longtemps. Ouais, tu dors, dans 5 ans, on en reparle et il me dit ouais, j'en ai marre de Star Wars. J'ai vu les 3 premiers épisodes, j'en ai marre. Voilà. Donc, on va rappeler que l'épisode 7 sortira le 18 décembre prochain. Donc, on avait eu le trailer durant la Star Wars Celebration et on en avait parlé dans le dernier Upcast. Mais ça a été aussi l'occasion, et on n'en avait pas parlé, d'évoquer le spin-off qui s'appelle Rogue One. Ouais. Donc Rogue One, c'est le premier film solo de la saga qui est intégré à une franchise qui est baptisée Star Wars Anthology et qui va rassembler en fait des films uniques qui portent sur des histoires indépendantes au sein de l'univers Star Wars. Mmh. Donc un peu comme ils font un peu, c'est la technique aussi Marvel. Voilà, exactement, ouais, c'est des trucs indépendants. Des spin-off quoi. Ouais, des spin-off. Ouais. Donc on a une date de sortie, c'est 16 décembre 2016, donc un an après l'épisode 7. Et on a un réalisateur, c'est Gareth Edwards, donc qui avait fait Godzilla. Oui, j'ai pas vu le dernier Godzilla, je ne sais pas s'il est bien. Moi, j'ai pas trop. Non, le Godzilla, en soi, non, mais Monster, son premier film, était très bien. Ah, c'était lui qui avait fait ça ? Ouais. D'accord, avec Charlize. Non, pas du tout. Ah, Monster, c'était une histoire d'aliens sur Terre. D'accord. Voilà. Mais je ne connaissais pas. Bon. Donc là, on a eu droit à un trailer et un synopsis. Donc le film se situera entre les épisodes 3 et 4 et il racontera en fait comment un commando rebelle se lance dans une mission pour voler les plans de l'étoile noire. Donc le film fera le lien entre la première et la seconde trilogie, parce que les plans de l'étoile noire, c'est quand même une des bases de la première trilogie en termes de date. Celle des années 80. Celle des années 80, mais la seconde en termes de chronologie. Donc Gareth Edwards, pour le coup, il a annoncé un vrai film de guerre qui insistera sur l'aspect Wars de Star Wars. Donc un film qui est ancré dans le réel et qui, selon lui, sera dans la veine de Zero Dark Thirty. Donc on parlait tout à l'heure de Catherine Bigelow et de La Chute du Faucon Noir, qui est plutôt un bon film de guerre, avec un ton, on annonce un ton très sombre, et selon le réalisateur qui déclare, le film parle du fait que Dieu ne viendra pas à notre secours, pour le coup je vois pas trop le rapport, mais il viendra pas, donc faut pas l'attendre, hein. Et que nous sommes livrés à nous-mêmes, l'absence des Jedi sera omniprésente dans le film, elle tient même tout le film. C'est ce que j'allais dire en fait, quand il dit ça, il y a pas entre guillemets Dieu ne viendra pas de secours, il fait allusion aux Jedi qui ne seront pas présents et qui peuvent un peu tout solutionner. Ça sera vraiment une guerre. Une allusion à un film de guerre avec des sabres laser, mais avec des rayons laser. Quoi, et il a tendance à ancrer les choses un peu dans le réel et à poser ces choses, Gareth Edwards. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Après, c'était un leak plutôt, le trailer. Hein. C'était pas un vrai trailer posté sur Internet. Alors, moi, j'ai vu une image aussi. Tu vois, je crois, des rebelles qui passent comme ça, une espèce de forêt. Ouais, c'est ça, mais c'était un leak. Pour le coup, ça me donne envie, moi, si c'est lui le réalisateur. Ouais, ça me donne envie. C'était réservé aux spectateurs de Star Wars Celebration. Ouais. Exactement. Ils avaient dit pas filmer, etc. Bien sûr, il y a eu un truc, un leak. De filmer. Pas, mais bon, c'était vraiment en très mauvaise qualité, donc on voit pas grand chose, mais bon. Alors, au casting. C'était une planète un peu en forêt, comme Endor. Comme Endor dans l'épisode 6, où tu voyais des vaisseaux voler. Ouais, ça a l'air chouette. Hein. Ouais. Donc, il n'y aura pas des Ewoks, quoi. Ah, ça, on peut pas savoir, mais. Ah, si c'est un peu guerrier, tout ça, bon. Attends, c'est des guerriers, les Ewoks. Attends, qu'est-ce que tu racontes? Ils ont fait la guerre, quoi. Il y a eu des morts chez les Ewoks. Ils ont du courage au fond de cœur, les petits Ewoks. Et pour le coup, juste pour rappeler qu'au casting, on retrouvera donc Felicity Jones, qui a joué dans Une merveilleuse histoire du temps, qui jouera une combattante rebelle. À la musique, ça sera Alexandre Desplat. Ça en avait parlé, qui ouais, a été récemment scénarisé pour Grand Budapest Hotel. Et l'histoire originale a été imaginée par John Knoll, ou Knoll, je ne sais pas si on prononce le cas, qui est superviseur des effets visuels de la prélogie, donc les épisodes 1 à 3, hein, qui ne sont pas les meilleurs, mais bon, qui sont quand même des... Oui. Voilà. Disons que c'est un gage de pas forcément de qualité, mais de, je sais plus comment dire, de. Il a déjà du. C'est un gage, quoi. Il a d'expérience. Il a déjà bossé dans le milieu. C'est un gage de connaissance. Ils ont pas pris un mec dans la rue. Voilà, ils ont pas pris un nouveau. Donc voilà, c'est une gage de. C'est déjà ça, quoi. De légitimité, j'en ai. D'accord. Bah, ça me rend curieux de la chose, moi, Gareth Edwards, surtout. Bon, Grégoire, tu as des news en vrac. On traîne beaucoup là. Ouais, Grégoire, tu vas nous. Je vais les speeder, mais news en vrac. Grave. Avec, on commence. Je l'ai fait tout à la suite, Stan. Comment Vas-y. Tu veux? Ouais. Ok. La guerre des sexes avec Emma Stone, c'est parti. Puisque Steve Carell interprétera Bobby Riggs et Emma Stone, Billie Jean King dans ce film qui va être réalisé par Jonathan Dayton et Valérie Faris. Donc, c'est ceux qui ont réalisé Little Miss Sunshine quand même ou Ruby Sparks. Et donc, c'est à partir d'un scénario de Simon Beaufoy, je ne sais pas si je le prononce bien. Beaufoy. C'est lui qui a écrit Slam Dunk Millionnaire et ça va être produit par Danny Boyle. Alors, qu'est-ce que c'est la guerre des sexes, donc avec Emma Stone et Steve Carell? Ça va parler de Riggs, donc un joueur de tennis vieillissant, et de son match contre la jeune King, qui est devenu un phénomène télévisuel à l'époque, en 1973. Avec une histoire derrière la caméra apparemment que beaucoup ignorent, hein, beaucoup de tractations ou peut-être de relations, je ne sais pas du tout ce qui s'est passé entre à l'époque Valérie Faris, entre Bobby Riggs et Billie Jean King. En tout cas, c'est un des records du visionnage à la télévision aux États-Unis d'un événement sportif, même devant certains Super Bowls, ce match de tennis. Donc on risque d'en entendre parler de ce match de tennis. Pourquoi? Parce que ce film, La guerre des sexes avec Emma Stone, est un des trois projets qui vont parler de ce match. Il y a trois films qui vont aborder ce match. Il y a un film qui, on n'a pas le nom, mais il y aura Will Ferrell dans le rôle de Riggs. Voilà, on n'en sait pas encore beaucoup plus. A priori, ça s'appellera peut-être Matchmaker. Et on aura un autre film, qui va être avec Paul Giamatti dans le rôle de Riggs et Elizabeth Banks dans le rôle de King. Là, pareil, j'ai pas le titre encore, mais il y a trois films qui vont sortir sur ce match de tennis en même temps. D'accord. Moi et Emma Stone, j'y vais donc. Donc voilà, moi je préfère aussi Emma Stone, donc on verra. Je voulais parler de The Visit de Shyamalan, puisque voilà, After Earth est sorti il y a pas si longtemps que ça, hein, finalement, 2013. J'ai oublié. Mais on l'a vite oublié en sortant de la salle, en fait. Hein, on l'a oublié, voilà, tout simplement. Il n'avait pas fait de film d'épouvante depuis Phénomène en 2008, Shyamalan. Et donc là, il s'y remet avec The Visit, qui ont vu leurs premières images, voilà, dans un magnifique trailer qui ne laisse pas de marbre, on va dire, puisque en gros, soit vous détestez, soit vous n'aimez pas trop. C'est un peu ça ma conclusion. Ça fait pas vraiment plaisir à voir. Ça fait un peu peur. Ça fait un peu fun footage. Ouais. À deux balles, donc pas terrible. Avec bon, le pitch, deux enfants sont envoyés passer une semaine en Pennsylvanie, à la ferme de leurs grands-parents. Mais lorsque l'un d'eux découvre qu'ils sont impliqués dans quelque chose de profondément dérangeant, leurs chances de retour s'amenuisent de jour en jour. Voilà. Et franchement, le pitch, la bande-annonce fait vraiment pas envie. Hein. Ça fait du sous-film de fin de footage. Sous-Insidious même. Ou ouais, voilà, exactement. Ça fait peur, quoi. Très, très peur pour Shyamalan. Là, donc, repose en paix, Shyamalan. Hein. Ouais. Je voulais parler de Dragon Ball Super. Hein, j'étais obligé d'en parler, même si vous l'avez certainement entendu, puisque Dragon Ball, on est un peu dans une veine où ça revient sur le devant de la scène. Hein. C'est vrai qu'on a eu deux films avec Akira Toriyama qui a repris du service, dont le dernier, Dragon Ball Z, Resurrection of Freezer, et puis, donc, qui est sorti le 18 avril dernier. Et là, la Toei Animation vient d'annoncer qu'en juillet commencerait un tout nouvel animé appelé Dragon Ball Super. Donc là, ça sera aussi écrit par Toriyama, qui revient, hein, contrairement à Dragon Ball GT, où il n'était pas là et où les critiques n'avaient pas forcément aimé. Moi, je l'ai pas vu. Mais là, il va rebosser dessus. Et là, ça reprendra pas l'histoire après les films ou après GT, mais ça reprendra directement, en fait, après les derniers épisodes de son manga, donc à la fin de la bataille avec Majin Buu. Donc voilà, il y aura, c'est peut-être la nouvelle occasion de reséduire les anciens spectateurs comme moi et puis le nouveau public qui est accroché à Dragon Ball entre-temps. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir que Masako Nozawa, l'actrice qui prête la voix à Son Goku, puisque c'est une actrice au Japon, va refaire les voix. Donc ça va être une bonne occasion de retrouver cette série quand même qui avait fait 291 bons épisodes qui s'était terminé le 31 janvier 1996. Oula, donc ça commence à nous manquer. Ouais. Voilà pour Dragon Ball. Je parlerai rapidement enfin de Adèle chez la les Frères Dardenne. Non, pas la chanteuse, Adèle Haenel qui a décroché le premier rôle dans le prochain film des Frères Dardenne, La fille inconnue. Donc voilà, elle va jouer un médecin, etc. Je ne vais pas en dire plus, on n'a pas énormément de temps. Mais je voulais quand même signaler qu'aussi, elle allait jouer dans un autre film qui va s'appeler Orpheline, du réalisateur français Arnaud Despalières, et qui va réunir donc Adèle Haenel, et qui va réunir aussi Adèle Exarchopoulos, je ne sais pas si je le prononce bien. De la vie d'Adèle. Mais voilà, de la vie d'Adèle, exactement. Donc meilleure, deux quand même jeunes actrices, toutes les deux Oscar, césarisées pour voilà, meilleur espoir féminin. De très bonnes actrices et en plus dans ce casting, dans de ce très bon réalisateur. Ouais. Et va y avoir aussi Jalil Lesper, et va y avoir aussi Nicolas Duvauchel, et va y avoir aussi Gemma Arterton. Donc pas n'importe quoi dans ce casting. D'accord. Voilà. Et ma dernière news en vrac flash sera sur Frank Miller avec The Dark Knight Returns 3. Alors bon, ça fait plusieurs années qu'on entend parler de cette troisième hypothétique épisode du Dark Knight qui pourrait être pris par Frank Miller pour une troisième fois. Bon, ça a été confirmé et c'est une annonce qui a son importance pour ceux même qui s'y connaissent pas en comics, comme c'est mon cas ou peut-être votre cas. Pour bien comprendre l'importance de l'annonce, hein, Miller, l'influence de Miller, elle est énorme dans le monde actuel des comics et puis dans le monde actuel même des réalisateurs. Elle est partout. Hein. Bah, par exemple, Daredevil, dont tu as parlé, Dim, tout à l'heure, c'est considérablement inspiré du personnage qu'avait réécrit Miller, repris Miller. Batman versus Superman, qu'on va avoir en film bientôt aussi, prend clairement les inspirations de Miller. The Dark Knight Returns, on avait eu toute la trilogie de Dark Knight qui avait clairement aussi été influencée par Frank Miller. On peut parler de 300, on peut parler de Sin City aussi, c'est lui qui a fait tout ça, hein. Donc c'est une seule personne qui a fait tout ça. Donc annonce particulièrement importante. Et puis ce qui rajoute encore du piment à cette annonce de The Dark Knight Returns 3, c'est que le premier Dark Knight Returns est sorti en 1986 et c'est unanimement considéré comme un chef-d'œuvre. Hein. C'est vraiment le Batman moderne qui a été créé à ce moment-là, et là-dessus les critiques sont dithyrambiques. Mais par contre, entre-temps, c'est plus compliqué pour Frank Miller, qui a été accusé de racisme, hein, notamment sur un des trucs qu'il a écrit qui s'appelle Holy Terror. Et DC Comics avait d'ailleurs refusé de travailler avec lui suite à à Holy Terror. Et la suite de The Dark Knight Returns, qui s'appelait The Dark Knight Strikes Again, a été un échec critique retentissant. Donc ça avait complètement échoué, le deuxième épisode de The Dark Knight Returns. Donc à voir si le troisième réussit à reprendre un petit peu le flambeau de tout ça. Bon. Voilà. Ben merci pour toute Chinoz Vrac. On n'a pas beaucoup parlé de musique pendant cette petite rubrique divertissement. Julien, tu veux corriger le tir ? Oui, parce que le 27 avril dernier donc, est sorti le nouvel album de Blur avec les quatre membres originaux, c'est-à-dire le grand retour de Graham Coxon qui a été écarté du dernier album qui s'appelait Think Tank, qui était très très bon. Et forcément, qui a connu les années 90 et qui dit Blur dit forcément Oasis, ça. Hein, qui était un peu notre bataille des c'est petits. C'est quoi le meilleur groupe ? Oui, c'est ça, c'est un peu le Beatles Stone version un peu moins bonne, hein, surtout les Beatles, on va dire. C'est-à-dire que les Beatles sont tellement au-dessus que si tu fais une bataille. Les Stones. Bref. Les Beatles contre les Rolling Stones, c'est ouais, ça les, ouais. C'est une bataille quand même, c'est des mégatons, quoi. Beatles non, mais c'est un peu Stone. Comme à l'époque, Patrick Bruel et Rock Voisine. Alors voilà. on va y aller. Voilà. Bah, par exemple, voilà, c'est-à-dire qu'on à chaque descend... fois, il y a l'instant de c'est trop ça. De Stanislas. C'est-à-dire qu'on est sur une pente. C'est-à-dire qu'on a Beatles Stone, après on a Blur Oasis et après on a Rock Voisine, Patrick Bruel. Voilà, si tu veux. Ouais, bien joué. Ouais. Elsa va après, des Paradis aussi. Après, il y a Booba versus versus La Fouine. Non, mais on peut Elsa dire va des Paradis. Il y a Prince versus Michael Jackson. J'ai ça, c'est un peu plus haut aussi. Ouais, ça, je mettrais plus haut. Et donc, Oasis, qu'est-ce qu'il faut ? Donc, Oasis, eh bien, en fait, il pourrait peut-être se reformer. Malgré le fait qu'ils se déchirent tout le temps. Ils se entendent mieux qu'à une époque, les frères Gallagher. C'est le Daily Mirror en fait qui a lâché l'information, donc c'est à prendre avec toutes les pincettes, tous les conditionnels de rigueur, puisque apparemment ils ont réussi à s'entendre pour faire ce qu'on appelle un gentleman agreement pour un retour d'Oasis. Donc peut-être sur scène, peut-être sur album. Alors pour le coup, on ne sait pas trop si ça va être une reformation pour l'argent, comme l'avait évoqué Noël Gallagher à une époque, puisqu'il disait la seule raison pour laquelle je reformerai Oasis, c'est pour l'argent. Et par contre, est-ce que ça sera par choix artistique, puisque Liam Gallagher, lui, s'est séparé de son groupe Buddy Eyes en 2014, et qui pourrait, voilà, artistiquement, il faudrait qu'il retrouve quand même une nouvelle jeunesse. Est-ce que ça passerait par Oasis ? Bon, qui est un groupe qui, contrairement à Blur, a eu beaucoup plus de mal à se réinventer. Blur, notamment grâce à Damon Albarn, a quand même réussi à incorporer beaucoup d'influences. Eux, ils sont toujours restés sur un rock anglais assez bas du front, qui était très énorme. C'est vrai. Une pop basique, quoi. C'était très bien troussé en termes de mélodie à l'époque, mais voilà, ça passait pas peut-être 4-5 albums. Non, mais c'est vrai. C'était très, très bien troussé. Troussé, voilà, c'était. Ah, ça m'a surpris. Troussé de belles mélodies qui sont quand même restées des ça classiques. C'est vieux terme, je trouve. Mais... Ah ouais, c'est joli. Bienvenue dans le podcast. Ouais, voilà. Le podcast français. Wonderwall, c'est resté un classique de la pop et de la musique. Voilà, donc pour le coup, voilà. bon, pour le coup, on va attendre. Je vois qu'on me fait de grands signes, il faut arrêter. Non, non. Il faut partir, monsieur. Allez-y, arrêtez, monsieur, de parler de musique. La lumière s'éteint. Je suis tout seul, donc on va s'écouter Wonder, on va s'écouter l'album complet, définitive. Non, c'est juste qu'on remarque que ça fait une heure qu'on parle. On traîne beaucoup pour ce podcast, en fait. Voilà, c'est ça. C'est le podcast du plaisir. C'est le matin. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas enregistré le matin, on est content de retrouver un rythme plus sympa. Ok, bah voilà, c'était tout. C'est pour dire qu'ils vont peut-être se reformer. Tu nous tiens au courant. T'aurais pu la faire en deux mots. Attends, arrête de nous faire chier avec ta news. Attends. Non, mais tu nous diras si tu te reformes, quoi. Oui, oui, tout à fait. Maintenant, je ferai le suivi de l'actu. Comme d'hab. Bon, merci. On va passer tout de suite, parce que ça fait longtemps qu'on parle quand même, à la rubrique art ludique. Et pour la rubrique art ludique, on va commencer par parler de Konami. À quoi joue Konami, Julien ? Oui, en fait, on avait déjà envisagé de parler de Konami lors du dernier podcast suite à l'affaire Kojima. Finalement, en bon NSX, on avait parlé du Nintendo Direct et surtout des Amiibo. Hein. Ouais, bah toujours les Amiibo. Beaucoup plus intéressant. Yoshi-Len, attends, c'est bon. En fait, c'est surtout que personnellement, j'avais choisi d'attendre un peu plus, d'avoir plus de renseignements sur ce qui se passait entre Konami et Kojima parce que c'était un peu flou. Mais finalement, c'est toujours aussi flou. Voilà, bien fait. Voilà. Merci. J'ai bien fait d'attendre parce que la situation est restée un peu la même. Sauf que ce qui a changé, c'est que la semaine dernière, on a appris que Konami annulait Silent Hills. Ouais. Silent Hills au pluriel. Silent Hills, c'était quoi ? C'était en fait un nouvel épisode de la franchise de Survival Horror de Konami, mais aussi et surtout, c'était un jeu à trois mains, donc entre Kojima Productions, Norman Reedus, qui est l'acteur de Walking Dead, et Guillermo del Toro, le réalisateur-producteur, dont on parlait tout à l'heure et qu'on retrouvera en tant que jury du Festival de Cannes. Et pour le coup, lui, il est un peu maudit dans les projets jeux vidéo, puisque chaque fois qu'il est sur un projet, ça s'arrête. Donc voilà. Il avait fait quoi d'autre du coup ? Il avait un autre projet, je sais plus du tout le nom de ce projet d'un jeu vidéo. Pour le coup, ça s'est arrêté. Mais voilà, il devait développer. Je crois que c'était aussi un survival horror. Voilà, il est assez porté sur l'horreur. Et pour le coup, le prochain qui va bosser avec lui, on peut déjà dire que ça va. Ouais, mauvaise idée, mec. Mauvaise idée. Arrête tout de suite. Trouve quelqu'un d'autre. Donc voilà, le Silent Hill, c'était quoi ? C'était en fait d'abord un teaser qui était sorti lors de la Gamescom, qui s'appelait PT, donc pour Playable Teaser. Alors, qu'est-ce que ça avait été ? Ça avait été en fait une démo qui était disponible sur le store de la PS4. C'était un survival horror en vue subjective, dans un couloir. Et pour ceux qui arrivaient à le finir, à la fin, on voyait une bande-annonce du prochain Silent Hills. On voyait donc Norman Reedus modélisé et le titre apparaissait avec la ville en fond, avec écrit Silent Hills, donc au pluriel. Donc il est auguré peut-être qu'il y avait plusieurs villes, on ne sait pas ce que ça aurait donné. Donc pour le coup, c'était un jeu qui devait normalement être dirigé par Kojima Productions. Et j'avais trouvé moi une superbe façon d'introduire un jeu, plutôt que de faire une annonce classique comme ça dans un E3, dans un événement, de dire « Oh, Silent Hill, regardez, c'est génial !» Là, tu avais un teaser dont on ne savait rien, un jeu jouable, et finalement le c'est Internet qui a fait la hype, voilà, et tout s'est passé tout seul. Le fait qu'il trouve aussi rapidement, entre guillemets, la solution de l'énigme, en plus, ça avait beaucoup surpris. Ça avait beaucoup surpris Kojima, je crois. À l'époque, qui pensait que ça allait être. Parce qu'il y avait une énigme, en fait. Il y avait une énigme, un truc audio. En fait, tu passais en boucle dans le couloir, mais il fallait faire des actions. Et il fallait trouver comment sortir de ce couloir, sinon c'était toujours le même couloir. Et à chaque fois que tu repassais dans ce couloir, ça devenait de plus en plus affreux. D'accord. Il s'assombrissait, il y avait des cris, il y avait des bruits, il se passait des trucs étranges. Et il fallait que tu trouves la solution, comment sortir de ce couloir, sinon ça devenait de plus en plus. Et donc, un mec a trouvé la solution rapidement. C'est une nana, je crois. Ouais, je crois que c'était ça. Et assez rapidement, mais je sais plus si c'est dans l'ordre de quelques heures ou quelques jours. Vous l'aviez fait, vous, le teaser ? Non, je l'ai vu. Moi, je l'ai vu sur un let's play, mais je l'ai pas fait. Moi, j'ai vu aussi un extrait, j'ai fait non. Ah oui, c'est peut-être pas trop. Non. Tout ce qui est survival horror. Oui, Yoshi, capte-toi, C'était plutôt une histoire. Je me souviens qu'une fois, tu étais venu pour jouer à Zombie. Ah non, grave erreur. Je regrette encore. J'ai vu juste une énorme main ou je sais pas quoi dans le couloir, j'ai fait genre non. Non, nul. Alors, après, pour rappeler un peu la chronologie, c'est-à-dire que Konami a d'abord annoncé que PT serait plus disponible sur le PSN à compter du 29 avril. C'est-à-dire que les gens qui l'ont téléchargé ou qui l'avaient effacé, c'est-à-dire tu peux l'avoir effacé et tu peux le re-télécharger si tu l'avais téléchargé au moment où c'était disponible, il serait plus disponible pour les nouveaux acquéreurs, par exemple, d'une PlayStation 4. Donc, pour le coup, c'était pas très cool, mais apparemment, c'était prévu par Konami qui avait dit que c'était une démo, c'était juste un teasing. Ouais. Donc, c'était quelque chose qui avait une durée de vie limitée dans le temps. Sauf que ça tombe à un moment où le timing est pas très heureux vu les annonces. Ensuite, on a eu une déclaration pour le coup sans équivoque de Guillermo del Toro qui a dit cela ne se fera pas et j'en ai le cœur gros. Et finalement, Konami a confirmé l'annulation de Silent Hills qui devait bel et bien être dirigé par Kojima. Mais bon, forcément, entre les relations entre Kojima Productions et Konami, c'est évident qu'on allait en arriver là. Donc, ils ont fait un communiqué en disant que le contrat de Norman Reedus, qui devait jouer le héros de Silent Hills, avait expiré, mais que comme MGS, Konami confirmait qu'ils allaient continuer de développer des jeux de la série Silent Hill. Malgré l'annulation, c'était juste l'annulation de cet épisode et pas l'arrêt complet de la série. Donc en fait, au-delà du problème entre Konami et Kojima, qui ressemble, on va dire, à une bataille d'ego, à une fin d'histoire d'amour, et pour le coup qui sera à mon avis sans issue, hein, on voit pas comment ça pourrait repartir dans le bon sens. Trop loin, là. Bah, on peut se demander où va Konami en torpillant deux de ses licences les plus prestigieuses. Donc bah, si on parle déjà de Silent Hill, c'est une série quand même qui était un peu dans le creux de la vague à la fois artistiquement et commercialement. Après, on va dire trois premiers épisodes, voire quatre, qui étaient vraiment excellents, qui avaient été faits par la Silent Team, qui était eux, qui avaient vraiment lancé une nouvelle façon de faire du survival, plus psychologique, un peu aux antipodes de Resident Evil, qui est quand même un survival plus action. Là, on était plus dans une peur à la japonaise, avec des choses... Beaucoup de symbolique, ouais. Beaucoup de symbolique. Très cinématographique aussi, parce que c'était très influencé par Lynch, par Adrien Heinlein et l'échelle de Jacob, aussi par Hitchcock. Voilà, moi, je pense surtout à Silent Hill 2, qui ressemble aussi pas mal à Lost Highway. Je sais pas si tu l'as fait d'ailleurs, parce que c'était pas les survivals. Bien sûr. Je te dis ça comme si l'avais fait. J'ai regardé des vidéos de gens y jouer. Voilà, bon, c'est ce que je fais moi. C'est un très très grand jeu pour moi, un des grands chefs-d'œuvre du jeu vidéo. Je trouve que là, déjà, première pièce à conviction et première charge sur Konami, c'est quand même torpiller comme ça un projet, à mon avis, qui avait refait le buzz. Une licence chère au cœur de plein de gens, ouais. Avec un gros projet, des gros noms, des gros acteurs, réalisateurs. Mais disons qu'une licence chère au cœur des gamers, c'est pas forcément une licence qui va se vendre. Il y en a plein de licences où les gens voudraient avoir un nouveau F-Zero, mais peut-être qu'il y en aurait plus que 400 000 qui vont l'acheter. Ils avaient quand même réussi à faire du buzz. Là, il y avait Kojima, il y avait Guillermo del Toro, il y avait un acteur plus que bankable, il y avait connu du grand public. Il y avait un système, une façon de teaser l'événement qui était quand même hyper intéressante. Donc là, je trouve que torpiller ce truc-là, c'est incompréhensible. Dans le sens c'est où incompréhensible, Kojima n'est plus là, mais on ne peut pas comprendre. Moi, je ne comprends pas. Et ensuite, il y a forcément le dossier Kojima MGS. Donc, on avait appris que Kojima travaillerait en indépendant jusqu'en décembre pour Konami afin de terminer MGS 5 qui sortira en septembre. Ça avait commencé comment ? C'est-à-dire que les internautes avaient constaté la disparition de toute référence au studio Kojima Productions sur les sites de la franchise Metal Gear. Même chose pour le site officiel et le compte Twitter du studio de Kojima Productions qui redirigeait vers les adresses gérées par Konami. Le nom de Hideo Kojima avait disparu des jaquettes de jeu. Il est revenu plus ou moins pour certains épisodes de la série entre-temps, mais le nom de Kojima avait aussi disparu de l'organigramme de la société où il avait été nommé Executive Content Officer, donc un poste important chez Konami. Donc on avait parlé d'un conflit sérieux entre Konami et Kojima Productions, c'est-à-dire que Konami aurait étouffé la communication de Kojima Productions avant une dissolution qui était apparemment programmée pour le début de l'année 2016. Et pour le coup, Konami gardait tout ce qui était licence, puisqu'il possédait toujours MGS, le Fox Engine, donc tout ce qui a été créé par Kojima. Bon, après, c'est le principe, quand tu es dans une société, tu travailles pour cette société, donc ça leur appartient. Simplement, après, forcément, MGS, c'est une série qui est très liée à Kojima. Complètement. C'est Hideo Kojima Game, c'est lui qui fait tous les teasings, c'est lui qui, voilà, il se met même dedans, il est même dans, c'était dans le dernier, tu pouvais dans Ground Zeroes, tu pouvais il y avait aussi celui sur PSP, Peace Walker, où tu pouvais le recruter. Génial. Parce que tu faisais ta Mother Base, donc tu recrutais plein de soldats, et lui, c'était un scientifique dedans, il avait des putains de caractéristiques pour fabriquer des choses. Donc, ouais. Cool. Voilà, donc t'as plein de choses qui sont liées à la personnalité de Kojima, et qui, moi, personnellement, me font dire que faire un MGS sans Kojima, c'est presque un non-sens. Tant c'est pour moi un jeu qui est totalement lié à son créateur. Même si c'est un blockbuster énorme, c'est un des blockbusters qui est les plus incarnés par son créateur. Autant il y a des jeux, tu peux te dire Silent Hill, tu peux le redonner à un autre studio, il peut faire quelque chose très bien. Il y a une sorte de charte quand tu fais un cahier des charges, il y a une sorte de cahier des charges quand tu fais un Silent Hill, mais un MGS, je vois pas un MGS sans Kojima. Ouais, c'est compliqué, ouais. Donc on avait eu aussi un échange de mails là pour lequel on mettra peut-être plus de pincettes entre George Weidman, qui est un youtubeur et une source anonyme, et qui faisait état d'une d'un conflit entre le CEO de Konami qui s'appelle Kajematsa Kozuki et qui apparemment déteste Kojima, qui trouve que Kojima dépense beaucoup trop d'argent, prend trop de temps, et même si MGC rentable, cela rapporte pas assez d'argent. Donc là, on parle surtout du marché mobile, pour le coup, qui est très lucratif au Japon, qui utilise moins de ressources, moins de personnel et qui rapporte énormément d'argent. Voilà, donc bon, cet échange de mails, on peut douter de la véracité, puisque ça paraît un peu trop gros, un peu trop dans le sens de ce qui se passe et un peu trop dans le sens de ce qu'on sait, en fait. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que ça pose la question de savoir à quoi joue Konami et ce qu'ils comptent faire avec leur activité jeux vidéo. Parce que là, on parle surtout de Kojima Productions, mais Konami, c'est pas que Kojima Productions. À une époque, c'était aussi des grandes licences, des jeux qui ont marqué la génération des NES et des Super NES, avec des jeux comme Castlevania, comme Contra, comme Goemon, Parodius, ouais. Silent Hill, PES, avant qu'il s'appelle quand c'était ISS. Donc vraiment des jeux, voilà, qui c'était un studio aussi important que Capcom à une époque, ouais. Que Sega, que Nintendo, qu'on fait les belles heures de... À une époque, comme tu dis, hein, ouais. Aussi. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, dernièrement, c'était quand même beaucoup plus MGS. Quoi. Ouais, enfin, après, pour moi, dans l'image du grand noob que je suis et du grand public, je pense que... Bah, ils ont surtout une période PES. Ouais, qui était une grosse période PES. Puis après, voilà, depuis quelques temps, enfin, c'est peut-être parce que la sortie de MGS 5 approche que je dis ça, mais on sentait beaucoup que là, ils mettaient de l'importance. Ah non, mais c'est tout à fait ça, parce que, par exemple, Castlevania, c'est une série où ils avaient le créateur, enfin, celui qui était depuis Symphony of the Night, Koji Igarashi, était parti. Ouais. On sait que le reboot de Castlevania 3D, que le premier était plutôt bien accueilli, qui était aussi un jeu produit par Hideo Kojima. Le deuxième a complètement bidé, ouais. Très mauvaise critique, et voilà, ça n'a pas du tout marché. Cette licence-là, elle est morte. Un des piliers de Konami qui s'appelait Takfuji, lui, est parti dernièrement de chez Konami. Il y a aussi, donc un peu moins connu en Europe, mais la série Love Plus, dont le producteur et le character designer sont aussi partis de chez Konami. On a aussi le rachat de Hudson Soft. Donc Hudson Soft, c'est surtout pour les plus vieux qui ont joué à la PC Engine. Hein. C'est des grands, grands créateurs de jeux vidéo qui était une société qui était née dans les années 70, donc très vieille société, qui avait été rachetée par Konami en 2011 et puis qui l'avait finalement fermée un an plus tard. Bon. Voilà, sans utiliser leur licence, alors que Hudson Soft a des licences comme Bomberman, par exemple. Ah ouais, d'accord. Ouais. Hein, des quand même des grandes licences. Alors après, il faut savoir que Konami, c'est une entreprise qui se porte plutôt bien. Ça, c'était, je crois que c'est Oscar Lemaire qui a fait un article sur Gamekult où justement il explique qu'ils n'ont aucune perte à signaler depuis 2003 et que surtout depuis le début des années 2000, ils sont très connus au Japon en tant qu'exploitants de salles de sport et de fitness. Et ils ont aussi une activité en tant que fabricant de machines à sous. Salle de sport Konami. C'est vrai, non, ils ont toujours été. Même moi, je me rappelle à l'époque. Mais je vais faire du sport, maman. Ils ont des complexes, des salles et tout au Japon. Voilà, c'est, ouais, c'est vrai que c'est des activités qu'on ne soupçonne pas forcément quand on les connaît que pour le jeu vidéo. Ouais, ils sont diversifiés. Ouais, quoi. Donc leur machine à sous, notamment pour les casinos, qui prend de plus en plus d'importance. Mais voilà, la division Digital Entertainment qui faisait toujours des bénéfices, mais on ne sait pas en fait si c'est des bénéfices qui étaient liés aux jeux mobiles qui sont beaucoup plus lucratifs ou à leur licence, ouais. À leur grosse licence, on va dire, entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, mais gamer. Ouais. Pour les ventes de jeux, pour le coup, c'est un peu moins bon, puisque de 2008 à 2014, toujours selon Oscar Lemaire, le nombre de jeux distribués par Konami dans le monde a chuté de 60%. Ah, donc ils gagnent moins d'argent. Ouais. Enfin, ils vendent moins de jeux, mais ils gagnent beaucoup d'argent à côté, a priori. Ouais, mais comme ils ne détaillent pas, apparemment, ils ne détaillent pas la source de leurs bénéfices, finalement, on ne sait pas trop. Tu peux penser que c'est plutôt le jeu mobile. Même les jeux de sport, on parlait de Pro Evolution Soccer, mais Pro Evolution Soccer, c'est une licence qui était très très forte à l'ère de la PlayStation 2, donc ouais. Qui n'a pas du tout passé le cap de la génération PS3 360, un peu comme beaucoup de licences japonaises. FIFA les a gavés, là. Et par exemple, en France, toujours selon les chiffres de Oscar Lemaire, qui est souvent assez bien renseigné, ouais. 90 000 exemplaires en France au cours de l'année 2014, c'est 15 fois moins que FIFA. Ouais. Alors même si au niveau critique, ils ont plus ou moins pas inversé la tendance, mais ils sont revenus dans la course. Le dernier était apparemment très très bon. Donc voilà, alors la question qu'on peut se poser, c'est à quoi joue Konami, et surtout est-ce qu'ils se dirigent vers l'abandon complet du jeu sur console au profit du jeu mobile ou au profit de leurs autres activités comme les salles de sport. Et puis finalement, qu'est-ce que vont devenir leurs grandes séries qui étaient plus ou moins liées à Kojima? On pense à MGS, je parlais tout à l'heure du reboot de Castlevania, le Fox Engine qui est utilisé par PES, donc ça pose pas de problème puisqu'ils vont toujours l'avoir. Ouais. Mais finalement, est-ce qu'il y a une vie chez Konami après Kojima? Moi je dirais. Ce que je dirais. Greg a l'air de dire non. Non, ouais, enfin c'est pas non, mais quand t'entends tous les départs qu'il y a eu, leur gestion de cette histoire qui est extrêmement étrange, t'as l'impression que tous les trucs ils les torpillent, effectivement ils les achètent, ils les utilisent pas, Hudson Soft, etc. Ouais. Enfin, t'as l'impression que le jeu vidéo ne les intéresse pas. Ouais, t'as pas l'impression qu'ils donnent un signe comme quoi ils vont se renouveler le jeu vidéo, au contraire, t'as plutôt l'impression qu'ils essaient de dernière liquidation avant l'inventaire, et puis qu'après ils vont se dire on va peut-être se tourner vers des choses plus lucratives. Ça me fait un peu. Alors je sais pas si je me plante en disant ça, mais mais ça me fait penser un peu à Sega qui s'éloigne un peu des jeux consoles pour aller faire des pachinko ou je sais plus quoi, enfin ou des jeux de pareil un peu des machines à sous, enfin ils ont des, ouais, ils des sont activités. Allés, ils sont beaucoup allés vers le jeu mobile, hein, Sega. Ouais. Même si c'est pour le coup ils font toujours en tant qu'éditeur du jeu vidéo, ils sortent quelques trucs, mais voilà, c'est ils ont aussi fait un revirement de. Donc ouais, peut-être que c'est ça, effectivement, les machines à sous, les machines de sport et puis les salles de sport. On, les... on a l'impression que c'est pas contrôlé ou bien réfléchi tout ça. Par c'est contre, on... la vitesse à laquelle ils se sont séparés de Kojima, pour moi, c'est un... je comprends pas en fait. Ouais, c'est vrai. Bah, en même temps, ce qui est flippant, c'est que tu te dis finalement que Kojima c'était un peu l'arbre qui cachait la forêt, parce que tu te dis, mettons, il se serait pas embrouillé avec lui, il aurait continué à faire des MGS. À côté de Kojima, il n'y a pas grand-chose maintenant chez Konami. Castlevania, ils se sont un peu plantés avec c'est le 2. Surtout qu'ils ont... Alors, du coup, en plus, ils savaient ça. C'est-à-dire qu'il y avait Kojima faisait l'ADN, surtout qu'ils lui ont confié Silent Hill. C'est-à-dire qu'en virant Kojima, il torpille aussi Silent Hill. Ouais, mais je pense qu'il y avait tellement un problème d'ego entre... Voilà, ça a dû être un gros clash. Je voilà, vois que c'est un gros clash qui fait que... voilà. Il... Mais c'est vrai que du coup, en le virant, t'as raison, Stan, ils savaient qu'ils allaient finir faire des jeux vidéo sur console quasiment. Enfin, à part ça, ils n'ont plus eu rien. Bah, non. Parce qu'ils avaient mis tous les deux dans le même panier, en fait. C'est-à-dire je donne tout à Kojima et je vire Kojima après. Alors tu disais que c'était pas réfléchi, mais peut-être que justement c'est une stratégie pour se débarrasser du c'est jeu vidéo étonnant, traditionnel et aller vers les mobiles ou vers dans d'autres cas, en solutions. En ce moment, tu torpilles ton image. Tu torpilles ton image, ils l'ont fait super salement. Hein. Là, c'est dégueulasse quoi, comme ils ont fait ça. Enfin, tu vois le côté genre les mails leakés, les noms qui disparaissent, des jaquettes. Tu dis, on sait pas du tout comment a été là-dessus. S'il a été viré, dis-le, tu vois. Ouais, disons que tu peux te dire dans cette situation, ils auraient pu faire un peu un truc un peu étouffé, tu vois, un peu à la japonaise où on dit, bah voilà, ils disent trop rien, ils disent Hideo Kojima a envie de faire autre chose. Et puis un communiqué propre. Pour des raisons de divergence artistique. Ouais, où il avait envie de passer à autre chose. La série MGS va continuer. Tu vois, il pourrait dire un truc à la con. Il sera consultant pour assurer l'intégrité artistique de. Voilà. Ouais, il lui file 100 000 euros. Là, ouais, ou même pas. Ils font une caution un peu bidon. Et ils s'en séparaient comme ça. Parce que là, c'était vraiment on efface ton nom. T'es plus dans l'organigramme et ça se sait. T'es plus sur les. Alors surtout, t'es plus sur les jaquettes. C'est nul. C'est hyper maladroit. Après, c'était des raisons de droit aussi. Parce qu'ils sont peut-être obligés de faire ça pour pas que Kojima puisse les attaquer s'il veut récupérer les droits. Ouais, t'as raison. Voilà. Peut-être que Kojima a demandé, hein, je sais pas moi. Hein, tu vois. Ouais, alors voilà, c'est parce que. Ça serait plus étonnant. Il y est attaché à sa série quand même. Bah, je sais pas. Pas dire retirez-moi de la série MGS quoi. Je sais pas. Après, peut-être qu'il a un ego trop surdimensionné et que ça pose un problème pour un éditeur, parce que c'est vrai que t'as plus l'impression que c'est un jeu Hideo Kojima que. Ah bah, c'est le studio, si vous voulez laisser mon nom, à ce moment-là, vous me payez 50%. Il a dit, ouais, peut-être que lui, il a fait son chieur, on saura jamais, mais c'est vrai qu'on sait pas. Je suis pas sûr qu'on sache un jour, ça finira par se voir. Ou alors, il voulait arrêter MGS, c'est possible, à un moment donné, quand tu fais. Il a 50 ans. Il a 30 ans qu'il est là-bas. Il a 50 ans. Ouais, il a 50 ans. Ça se voit. Ça fait 30 ans qu'il fait du MGS. Il a l'air tout jeune. Ouais, t'as jamais vu aussi les photos de Sakurai qui fait Smash. Non. En fait, t'as l'impression qu'il est de plus en plus jeune d'année en année. Donc t'as des photos, genre tu vois son vrai âge. Il a je sais plus 50 ans et on dirait qu'il a 14. Et c'est hallucinant, faut voir moi, les trucs. Moi je dis, faut bouffer du sushi quoi. Ah, mais, faut arrêter. Sakurai, c'est hallucinant. T'as faut arrêter avec Benjamin Button là, avec le sauciflard les gars. faut se mettre au sushi. C'est midi, c'est sushi. Hein. Allez, j'annonce. Voilà, donc c'est vrai que c'était finalement, il n'y a pas trop de choses à dire parce qu'on ne sait pas grand chose sur ce qui se passe à l'intérieur de Konami, mais c'est vrai que c'est un peu flippant. On en saura plus à l'E3. Voilà. Ou pas. L'E3, ok. Ah, par exemple, nous à l'E3, ça va être intéressant de voir comment ils. Parce que généralement, ils font toujours une conférence Konami, un peu une conférence souvent assez mauvaise, mais qui est souvent attendue. Non, mais c'est vraiment pénible parce qu'ils n'ont rien à montrer, ils te montent un trailer de PLS. Mais surtout, c'est surtout Kojima qui est l'attraction. Et d'ailleurs, ils avaient arrêté les Kojima Station, qui étaient des trucs qui duraient 3 heures où tu avais une info. C'était un peu chiant, mais disons que c'était un peu le bébé de Kojima. Il venait faire ses trucs, il était content, il présentait ses t-shirts, il présentait des trucs ça comme ça. Ça faisait un peu enfant gâté. Hein. Ouais, ça faisait un peu enfant gâté. Mais tu te dis maintenant à l'E3, qu'est-ce qu'ils vont présenter? C'est-à-dire que là, on voit mal Kojima arriver et dire regardez, c'est super, je travaille avec Konami, c'est MGS5. C'est peut-être leur dernier E3. Hein. On n'y croira pas. Oui, de toute façon, pour. Le problème, c'est qu'on n'y croira pas. Et par contre, je vois pas non plus Kojima aller déjà avec un autre studio, que ce soit Sony, Microsoft, Nintendo, c'est trop tôt. Il a encore la promo de MGS. Il a des trucs en plus, non-disclosure agreement, pas de compétition. Même jusqu'à 2016, à mon avis, il n'a pas le droit de parler. Là, tu peux te dire que le sous-titre de MGS5 portera bien son nom, Phantom Pain. Quelle jolie conclusion, voilà. Merci Julien. Greg, tu veux nous parler de mods sur Steam? Les mods sur Steam, ouais, les mods sur Steam. Les mods sur Steam, en fait, je voulais revenir sur cette histoire si jamais vous n'aviez pas suivi l'actualité. Stan, tu n'as peut-être pas suivi dans ces dernières semaines ce qui s'est passé. Donc, cette news, elle est pour toi, pour ceux qui n'ont pas écouté ce qui s'était passé. Oui. C'est cette espèce d'histoire d'Internet, quoi. Un peu, c'est le symbole de ce qui se passe sur Internet en ce moment, de ce qui s'est passé en ce moment avec Steam sur cette histoire de mods, puisque Steam avait laissé la possibilité aux modeurs de vendre leurs créations sur Steam Workshop dernièrement, hein, notamment sur Skyrim. Avec le principe derrière de Valve qui se prenait une commission sur ce mode, sur la somme vendue, et aussi pour le concepteur du jeu. Donc à savoir, c'était 25% du prix de vente qui restait au modeur, et le reste allait, la 75% restant, allait entre Valve et l'éditeur du jeu. Donc Bethesda pour Skyrim, hein, si je me plante pas, je crois que c'est ça. En tout cas, les modes, voilà, ça a toujours été, on pouvait toujours continuer à les proposer gratuitement, hein, sur Steam, mais on pouvait donc, en tant que modeur, fixer son prix librement de son mode, laisser voir certains joueurs décider eux-mêmes du tarif ou des choses comme ça. Et le but derrière pour Steam, c'était d'encourager les travaux de qualité, enfin tu vois, de rétribuer aussi un peu tous les modeurs qui avaient fait quand même effectivement beaucoup de temps à programmer quelque chose dans un jeu pour pouvoir éventuellement l'améliorer ou proposer quelque chose de marrant dedans. Donc voilà, c'était déjà communiqué dans un détail, enfin voilà, Valve avait tout communiqué, tout détaillé, etc. Et il y avait juste une histoire de voilà, valider les modes, etc. Mais bon, a priori c'était bien parti, et finalement ça a été rapidement le raz-de-marée sur internet, comme d'habitude nos chers internets se sont enflammés, puisqu'il y a eu rapidement une grosse communauté, hein. C'est vrai que Steam c'est une énorme communauté de joueurs, et une grosse partie de cette communauté a estimé que c'était un peu scandaleux ce qui était en train de se passer, puisque la monétisation d'un mode leur semblait être une nouvelle forme d'abus, hein, finalement, puisque c'est vrai que de façon on va dire traditionnelle, de façon dans l'histoire du mode, la philosophie même presque du mode, c'est de faire un travail gratuit, en fait, de proposer une amélioration gratuite d'un jeu, amélioration ou modification d'un jeu. Donc là, il y avait un peu une trahison philosophique aussi, et puis il y avait aussi pas mal de critiques tout de suite qui ont eu lieu, j'ai dit un peu à la répartition des prix, on va dire, de la part de marché, de comment ça se distribuait cet argent. Il y a eu pas mal de critiques là-dessus, puisque, oui, je le rappelle, hein, c'était 25% pour le modeur sur sa propre création, et les 75% allaient à 35% pour Steam et 40% pour l'éditeur. Donc il y a eu pas mal de grogne au niveau de l'internet, des internets, avec bien sûr ça a obligé Gabe Newell à défendre un petit peu sa stratégie de Steam en disant voilà, ça va faire partie aussi d'un nouveau façon de fonctionner pour permettre aux modeurs de monétiser leur travail, ça va permettre d'améliorer la qualité de ces modes. Ce n'est pas de l'avidité puisqu'on gagne quasiment rien sur ces modes déjà vendus sur Skyrim par exemple, ils donnaient les chiffres, ce genre de choses. Et voilà, enfin ils ont essayé de défendre un petit peu ça. Ils voulaient même introduire un système de pay what you want, hein, un peu comme les albums de Radiohead à l'époque ou ce genre de choses. Donc vous donnez ce que vous voulez sur ce mode. Et puis finalement, la grogne a été tellement forte, c'est le symbole des internautes modernes, que ça a été retiré très rapidement. Le 28 avril, devant la fronde des internets, Valve a annoncé le retrait des modes payants pour Skyrim, et ils ont reconnu qu'ils avaient manqué de précaution, entre guillemets, dans le lancement de cette innovation sur une communauté particulièrement ancienne, hein, celle de Skyrim est particulièrement forte en plus, avec des règles tacites bien établies. Et ils ont dit, voilà, et je cite, ils se sont bien ratés sur le coup, entre guillemets. Mais ils n'ont pas complètement fermé l'histoire des modes payants. Hein. Ils ne vont pas forcément dire que non, on ne fera plus jamais de modes payants, même si c'est, entre guillemets, pas dans la philosophie des modes. Ils ont dit que là, ils s'étaient mal pris sur ce coup-là, mais qu'ils continuent à réfléchir à l'opportunité de le faire sur d'autres jeux. Donc voilà, on peut quand même peut-être un peu regretter ce pas en arrière rapide, même si on peut comprendre la communauté. C'est vrai que les modes, d'habitude, c'est gratuit. Bon, là, j'imagine qu'il y a certains modeurs, apparemment, qui commençaient à gagner de l'argent pour un travail qu'ils avaient effectué sérieusement. Donc c'était pourquoi pas une occasion pour pas mal d'amateurs du jeu vidéo, d'amoureux du jeu vidéo et de programmeurs un peu, voilà, de leur côté, de se faire un peu d'argent et d'essayer de vivre de leur passion. Bah, c'est une occasion qu'ils n'auront pas pour l'instant avec cette nouvelle, ce nouveau revirement de situation. Donc un peu dommage pour eux, mais bon, ça c'est comme toujours sur internet, la rage gagne, et voilà. Mais bon, okay. On va suivre parce qu'à mon avis, Steam n'en aura pas fini avec ça, ils vont le remettre en place mais sous un autre mode, en communiquant mieux. Là ils l'ont fait trop rapidement. D'accord, voilà. Bon, c'est intéressant ça, hein. Julien. Oui. Il paraît que Xbox a des chiffres en baisse. Oui, parce que tout à l'heure on parlait de Microsoft qui faisait quand même des chiffres très très bons. Donc je vais faire quand même quelques mauvaises nouvelles, c'est surtout pour la division Xbox. Puisqu'ils ont annoncé, Microsoft a annoncé avoir livré 1,6 million de machines Xbox entre janvier et mars 2015, contre 2 millions l'année dernière sur la même période. Pour le coup, c'est assez difficile de savoir où se situe la Xbox One, puisqu'en fait le chiffre comprend les ventes de la Xbox One et les ventes de la 360. Donc pour info, ouais, sur les 2 millions de l'année dernière, puisque l'année dernière c'était 2 millions, c'était 1,2 million de One et 800 000 Xbox 360. Donc là on peut penser que les chiffres Xbox 360 vont avoir baissé. Bah oui. Donc on serait peut-être voilà, dans les mêmes eaux au niveau de la One. C'est pas dit que la One ait baissé en termes de vente. Donc ça veut dire que le chiffre d'affaires de la Xbox a chuté de 24% en raison donc de la baisse des ventes forcément de la 360, mais également, et c'est logique, de la baisse de prix de vente de la Xbox One. Puisque là, oui, elle a baissé, oui, je crois qu'elle est à 350, elle a été d'abord 370, 350, quelque chose comme ça, donc forcément, le chiffre d'affaires est moins bon. Par contre, bonne nouvelle pour le Xbox Live, qui a vu en fait ses revenus augmenter de 32% et son nombre d'utilisateurs de 18%. Dans la même division que Xbox, qui s'appelle Computing et Gaming Hardware, il y a la tablette Surface. Et pour le coup, là, la tablette Surface, elle marche très très bien, puisqu'elle a des revenus qui sont passés de 494 millions de dollars à 713 millions sur la même période, donc des 3 mois. Donc au global, la division n'accuse qu'une légère baisse de 4%, puisque finalement Xbox est compensée par la tablette Surface. Bon, bah surtout que la Surface, elle se vend comme des petits pains et elle va continuer à se vendre comme, ouais, des petits pains. C'est une très bonne tablette. Ouais, après, ils ont eu un petit départ, je crois que c'était un départ difficile à l'époque, ça avait un peu mis de temps. Bah, c'est toujours un produit cher au début, t'as la version Pro qui est chère, et puis t'as la version ensuite grand public, là, la 3, Surface 3 va sortir pour le grand public. Moi, la Surface, je suis toujours partagé parce que j'ai l'impression que c'est une tablette, mais en fait, c'est un ordinateur. Donc je trouve que c'est cher pour une tablette. Ouais, ça va pour un ordi. On n'est pas dans la partie techno. Encadrons. Mais voilà, disons que la division Xbox et surtout la Xbox One va jouer quand même assez gros à l'E3. Ouais, clairement. Parce que c'est vrai que la baisse de prix, ça a souvent ça a une influence directe sur les ventes pendant quelques temps. Mais ensuite, on peut pas dire qu'en début d'année, la Xbox One est sortie beaucoup de jeux exclusifs, contrairement à la PlayStation. Il faut qu'ils fassent un très très gros E3 là, parce qu'il y a un bon Gears of War. Mais même ça. Ouais, ils ont annoncé apparemment un Gears of War Remaster, le remaster du premier Gears of War. Ouais, c'est chiant ça. Bah, cette année, ils ont quand même à sortir Halo 5. Et Tomb Raider, ça fait que deux jeux, tu vois. Si Halo 5, t'es pas un gros fan de l'univers, t'en as plus qu'un. Bon. Oui, mais Halo 5, c'est quand même une grosse, grosse licence. Ah, bah pour eux, oui, mais je veux dire, en tant que gamer, tu vois, il faut aussi trouver l'intérêt. Pour moi, c'est pas un système seller. Halo? Ah, si, aux États-Unis. Non, mais moi ça me fera pas du tout acheter la. Non, moi non plus. C'est pas un FPS, enfin bon, c'est personnel. Ok, super. Bah, Dim, je crois que tu voulais nous parler de Lego Dimension, dont on avait déjà parlé un peu la semaine, le dernier podcast. Ouais, voilà, donc je voulais compléter un peu la news, parce que depuis, on a appris qu'il y a 17 packs qui seront disponibles au lancement. 17 ? Donc, ouais, 17 packs, ouais. Wow. Bon, après, divisé en trois types de packs, il y a tout d'abord le Fun Pack, avec un personnage et un véhicule ou un gadget pour 15$, un Level Pack pour 30$ avec un personnage, un véhicule ou un gadget et un niveau. D'accord. Et un team pack qui sera deux personnages et deux véhicules. Donc là, on n'a pas le prix, mais bon, on peut supposer que ça sera le double du fun pack, ouais. 30$. Donc les licences concernées pour l'instant sont Retour vers le futur, DC Comics, Seigneur des Anneaux, Magicien d'Oz et le film Lego Movie. Oui. Par exemple, pour Retour vers le futur, c'est un personnage Marty McFly avec son hoverboard. Oh. Oh, c'est bien ça. Il y a la DeLorean ou pas qui est prévue là ? On veut la DeLorean. je pense qu'elle sera, elle sera bientôt prévue. Ça va être génial, je veux biff, moi. Tu veux biff ? Toi, t'es le seul au monde à vouloir biff. Attends, biff Tannen. Un bon vieux biff Tannen, ouais, c'est vrai que ça pourrait être vraiment cool. Donc voilà, bon, c'était juste ça, la petite news. Moi, personnellement, je trouve que le prix est un peu excessif comparé à une figurine Lego similaire, mais sans interactivité. Ouais. Donc voilà, quoi. Faudra après, il se gave, hein, d'avoir une réelle présentation du jeu, ouais, voir l'interactivité avec le jeu en lui-même, ou si ça peut aussi marcher avec les autres jeux. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport aux Amiibo, vu que vous êtes assez fan, à ce que j'ai pu comprendre. Non. Ah bah moi, je pense que j'achèterai quand même peut-être 2-3 Lego Dimensions pour voir, quoi. Mais après, ce qui me gêne, c'est de devoir leur acheter un portail ou un truc comme ça. Je sais pas si ça marchera direct. Ouais, la seule différence avec les Amiibo, c'est que ça a l'air d'être, enfin, c'est plus utile, et dans le sens où ça a l'air vraiment d'être axé sur un jeu, et que les jeux Lego sont très très bons. Alors que là, les Amiibo en jeu, ils ont pas un intérêt. Les jeux existent par eux-mêmes sans les Amiibo. C'est nul. Donc après, oui, c'est vrai qu'ils se sur les prix, c'est quand même un peu. Il se gave là, je trouve. Après, un Amiibo, tu l'achètes 14€, quoi. Mais c'est cher aussi. Ouais. Je veux dire, Sauf que là, c'est vrai qu'une pièce de Lego, normalement. C'est quand même vraiment cher à la base, quoi. Ouais, ouais. Ouais. On voit qu'une étoile noire en Lego, c'est 400$, je crois. Voilà, ouais. Quoi. Ouais, c'est sûr. Non, mais... ils ont le bon filon, à mon avis, parce que là, c'est pour, à la fois pour les enfants, pour les collectionneurs, pour les fans des licences qui sont concernés. C'est la poule aux œufs d'or. Ah, bah là, ils ont raison. Ouais. Non, ils ont raison. Ouais, c'est clair. Ouais. Ok. Merci, Dim. On est impatients. Ça sort quand, en fait, tout ça? On sait. Cette année, Lego Dimension? Fin septembre, il me semble. Ouais, fin septembre. Ouais, c'est ça. Pour Noël, hein, tu vois. Ouais. Oui. Voilà. Ah, je jetterai peut-être un petit coup d'œil. Moi, j'aime bien les Lego quand même. Ouais, quand même, tu vois. Greg, tu voulais nous parler des éditeurs qui gagnaient le plus? Oui, j'avais vu ça dans les news entre ces deux semaines. C'était une société qui fait un peu des études et de la recherche dans le jeu vidéo qui s'appelle Newzoo, qui a déjà révélé dans son étude qui allait montrer un petit peu le marché en 2015, que le marché du jeu vidéo était en augmentation de 9,4%, donc ce qui est plutôt pas mal déjà. Et ils ont aussi profité de ça pour faire un classement des 10 sociétés cotées en bourse qui gagnent le plus d'argent grâce aux jeux vidéo en 2014. Et alors le premier, c'est le chinois Tencent, hein, toujours, qui vient occuper la première place de ce classement, ça fait déjà plusieurs années. Et Tencent, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ceux notamment qui gèrent, on va dire, la poule aux œufs d'or League of Legends, puisqu'ils détiennent le studio Riot Games. Donc voilà, ils font pas que ça, ils ont aussi pas mal d'activités dans le milieu du jeu PC et du jeu mobile en Asie. Donc voilà, Tencent se place devant Sony et Microsoft, hein, qui ont respectivement gagné 6 et 5 milliards de dollars grâce aux jeux vidéo. Voilà, tout ça tient compte que des jeux vidéo, hein, pas des consoles. Donc voilà, c'est la petite précision intéressante à faire. Donc la PS4, on l'exclut et on regarde juste les jeux vidéo et les jeux vendus sur la PS4 par Sony. Bah voilà, ça a plutôt bien marché. Ça a quand même donné 1 milliard de plus à Sony par rapport à Microsoft. Nintendo, bah quand même au niveau des éditeurs, ils sont dans le top 10, on va dire, mais on voit les chiffres quand même diminuer de 13% par rapport à ceux de 2013. Le chiffre d'affaires s'établit à 2,1 milliards de dollars et Nintendo se place donc derrière King, derrière le créateur de Candy Crush Saga. Ouais, donc ça fait un peu mal au fion. Ouais, moi j'ai vu la news, j'ai fait ah OK. Donc voilà, Nintendo en tant qu'éditeur gagne moins d'argent qu'un King avec Candy Crush Saga. Bon, et ouais, puis, après, on pourra en reparler sur le long terme. Oui, on pourra en reparler sur le long terme. C'est sûr qu'on verra dans 100 ans qui sera encore là. Mais bon, on peut quand même noter aussi la belle position d'Apple et Google, puisqu'ils gagnent beaucoup d'argent avec le jeu vidéo Apple et Google, hein, pour ceux qui ne le savent pas, puisqu'ils touchent un pourcentage sur chaque jeu vendu dans leur système d'application. Je crois que c'est 30% qu'ils touchent. Hein, donc, Apple, Google, je ne sais pas. Ouais, je pense que c'est la même chose, hein, honnêtement. Ils se classent quand même juste derrière EA et Activision Blizzard, donc avec 3,2 milliards de dollars pour la marque à la pomme et 2,6 pour Google. Donc ils gagnent quand même pas mal d'argent avec ça, et puis ça confirme aussi juste que bah voilà, effectivement les iPhones permettent aux éditeurs de gagner plus d'argent que les systèmes Android. Hein. On avait déjà parlé du système du problème de piratage sur les systèmes Android. Et enfin, dernière petite note, c'est le français Ubisoft qui vient occuper la 10e place du classement, voilà, avec 1,8 milliard de dollars de chiffre d'affaires. Donc cocorico, j'ai envie de dire, mais bon, Ubisoft... Est-ce qu'ils sont encore français? Ouais, on a toujours un peu de mal avec leurs jeux ou leur politique de finition des jeux parfois. Donc ça dépend des jeux. Ça dépend. Mais bon. Voilà, dixième okay. L'éditeur français. Merci Grégoire. Julien, tu voulais faire un point sur les conférences de l'E3. Ouais, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est dans un mois, c'est l'E3. Donc là, moi, je suis tout excité par l'E3. Donc forcément, comme avant chaque nouvelle itération. Donc on a appris en fait qu'en plus des conférences traditionnelles donc de Sony, Microsoft, Nintendo, Ubisoft et Electronic Arts qui sont présentes chaque année, cette édition 2015 réservera quelques surprises côté conférence. Mmh. Alors on savait déjà que Bethesda, ouais, c'est Elder Scrolls, Fallout pour leurs licences les plus connues, tiendrait une conférence. Eh bien, on a appris qu'il y avait deux conférences supplémentaires qui s'étaient greffées sur la programmation des conférences. Manier. D'abord Square Enix. Ok. Donc pour le coup, on ne devrait pas y voir FF15. D'accord. Apparemment, mais bon, on verra sans doute du Deus Ex, peut-être du Tomb Raider en plus de ce qu'on verra chez Microsoft. Et plus surprenant, en fait, on aura une conférence qui est dédiée au PC, qui est intitulée PC Gaming Show. Tiens, voilà, donc, c'est un nouveau truc, ça. Ouais, c'est en fait, parmi les invités, il y a des noms quand même comme AMD, Blizzard, Bohemia, donc c'est DayZ, Cliff Bleszinski, le papa de Gears of War, qui va revenir avec son projet Blue Strike. On a Devolver, bien connu, on avait parlé pour Hotline Miami. Mm-hmm. Paradox Interactive, donc Cities Skylines, je ne sais pas si tu en avais parlé un petit peu. Ouais. Mm-hmm. Square Enix aussi, bon, qui fera sa propre conférence, mais qui sera aussi présent pour la conférence. C'est cool, PC. Une conférence spéciale, ouais. PC, dis donc, c'est une bonne orientation pour E3, ça. C'est, voilà, c'est, je suis content. Que, c'est vrai que souvent, il y a eu plein d'éditos alarmistes à certaines époques sur la mort du PC, un peu comme la mort de Nintendo, c'est toujours des marronniers, un peu comme je sais pas, les sectes, les Illuminati, qui sont-ils, où vont-ils, mais ça préfigure peut-être d'une certaine fusion entre console et PC au niveau des gaming. Comme je sais pas si on peut aller. Là, c'est vraiment une PC Gaming Show, donc ça devrait être que sur le PC. Ça remet le PC en lumière, mais on a l'impression que moi, je trouve au niveau des architectures, Valve, comme ça, tendance à se rapprocher les uns des autres. Tu vois. Est-ce que Valve sera présent? Tu les as dans les listes là? Je les ai pas là, je sais pas s'ils seront présents. Ils sont toujours, je sais pas s'ils seront là. Mais non, pour le coup, ça, peut-être enfin, on va peut-être arrêter de voir des trailers bullshit sur les conférences des consoles. Avec des trailers qui ne tournent pas sur nos machines, mais qui tournent sur des PC. Oui, de la c'est NASA. Bien une Xbox cachée dans, dans l'armoire, mais on ne peut pas vous la montrer. Ah oui, ce Witcher 3, il tourne bien sur Xbox, là, avec tous les trucs en 60 FPS. C'est ça. Ouais. Donc, non, c'est plutôt assez curieux de voir ça aussi. C'est bien, à la fois la forme que ça va prendre et ce qu'ils vont montrer et comment ça va être fait par rapport aux conférences consoles traditionnelles. Donc il va y avoir beaucoup de conférences à suivre. Oui, c'est clair, dis donc. Je suis étonné. Beaucoup de retours, il y aura beaucoup de travail. Ah, putain, je sais pas comment on va faire pour. Il va falloir qu'on réfléchisse à comment on va parler de tout ça. Mais bon, on vous tiendra au courant en tout cas. On essaiera d'être exhaustif au maximum. Ouais, tout en gardant la substantifique moelle. Parce que si on est exhaustif, on en a pour la nuit. Grégoire, tu voulais revenir sur Ouya? Ouais, rapidement, puisque j'en avais parlé à la fin de l'année 2014 avec les difficultés d'Ouya qui cherchait un petit peu un acheteur, et il y avait Alibaba, je vous avais parlé de ça, qui avait investi 10 millions de dollars dans la jeune entreprise. Ouya, je rappelle que c'est la micro-console sur Android, vendue environ 130 euros en Europe, qui avait fait un gros buzz sur Kickstarter en 2013, qui avait récolté plus de 8 millions de dollars sur les 950 000 demandés. Donc voilà, une console sous Android, tout simplement. Là, a priori, Ouya est à nouveau en proie à d'importantes difficultés financières. Donc les 10 millions de dollars de la fin de l'année 2014, il y a quelques mois, n'ont pas suffi à aider Ouya, puisque Ouya serait apparemment dans l'incapacité de régler ses dettes dans le temps imparti par ses créanciers, dont le cabinet Triple Point Capital. Donc là, on va dire que l'avenir est très très sombre pour la Ouya, voire est-ce que c'est la news de la fin de la Ouya en fin, comme Monéo. Un peu comme Monéo. Monéo et Ouya, même combat. Voilà. Et ça sera tout pour moi. Julien, tu nous avais parlé du départ de Dessilier de Ubisoft. Là, oui, Patrick Dessilier, j'en avais déjà parlé, c'est le créateur d'Assassin's Creed. Ouais. J'avais parlé de ses déboires chez Ubi, puis chez THQ, puis de nouveau chez Ubi, puisqu'il était revenu quand ils avaient racheté les studios de THQ. Et en fait, on savait qu'il travaillait sur un nouveau titre avec son tout nouveau studio qui s'appelle Panache Digital Games. Et bien en fait, Dessilier a profité de la Reboot Develop Conference de Dubrovnik, en Croatie, pour présenter son nouveau jeu qui s'appelle Ancestors The Humankind Odyssey. Voilà, il faudra retenir le titre, c'est un peu comme le Deus Ex Mankind Divided. Ouais, que je trouve plus simple. Ouais, c'est vrai. Alors, ce qu'on a appris, on n'a pas appris grand chose, mais on a appris que ce serait un jeu d'action-aventure à la troisième personne. Ok. Voilà, ça vous évoque quoi? Assassin's Creed. Un format pour le coup épisodique. Ça vous évoque quoi? Non, ça vous évoque. Non, c'est épisodique, c'est-à-dire qu'il serait. Ah oui, pardon. Pour le coup, là, pas pour le coup. Un jeu en dématérialisé avec une dimension survival. Et l'idée, c'est de faire revivre les plus grands moments de l'histoire de l'humanité aux joueurs. Donc là, ça rappelle encore Assassin's Creed, hein, qui n'est pas créateur d'Assassin's Creed pour rien. Donc pour le coup, c'est assez. Moi, je trouve ça plutôt intéressant de voir ce qu'il va faire et l'air de revenir vers un format épisodique, dématérialisé. Est-ce que ça va être des choses très très courtes? Et surtout que si on parle d'événements comme ça historiques, ça peut être intéressant. Moi, je trouve que c'est bien de nous projeter dans l'histoire de l'humanité, mais après, on a quel rôle? Est-ce que c'est toujours le même personnage qui voyage dans le temps? Voilà. C'est rien du tout pour l'instant. C'est ça qui. À suivre. C'est juste qu'il a annoncé le nom. Je pense qu'il sera plus à l'E3. Ouais, à l'E3, peut-être. Ok, en tout cas, ça me titille. Ça. Ouais, j'ai une dernière news. Vas-y. Donc, je vais vous parler de Playism. Alors, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Playism, ça parle pas forcément. En fait, c'est un label japonais qui édite des jeux indépendants qui viennent du Japon essentiellement, mais ils ont aussi des jeux qui viennent un peu ailleurs du Japon. Ils s'étaient aussi occupés de sortir des jeux occidentaux au Japon. On peut penser à Machinarium, qui est un jeu qui est disponible sur les stores, qui est disponible sur PC, qui est un point and click plutôt sympa. Et en fait, il y a un an, ils ont passé un accord avec Sony pour porter quelques titres sur PlayStation. Et en fait, là, on a appris qu'une partie de leur catalogue, qui est dispo déjà sur Steam, allait sortir sur PS4 et sur Vita aux États-Unis et en Europe. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle de voir les jeux indépendants japonais qui sont en fait... c'est une scène qui est quand même assez vivace au Japon, mais qui n'est pas très très connue en Europe. Qui s'exporte mal, Donc là, au programme, il y a des jeux comme Torque L, Primastic Solid, Mitsurugi Kamui Itake, Crawler Sigma, Astebreed, Revolver 360 Reactor. Voilà, donc par acquis de conscience, j'ai quand même regardé tous ces trailers. C'est surtout, il y a du shoot, il y a du beat'em all, il y a des choses vraiment très très japonaises. Alors c'est pas très très joli, mais après faut voir ce que ça donne. Il y a pas des très très bons retours. Hein. Ouais, il y en a qui t'ont tenté toi, tu vas acheter ou c'est plutôt... Surtout, je crois que c'était Astebreed qui est un shoot, voilà, qui a l'air plutôt sympa. Maintenant les retours, puisque les jeux, je disais, sont disponibles sur Steam, sont pas très très bons. Ouais. Bon. C'est plus ce que je voulais souligner, c'est plus le geste de sortir un peu. C'est intéressant. Le jeu vidéo indépendant japonais, un peu de. Bah, du Japon. Ouais, mais surtout parce que t'as des pays qui sont presque plus mis en avant que le Japon, qui est quand même un des grands pays du jeu vidéo. Et sur le jeu vidéo indépendant, on n'entend pas tellement parler. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt intéressant que ça sorte en Europe aux États-Unis. À suivre. Bon, on va tout de suite passer un peu à la rubrique critique et conseil. Et c'est parti pour cette dernière rubrique critique et conseil. On va revenir un peu sur un DLC pour Mario Kart 8, dont on a déjà un peu parlé, Julien. Bah, on en a déjà un peu parlé, mais c'est juste pour donner notre avis sur le DLC. Notre avis définitif. Un peu listé. Donc juste pour rappeler, le DLC, c'est le deuxième DLC qui est sorti là en avril. Il y avait eu un premier DLC en mai. Là, c'est le même principe, c'est-à-dire qu'on a trois personnages, donc le villageois, villageoise, puisque les deux sont jouables, Marie, donc de Animal Crossing. Le premier DLC était consacré à Zelda. Ouais. Et en plus, on a le Bowser squelette, donc le Bowser qui est tombé dans la lave. Ouais. On a des nouveaux véhicules, donc notamment, moi, celui qui me fait beaucoup rire, c'est Autorino. Voilà, Autorino, ce nom, ouais. J'avais déjà dit, voilà. Le Magic Kart, un scooter et Malécycle. Et puis on a aussi une roue, je crois, et des feuilles. Ouais, une roue, le truc. On s'en fout. Voilà, ce qui est surtout important, c'est les 8 nouveaux circuits qui sont répartis en 2 coupes. Donc d'abord la coupe Crossing, hein, donc la coupe liée au DLC Animal Crossing, donc, qu'on pourrait appeler aussi coupe feuille, hein, moi je l'appelle coupe feuille. Dedans, on a d'abord le parc Baby. Ah, alors qu'est-ce que c'est le parc Baby pour ceux qui ne connaissent pas? C'est un tout petit circuit qui est une... Alors c'est quoi? C'est un ovale. Ouais, c'est un ovale, une sorte de donut aplati. Donut aplati, ouais. qui fait 7 tours et qui se fait totalement là pour le coup en antigravité. Ouais. Donc, c'est-à-dire qu'on peut se rentrer dedans. On peut se taper les uns dans les autres pour aller plus vite. Donc c'est un circuit qui était très demandé par les joueurs. Attends, le meilleur circuit, c'était sur quoi? C'était sur Double Dash GameCube. Ouais. C'était le meilleur circuit. Ouais, moi je crois aussi. Alors moi je le trouve un peu trop aléatoire, hein. C'est quand même c'est-à-dire comme c'est le seul circuit où tu prends un tour, à un moment tu sais plus qui est premier, qui est deuxième. Oui, c'est ça qui est génial. Tu sais plus qui t'envoie des choses tout le temps. Moi j'adore, voilà. Tu rattrapes le septième, les carapaces qui se baladent sans arrêt, quoi. C'est génial. Ah, voilà. Sans arrêt des carapaces. Mais tu rattrapes le dernier tout de suite, c'est génial, quoi. Au bout d'un tour, tu es déjà devant lui, c'est génial. Par contre, apparemment sur GameCube, tu pouvais tirer des carapaces depuis le terre-plein central, en fait, de chaque côté, apparemment. C'est ce que j'ai jamais essayé, hein. Là tu peux pas le faire. Ah oui. Ouais. J'en doute. Donc ouais, c'est un circuit quand même assez fun. Ah, il est très fun. C'est le fun avant tout, ouais. Celui-là. Par contre, j'étais surpris de voir qu'il n'était pas disponible sur le mode ballon. Ah, j'essaye pas le mode ballon. Je me suis dit, le mode ballon. Ouais, j'étais assez ouais, mode ouais mais tu ballon. Dis un circuit comme le parc Baby, c'est quand même. Ah, bah là, c'est le truc du mode ballon, ça. Ouais. Oui, mais dans le mode ballon, tu peux pas te cacher dans un circuit comme ça, tu vois. Ouais. Non, mais tu te disais, tu peux te courir après, ça fait. Oui, c'est vrai. En même temps, ça irait vite. Hein. Oui, voilà, mais ça serait un gros défouloir, quoi. C'est vrai que t'aurais pu être sympa. Là, ils auraient pu faire plus que 7 tours, même presque. Ça va très très vite. On va faire les 24 heures du parc Baby. Et tu tournes. Tu vois. Et pour le coup, certains avaient peur que ça fasse un peu doublon avec Excitebike. Oui, c'est vrai qu'elle sort. C'est pas la même chose, non. Comme Excitebike, t'es beaucoup sur les boss. Ouais, les boss, celui-là, c'est très beaucoup long. Sur l'antigravité quand même. Ouais. Et puis c'est un ovale, enfin, oui, c'est un ovale, mais hyper allongé avec Excitebike. Alors que là, c'est très, très, très court. Ouais, là, quand tu le fais en 200cc, c'est quasiment c'est torché en 1 minute 30 en 200cc. Ah ouais, pas long. Mais alors, le 200cc, moi, je l'ai pas vu. Il faut faire quoi pour le début? Il faut finir en parler après. Je vais en parler après. Ok. Moi, je ne l'ai pas non plus. Hein, donc, toujours, ouais, un circuit que j'aime beaucoup, c'est Pays Fromage. Alors, raconte-moi celui-là. Attends, Pays Fromage, alors pour le coup, c'est une sorte de désert, un peu comme désert sec-sec ou désert tout sec, donc il est assez moche. Par contre, moi, je trouve le tracé vraiment excellent avec les dénivelés, les montées, les descentes. Il y a deux raccourcis qui sont excellents. Il y en a un où il faut que tu sautes, là. Ouais, tu passes sur le côté droit et tu dois ralentir, puis après, tu gagnes du temps. Soit tu as les champignons et, non, soit t'as des champignons et tu le passes comme ça, et après tu as un passage en avec des ailes en parachute. Voilà. Ouais. On a de la plane. Voilà, moi, certains l'aiment pas trop, mais je le trouve vraiment bien technique. Je le trouve pas très beau. Très bien. Mais bon, non, il est pas très beau. Je l'ai pas exploré encore beaucoup celui-là, tu vois, je l'ai fait genre une fois, j'ai pas vu même les raccourcis ni rien. Ouais. Un nouveau circuit qui s'appelle Passage Feuillage, pour le coup, qui ressemble un peu à comment il s'appelait déjà, Cascade Mascasse. Oui. Tu voyais pas que c'est celui avec, avec si, les masques. Si, je vois laquelle c'est, qui est très sympa. Ouais. Alors là, moi, je l'aime bien comment celui-là. Il est très, très beau avec Animal Crossing. C'est peut-être le plus beau visuellement. Par contre, le tracé est un peu moyen. Enfin, ouais. C'est pas un... Après, il se prête bien aux 200cc dont on parlera tout à l'heure, Stan. Mais pour le coup, je trouvais que c'était plutôt un circuit assez sympa. Vous n'avez pas trop. Il est tortueux, non? C'est celui-là qui est assez tortueux. Il y a un passage un peu plus tortueux avec les toboggans à eau. Oui. Ah oui, non, je vois, d'accord. C'est pas violent non plus. Hein. Non. Enfin, c'est pas. Après, moi, je l'ai pas fait en 200, hein, mais bon. Non, mais c'est pas un circuit qui a un tracé quand même très technique. Non, ça va. Dernière course de cette coupe, c'est Animal Crossing. Donc là, ce qui est pas mal, c'est que c'est une nouvelle course sur 4 saisons. Alors moi, j'ai eu qu'une seule saison. Ah bon? Ouais. Mais alors, moi, c'est ça ma question. C'est 4 saisons, c'est en temps réel? C'est aléatoire. Non, c'est aléatoire quand tu commences. J'ai toujours eu la même. Moi aussi. Me suis dit, vivement cet été, vivement cet hiver que j'y rejoue, quoi. Non, c'est. J'ai toujours eu l'été, moi. Enfin, ou le printemps, je sais pas parce si c'est que pour l'anecdote, c'est le circuit préféré de ma fille, hein, donc il y a 4 ans et demi, qui le met tout le temps. Donc en fait, elle peut faire une coupe où elle met les 4 circuits, et donc ça change à chaque fois. Par contre, elle a printemps, donc je sais pas, peut-être que. Peut-être qu'en compétition, championnat, c'est tout le temps printemps, mais que. Vraiment... Non, ça change. Ah mince. T'as automne, hiver. Je me suis dit, ça sera un bon moyen de nous forcer à rallumer le jeu. Ah ouais, t'as eu que le printemps. Ou été, je sais pas lequel c'est, mais. Je sais que automne, c'est le plus beau, hein, et vraiment magnifique. Moi aussi, j'ai eu toujours que la même saison. C'est nul. Je me suis dit que ça aurait été sympa quand même, tu vois, ça t'oblige à rallumer ta console toutes les saisons. Ah ouais, que ça soit en temps réel, vraiment. Comme Animal Crossing, tu vois, c'est un DLC Animal Crossing. Ouais, ça aurait pas été mal. Tu t'aurais pu jouer la nuit. La nuit et tout, ouais, ça pas mal bien, ça. Oh. Oh là là, Nintendo, on vous contacte. On va breveter l'idée, tiens. Ça a été compliqué en ligne entre les gens qui sont ouais, c'est vrai. Au Japon et là, tu mets un coucher de soleil. Non, mais ça regarde ton horloge interne. C'est ouais, ça aurait pu. En local. Oui, ça aurait été en local, oui, c'est vrai. C'est comme quand tu parles, quand tu envoies des messages. Là. Bah oui, je joue au gyroscope. C'est adapté selon les. C'est quoi ça? Oui, les gens le voient pas marqué, je joue au gyroscope en français. Tu t'as pas ça, tu joues pas en ligne? Non. Et ben en ligne, en fait, tu peux mettre des phrases toutes faites. Tu veux dire j'ai le track sur Nintendo là? Ouais, en online pendant du coup, en fait, les gens la voient dans leur langue natale, logiquement quoi. En fait. Ah oui, moi j'ai personne quand même déjà. J'ai pas d'amis. Mais là, tu vas en ligne. Même vas... sur les gens que tu connais pas. Ah oui, non, ah, bah, Mario Kart en ligne. Remettons ça, c'était une belle partie. Je ne tiens plus en place et surtout, je joue au gyroscope que tout le monde utilise, même si je joue pas au gyroscope. C'est-à-dire quoi, je joue au gyroscope? Ah oui, je joue comme ça. D'accord. Ce qui est faux en plus. Oui, ce qui est faux. Parce que tu le vois, je crois, sur leur manette. Il y a un indicateur. Un petit icône. Faut que tu essayes en ligne, Stan, parce que Mario Kart, ça prend son essence là. Ouais. C'est monstrueux, hein. c'est des gamers les mecs. Mais je suis pas bon, donc je vais pas jouer en ligne pour l'instant. Si t'es bon, arrête un peu. Non mais il faut que je m'améliore. Le mec. Ah mais tu t'en fous, tu vas, c'est le fun. Bon bref. Pour le coup, Animal Crossing le circuit, moi je le trouve un peu trop en sage au niveau du tracé. Oui, je l'ai trouvé assez. Moi, par exemple, en termes de fan service, j'avais plus aimé celui de Zelda. Bon, ouais. Je suis pas un gros fan d'Animal Crossing, mais je l'ai pas trouvé exceptionnel. On se fait un peu chier en fait. On se fait un peu chier. Par contre, il est très, je le trouve très beau. La musique est excellente. Ah, la musique. Il a un côté assez reposant. La musique dans Mario Kart de toute façon. Ouais. Bah voilà, c'est reposant, c'est le côté poli de dire on se fait chier. Ouais. C'est ça. Merci. Ouais, rapidement sur la coupe clochette, on a le retour de Koopa Police, qui est un circuit très technique, notamment la dernière épingle qui est quand même assez balèze à prendre, notamment en 200, avec un très bel effet de pluie. Donc moi, je le trouve, c'est sympa d'avoir un circuit qui est plus technique. L'effet de pluie m'a fait plaisir. Ah, c'est celui-là, donc je pense que c'est l'effet de pluie aussi, j'aime bien. Ouais, Koopa Police, qui soit plus qu'un autre nom d'ailleurs, qui est plutôt un circuit vraiment intéressant, vraiment très très dur hein, quand même. Déjà sur 3DS, il était bien balèze. On a un de mes préférés, moi, c'est la route Ruban, qui était sur Game Boy Advance. Qui ressemble un truc à la Toy Story, quoi. On dirait Toy Story. Très bien fait, très, très sympa. En plus, avec les ondulations de la piste. Ouais, tout ça. Le tracé est vraiment excellent. Il faut faire plaisir dans celui-là. Il y a plein d'easter eggs. En plus, on peut tomber. Il y a deux raccourcis aussi qui sont très sympas. Et il y a plein d'easter eggs, notamment un Yoshi peluche. Hein, c'est vrai. Là, Yoshi Land. J'ai pas vu. Non, j'ai pas vu. Il y a un bleu et un vert. J'étais concentré sur le circuit. Et il y a plein de trucs. Voilà, si vous regardez un peu les vidéos de Game Explain, ils montrent un peu tous les trucs. Ils ont grossi à 100 fois pour voir tous les trucs. C'est assez génial. Il y a un nouveau circuit qui s'appelle Metro Turbo. Visuellement, moi, je suis pas dingue de ce circuit. C'est un peu entre Égout Piranha et Promenade Toad, qui était un peu à San Francisco, là où tu commençais. Ou même l'aéroport aussi. Là. Ouais, un peu dans l'art urbain, quoi. Par contre, le tracé est assez sympa. Ça ressemble un peu à Route Glaglas. Là, avec plein d'embranchements, donc tu es dans les couloirs du métro, donc tu peux soit passer sur le métro, soit par les rails, sur des côtés. Est-ce qu'il y en a un peu rapide? Est-ce qu'il faut passer sur le métro, prendre les. Tu vois, moi j'évite le métro pour éviter de me le prendre en pleine face. Oui, tu peux aller sur le toit du métro aussi. Tu peux aller sur le toit du métro. Tu sautes et il y a un petit accélérateur sur le toit du métro, mais tu peux passer sur les extérieurs. Moi j'ai fait un peu les extérieurs, moi. Voilà, bon, j'ai pas trouvé qu'il était vraiment génial ce circuit. Ouais. Après, un des meilleurs, c'est peut-être Big Blue. Donc un nouveau circuit encore issu de F-Zero. Donc on avait eu Mute City dans le précédent DLC. Là, c'est une seule ligne droite en plus, enfin, façon de parler. C'est une descente à la descente givrée. Voilà, il n'y a pas de tour, quoi. Il n'y a pas de tour. Ça, j'adore. Il est génial, ce circuit. Peut-être un peu court. par rapport à la descente givrée. Ouais, il va vite, on va dire, en fait. Par contre, il est assez varié. Il y a les toboggans à eau, il y a des zones d'accélération, ralentissement. Est-ce il y a que sur Super Nintendo, il y avait de l'eau simulée, avec les possibilités de la Nintendo 64 sur F-Zero? Sur F-Zero. Je sais pas, j'ai rejoué sur Wii U. Je me demandais si on passait pas sur des surfaces qui étaient supposées être bleues. C'était bleu, ouais, si t'as raison. C'est possible. Je me suis posé cette question en voyant le truc. Je me suis dit, ah, peut-être qu'il y avait ça sur les Super Nintendo et qu'on voyait pas, en fait. Peut-être. Ouais. Donc, si on parle du 200cc. Ah. Alors, qui a fait le 200cc? Bah, toi. Dim, je crois. Ouais, pareil, ouais, j'ai essayé. Ouais. Moi, je me suis dit que c'était une arnaque parce qu'il n'y avait pas le 200cc. Ouais, moi aussi. Ouais, parce qu'il faut d'abord débloquer, bah, oui. Il faut avoir toutes les coupes en or, je crois, sur le 150. Voilà, et là, c'est le drame. Bah, je crois que, parce que j'en ai qu'une. Non, moi, quand je les veux, je les veux les 3 étoiles. Bah, moi aussi. Ah, oui, mais t'es pas obligé d'avoir les 3 étoiles. Ah, mais moi, j'ai. Ouais, non, mais ça, non. Tant que j'ai pas les 3 étoiles. Tant que moi aussi, j'annule, je leur fais. Donc, je sais pas, Dim, t'as pensé quoi alors du 200cc? Bah, enfin, moi, déjà, j'ai pas le jeu. Je l'ai essayé chez un pote, et donc, je suis pas non plus un expert, quoi. Et bah enfin voilà, j'étais trop nul, quoi. Déjà qu'en 150 voire en 100, je suis pas non plus super bon. Et voilà quoi, enfin, comme toi moi. Qui as l'habitude de jouer en 200cc, t'arrives quand même à contrôler le kart, ou alors je trouve ça vraiment moins gérable, quoi. Ça dépend vraiment des circuits. Déjà c'est vrai que il y a vraiment des vraies sensations de vitesse pour le coup, c'est vraiment très rapide. On va dire qu'il y a des circuits qui posent plus de problèmes, notamment je pense au Stall Wario. Parce qu'en fait, t'as pas du tout les mêmes repères. C'est-à-dire, quand t'as des accélérateurs, tu vas tomber beaucoup plus loin. Donc, toute la façon dont tu te dérapais à l'atterrissage, tu vas être un peu plus loin. Donc, tu vas être obligé soit de lâcher l'accélérateur, soit de freiner. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, quand tu réaccélères, tu peux déraper beaucoup plus vite. C'est-à-dire, quand t'es en 150 et que tu tombes dans un trou et que tu réaccélères, il te faut un petit temps pour pouvoir relancer ton dérapage. Si tu joues avec les dérapages, ouais. Oui, ouais, ouais, enfin, si, c'est obligatoire. Même, mais il y a des gens, moi j'ai déjà vu un truc de Marcus où il savait pas déraper. Oh là là, mais c'est Marcus. Je suis un noob, mais le ça... pire, tu sais, il y a des trucs d'accélération avec des pylônes, là, des espèces de petits plots pour te faire accélérer. Et il disait, ouais, ça faut les éviter. Ah oui, les bumpers. Génial, c'est parce qu'il avait pas assez joué, c'est pas possible. Quand même. C'est la base. Non, mais quoi. Surtout la base du dérapage. Enfin, la personne qui joue sans déraper à Mario Kart, c'est une fille de 4 ans et demi, quoi. Tu peux pas gagner, hein. Enfin, je veux dire, même en 100, je suis pas sûr que tu puisses gagner sans dérapage. Ouais, alors, je sais pas, mais. Même quand tu vois des let's play sur YouTube, il faut que tu sois sur place, même dans les lignes droites. Oui, ça, c'est une nouvelle technique. Ouais, alors, ça. T'as le firehopping à l'époque et le nouveau. C'est, je sais plus comment ça s'appelle, mais je l'ai essayé, c'est ultra dur à faire. C'est chiant, il faut tout le temps déraper. Non, il faut changer de direction juste avant de retomber. Et quand tu fais ça, c'est une sorte de snaking, en fait. C'est un snaking encore plus difficile. Ouais, c'est, avant ça s'appelait le snaking, là c'est le firehopping. Firehopping, voilà, c'est ça. Et c'est très très difficile à maîtriser. J'ai réussi une fois sur 10 mètres après, mais il faut le tenir tout le temps. Ouais, alors en fait, pour le 200, moi j'ai commencé le 200, donc sur la première coupe, j'ai réussi les 3 étoiles parce que les circuits sont quand même assez larges et n'ont pas des difficultés énormes. Par contre, tu prends un circuit, je sais pas, comme Coupa Police, dont on parlait tout à l'heure, tu prends Yoshi. Donc, là, alors le Yoshi, je l'ai fait. Le Yoshi, il est affreux. Mais alors en ligne, moi j'ai fait une session d'à peu près 2 heures en 200cc avec des joueurs, tu vois, qui étaient au-dessus des 10 000 points. Ouais, laisse tomber, des gros boss. C'est l'orgie, enfin, tu es dans tous les murs, mais en même temps, c'est un peu le cas pour tout le monde. Hein. Parce que t'arrives, tu connais pas forcément encore toutes les pistes, donc faut vraiment changer ta façon de jouer. Moi, j'ai changé mon kart, je prenais un gros, je jouais avec Donkey Kong, donc j'ai arrêté les gros, je prends un Mascas. Ah bon, qu'ils sont... Putain, moi aussi, je joue en gros. Bah, ça dépend. Moi, à l'époque, je mettais très peu d'adhérence, pourtant, très peu de maniabilité. Sont plus lourds, normalement, ça peut être mieux pour le 200, non? Bah, non, parce que moi, je prenais un personnage qui avait, ou un kart qui avait très peu d'adhérence et très peu de maniabilité. Normalement, c'est les plus rapides en. Voilà, c'est les plus rapides en kart, c'est gros. Pas en accélération. Oui, mais tu accélères. De pointe. Voilà, justement, là, tu n'accélères pas dans Mario Kart, tu accélères une fois. Mais là, comme tu es obligé parfois de relâcher, de freiner, si tu as peu d'accélération et tu as tout mis sur la vitesse et peu d'adhérence quand tu vas arriver sur des virages très serrés, parce que moi aussi, c'est hyper compliqué. Je prenais pneus lisses, personnages lourds. En fait, il ne faut pas faire ça, il faut changer tout. Ouais, moi, j'ai changé, je suis parti à un truc plus équilibré avec un masque-casse, donc plus léger. Donc, je m'en sors un peu mieux. Maintenant, tu prends des murs, hein, tu as l'impression de jouer. Moi, j'aime bien jouer avec les babies. Ouais, bah là, tu pourras t'en sortir avec les babies. C'est très léger, ça, quand même. Ouais, mais j'aime bien. Je me dis peut-être que. Mais en vitesse d'accélération, ils sont super. Ouais. Peut-être que ça pourrait avantager les motos. Moi, je suis pas du tout un joueur de moto. J'aime pas les motos. Non. J'aime pas la sensation de dérapage. Trahison. Ouais, mais au moins, là, tu peux prendre des angles un peu plus serrés. Oui. T'es pas obligé de déraper. Tu peux vraiment les couper. Donc, tu te dis peut-être qu'en 200, ça peut être plus sympa. Donc voilà, après ça dépend vraiment des circuits. Il y a des circuits, ça va être vraiment l'enfer. D'autres, c'est sympa. Tu prends les premiers circuits, tu te balades et t'as vraiment. Je trouve que sur toutes les parties dénivelées, ça donne une super sensation de vitesse. Question piège. Selon toi, Julien, est-ce que les circuits ont été pensés dès l'origine pour le 200? Ah, c'est marrant, on se posait la question. Moi, je pense que non, fatalement, parce que il y a des circuits qui sont trop vieux. Pour moi, les circuits à l'époque de la GameCube, tu vois, des circuits comme le Yoshi, parle des circuits, le Stade Wario, qui est fermé, qui est une sorte de, un peu comme un truc enclavé. Mais même dans les nouveaux. Les premiers nouveaux, on va dire. je suis pas sûr que tous aient été pensés dans 206. Bah, je trouve que ces derniers temps, par exemple dans le DLC, tu avais quand même des circuits très très larges avec un peu moins de difficultés. Par exemple, le circuit d'Hyrule, là, il est quand même moins compliqué. Facile, lui, oui. Même Mute City, c'est quand même bien pour le 200. Mm. Tu as l'impression que là, ces derniers temps, et même à l'époque, ils avaient ouvert les pistes parce qu'ils voulaient faire 12 joueurs. Donc ça, c'était aussi une volonté. Et c'est vrai qu'en ligne, beaucoup de gens se plaignaient, mais en ligne, quand t'es à 12 et que t'es au premier virage et t'imagines des pistes aussi serrées qu'à l'époque de la Super Nintendo, bah, c'est juste impossible. Hein. En plus, là, tous les gros t'éjecteraient. Et des fois, je trouve les trucs de collision dans Mario Kart, c'est un peu du petit bonheur la chance. Des fois, t'es éjecté. Des fois, il y a un mec qui te rentre dedans, t'as plus de pièces, tu comprends pas pourquoi ça te fait déraper. Donc voilà, je pense qu'ils ont aussi cherché à ouvrir. Moi, j'ai joué quand même 2-3 heures en ligne sur le 200. C'est très sympa. Maintenant, c'est une autre façon de jouer. Alors, faut le maîtriser, ça change tes habitudes. Alors c'est pas forcément une mauvaise chose, je trouve, hein, mais. Bah c'est bien, ils ont réussi quand même avec un seul DLC à relancer l'intérêt d'un jeu complet avec une nouvelle façon de jouer, quoi. Donc moi je trouve que c'est un bon DLC. Quand même. Faut voir sur la durée si les gens vont rester sur le mode 200. Moi, je pense que oui. Moi, la dernière fois, je suis arrivé. C'est comme retourner en 50 une fois que tu es dans 150. Ah ouais, c'est ça. Chier. Ouais, c'est ça. Ouais, mais comme là, c'est un peu différent. Autant quand tu passes du 150 au 50, là, tu te dis, putain, ça se traîne et t'avances pas. Mais t'as toujours les mêmes réflexes. Tu joues un peu toujours de la même façon. C'est vrai. T'as toujours tes mêmes. T'anticipes les virages de la même façon, tes dérapages. Alors que là, t'es vraiment obligé de changer ta façon de jouer et presque d'utiliser le bouton de frein. Donc, après, apparemment, il y a des gens qui arrivent avec le pouce à mettre à la fois le bouton de frein, le bouton d'accélération et doser. Pour pouvoir lancer leur dérapage et arriver un peu moins vite, mais toujours en dérapage. Parce que la difficulté, c'est quand tu arrives en dérapage, si tu enlèves l'accélérateur ou le bouton ou tu utilises le bouton de frein, tu pourras plus déraper. Donc tu vas prendre le virage normalement et tu vas presque t'arrêter. Et des gens qui vont taper les murs vont aller plus vite que toi quand essayer de freiner. Quoi. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais pas que le frein agissait sur le dérapage en fait. Ouais, ça agit sur le dérapage. Mais comme je te disais, tu repars beaucoup plus vite. Ouais. Donc tu peux beaucoup plus vite déraper. Alors après, c'est un équilibre à trouver. Des vraies techniques de conduite là. Mais je peux te dire que moi, quand j'ai joué en 200 online, je tapais les murs. C'est-à-dire qu'à un moment, je me disais, je vais pas freiner, autant taper les murs, il y a des mecs qui vont se planter et tu vas peut-être réussir à finir 6ème au lieu de 8ème. Donc pour l'instant, c'est un peu au petit bonheur à chance de ce que j'ai pu essayer. Mais les gens vont s'habituer, ouais. Ouais, après, je pense que tu vas sur internet, t'as déjà des gens qui font des temps de fou sans toucher. Mais faut télécharger les fantômes là. Ouais. Il va falloir retourner les fantômes, voir ce que c'est. Ouais. Donc en tout cas, comme le premier, c'est un très bon DLC, c'est pas très cher, c'est 8 euros seul et 12 euros pour les deux. Je crois que t'avais acheté les deux, toi. J'ai les deux, ouais. Ouais, ouais. Bah, moi aussi. Honnêtement, c'est une bonne affaire. Ouais, avec les Yoshi et les deux, ça sert à rien. Ça fait 16 circuits, 8 euros. Donc la moitié d'un Mario Kart complet pour 12 euros. Et puis des bons circuits, le mode 200, enfin non, franchement, ça vaut le coup. C'est un jeu, on se marre vraiment bien quand même. Moi, je les vois bien annoncer encore d'autres DLC avant la fin de vie de la Wii U. Si seulement. Peut-être à l'E3, on verra. Si seulement. Bon, enfin, c'est bien, ça relance vraiment avec un. Ouais, ça relance. Ouais, c'est bien parce que comme tu sais que tu vas en avoir qu'un par génération de machines. Ah, celui-là, il est complet. C'est le meilleur Mario Kart qu'on ait eu. Enfin, moi, je me mouille. Mario Kart 8, meilleur Mario Kart. Je vois pas ce qu'il peut faire de mieux, de plus pour le prochain, quoi. Ouais, je trouve même que c'est un des meilleurs jeux. C'est peut-être le meilleur jeu de la Wii U et peut-être. Il va être très dur à renouveler. C'est peut-être un des meilleurs jeux de cette génération pour l'instant. Meilleur jeu de la Wii U, moi, depuis que Stan m'a prêté là, le Super Mario 3D World. Le niveau du jeu, il est quand même monstrueux. Ouais, mais je sais pas, Mario Kart. Après, c'est plus dans un côté. Moi, je préfère sur Wii U, c'est Wonderful 101, mais c'est un jeu qui est beaucoup plus confidentiel. Oui, Mais là, je trouve que dans le jeu qui peut réunir tout le monde à la fois, si tu veux vraiment jouer à haut niveau, si tu veux jouer avec des gens, si tu veux jouer avec des gens qui sont plus jeunes. Il y a Smash Bros. Il y a Smash, mais c'est quand même un peu plus bordélique, un peu plus technique. Tu vois, enfin, c'est un peu. Moi, je joue pas à Smash Bros, par exemple, je comprends rien, tu vois. Ouais, moi j'ai un peu de mal aussi, mais c'est pas plus pour le fan service. Enfin voilà, bon, Mario Kart 8, ça reste quand même. Bon, on a encore un peu débordé. Ouais. Putain, le podcast le plus long du monde là. Attention d'être. Est-ce que tu arriveras à nous faire un conseil rapide? Ouais, un conseil rapide, c'est dans mes cordes ça, je sais pas. C'est ton truc, on avait 15 minutes pour Mario Kart, on est à 18. Ah bah pas mal, ça va, mais il y a des choses à dire sur Mario Kart 8. Ouais. Mario Kart 18 minutes. Allez, donne-nous envie rapidement de ton petit conseil musical et on écoutera le morceau à la fin. Ouais, on écoutera aussi un petit extrait, je pense. Parce que on verra. Si, on écoutera un extrait. Je l'ai mis dans mon conducteur. On fait ça bien. Ouais, en fait, je vais vous parler de musique, parce que dernièrement, on avait surtout parlé plutôt jeux vidéo et séries. Voilà, et précisément du premier album d'une jeune chanteuse australienne de 27 ans qui s'appelle Courtney Barnett. Donc l'album s'appelle Sometime I Sit and Think et Sometime I Just Sit, qu'on pourrait traduire par parfois je m'assois et je réfléchis et parfois je m'assois seulement. Exactement. Voilà, ce qui résume bien ce qu'est l'album et qui résume bien aussi toute la musique de Courtney Barnett qui est à la fois directe et assez réfléchie comme le titre de l'album le laisse supposer. Faut dire en fait ces dernières semaines dans le petit monde musical on a pas mal parlé de ce premier album. Pour le coup il a reçu vraiment beaucoup d'éloges et selon moi ça tient vraiment à un mot, c'est un album qui est vraiment réjouissant. D'accord. Alors après je dis ça sans rien de péjoratif réjouissant, même si je trouve que parfois l'engouement autour de l'album et autour de Courtney Barnett a été un peu trop fort et pour le coup, ça m'a laissé un peu circonspect. C'est un bon disque, mais on l'a présenté un peu comme le renouveau. Ouais, ça va toujours trop loin, les critiques. Voilà, ici. Là, il y a vraiment eu beaucoup de couverture médiatique. Alors, c'est peut-être l'actualité musicale qui était un peu moins chargée, ou bon, voilà, peut-être que c'est moi qui ne vois pas que c'est un truc énorme. Mais voilà, l'une des qualités du disque, et ce qui fait que, selon moi, beaucoup de gens se sont appropriés l'album, c'est qu'en fait, il est sans filtre entre l'interprète et l'auditeur. Comme je disais, c'est un album très direct, très années 90, en fait, dans l'esprit. Un peu ce qu'on disait à l'époque, rock indé, qui est un peu passe-partout. Ouais, c'était un peu passe-partout, mais c'est un truc qu'on dit plus tellement maintenant. On parle plus tellement de rock indé, ça se dit plus trop. Et pour le coup, honnêtement, même si je considère pas que c'est un grand album, même si c'est un très bon disque, ça fait vraiment un bien fou d'écouter un album presque alternatif qui a bazardé en fait tous les oripeaux années 80 qu'on entend depuis 10 ans et que personnellement je commençais à avoir du mal à supporter. J'avais l'impression que maintenant tu fais de l'électro, tu fais une influence des années 80, tu fais du rock, tu fais une influence années 80. J'ai l'impression que depuis 10 ans on fait que des trucs à base des années 80 et pour le coup c'est pas ma période musicale préférée. Ouais, c'est bon, en même temps on fait toujours des trucs à base des années 70 aussi, oui, hein, c'est avec sûr. Le psychédélisme, tout ça. Déjà, on a la pochette avec l'écriture manuscrite et son dessin minimaliste, un peu do it yourself, qui rappelle vraiment le rock indé américain des années 90. Donc, on peut penser aux albums de Sebado, pour ceux qui connaissent, tout ce qui est lié à Dinosaur Junior. Même un peu plus fin des années 90, début 2000, il y avait les Moldy Peaches aussi qui faisaient des pochettes avec Kimia Dawson et Adam Green. Adam Green, ouais. Voilà, qui faisaient aussi des pochettes un peu do it yourself et aussi un son do it yourself. Et même Elliot Smith qui utilisait beaucoup les polices manuscrites, qui n'est pas du tout le même style musical, c'est beaucoup plus travaillé en termes de pop. Mais il y a aussi ce côté un peu esthétique, un peu minimaliste. Qui était très années 90. Le titre de l'album aussi, qui est à la fois drôle et simple, c'est à la fois un hymne entre je m'en foutisme et introspection, sans trop se prendre au sérieux. Et ça se retrouve aussi dans les paroles, qui sont assez drôles, précises, qui sont souvent des observations minutieuses du quotidien de Courtney Barnett. Une forme un peu autobiographique, assez directe, et qui fait beaucoup pour le charme de l'album. Il y a un vrai sens de la formule qui rappelle parfois aussi un peu Kurt Cobain, avec le côté bon, dégoût de soi en moins, plus positif, on va dire. Hein. Notamment, je pense au morceau qu'on écoutera en fin de podcast qui s'appelle Pedestrian at Best, et qui dit Put me on a pedestal and I will only disappoint you. Donc, place-moi sur un piédestal et la seule chose que je ferai, ça sera de te décevoir. Mm. Donc, ça, c'est un peu une espèce de formule qui pourrait être très Kurt Cobain, très années 90. Très un peu je m'en fous et en même temps je fais de l'introspection, une introspection, quelque chose, un chemin personnel. Pour entendre à quoi ça ressemble Courtney Barnett, on va s'écouter un court extrait avec le morceau qui s'appelle An Illustration of Loneliness Sleepless in New York. I'll lay you wake at four. Donc voilà, on l'entend dans cet extrait, c'est une musique qui est très directe, qui tient autant du rock alternatif que de la power pop anglaise. C'est, pour le coup, je trouve que c'est un album qui est idéal à écouter au réveil. C'est un album très énergique, il y a beaucoup de fraîcheur, il y a un sens vraiment imparable de la mélodie. Au niveau du chant, ça navigue un peu entre Courtney Love, notamment sur les morceaux comme Aqua Profunda, sur Nobody Really Cares If You Don't Go To The Party, ou sur le morceau qu'on écoutera à la fin dont je parlais tout à l'heure, Pedestrian At Best. Et on a aussi parfois une voix un peu plus fêlée, un peu à la Cat Power, qui est très aussi ciblée années 90-2000, qui a une voix, je pense notamment au morceau qui s'appelle Depreston, qui est un peu plus lent. Vous écouterez, si vous écoutez, il y a vraiment deux parties, un album assez rentre-dedans, très alternatif, avec un truc un peu à la Love, avec des mélodies assez simples, assez directes, et un côté un peu plus lent, avec une voix un peu plus feutrée, un peu comme Cat Power. Qui est illustré dans le titre de l'album, en fait, finalement. Ouais, qui est illustré dans parfois, elle se réfléchit, parfois, juste elle s'assoit. Voilà, c'est ça, et parfois, je fais de la musique qui va vite, parfois, je suis un peu plus rentré, donc pour le coup, il n'y a vraiment rien acheté sur les 43 minutes et les 11 morceaux de l'album. Quand je disais que j'étais circonspect tout à l'heure, c'est pas sur la qualité du disque, puisque je le trouve vraiment excellent, mais plutôt sur l'engouement au niveau de la presse musicale, alors qu'on est en face d'un disque qui est pour le coup très réussi, mais pas vraiment novateur, et même qui a été déjà beaucoup entendu. Si tu as écouté beaucoup de disques de rock indé américain dans, dans les années 90, c'est pas vraiment un défaut. Après, on peut faire des disques qui sont pas forcément, qui réinventent pas la roue. C'est peut-être une mode, quoi. C'est peut-être une petite. Ouais, c'est peut-être. La presse s'en empare autant, on va dire. dire que c'est. Bon, voilà, y a rien de nouveau sous le soleil, mais c'est toujours agréable des sous le soleil là, parce que, surtout quand on sort d'une période, comme je disais, 13 années 80. Et voilà, je pense qu'il y a vraiment un bon timing, il arrive au bon moment, dans une époque où on a besoin de disques un peu plus directs, peut-être plus honnêtes, qui n'ont pas vraiment de cynisme. C'est vrai que quand on a commencé le podcast, au tout début, je me disais, tiens, je ferais bien un conseil sur deux groupes qui symbolisaient un peu pour moi l'absence de cynisme et le retour de l'honnêteté dans la musique. C'était. D'ailleurs, on les avait vus en concert tous les deux lors de Pitchfork Festival. Et c'était, je sais, putain, j'ai oublié le nom du groupe. Attends, je sais plus. Là. Bon, il y avait pour moi déjà, il y a Christopher Owen, le type de Girls, qui fait une musique très directe, où on cache pas ses sentiments, où on est très honnête. Et j'ai oublié le nom de ce groupe qui c'est est un peu revival rock américain, un peu à la Bruce Springsteen. Ah oui, oui. Ah, j'ai oublié aussi, merde, ça y est. Voilà, je retrouverai le nom, on le mettra. On le mettra dans les commentaires. Et ouais, je m'étais dit, tiens, il y a peut-être un retour de l'honnêteté dans la musique. Et voilà, donc là, c'est, voilà, je veux dire, ça fait vraiment plaisir d'écouter un disque pop qui sonne pas années 80. Et rien que pour ça, il faut vraiment pousser Courtney Barnett à devenir une bonne copine pendant quelques années au moins. On espère qu'elle fera quelques albums. Donc c'est Courtney Barnett. Hein, ouais, Courtney Barnett, okay. Barnett, pardon. Barnett, ok. On mettra son nom et le lien pour l'acheter. Et si on arrive à retrouver. Ah, je sais plus comment il s'appelait. C'était pas mal ce concept. Ouais, bon, je l'ai dans mon iPad, donc si je. On regardera. On mettra un petit commentaire à la fin. Mais c'était juste pour parler d'une musique un peu plus directe, un peu moins cynique. Donc on écoutera un autre extrait. À la fin du podcast. On va continuer. Bah, on enchaîne avec les sorties ciné à venir dans les deux prochaines semaines. C'est parti. Est-ce que vous avez. On a un jingle pour ça, je ne sais plus. Oh, Stan, pas de jingle pour ça. Ça suffit de demander toutes les semaines. Si tu veux qu'on fasse un jingle, dis-le. Ah, mais non, ça c'est pour la partie divertissement. Ah, merde. Il est déjà pris, celui-là. Désolé. C'est ça que je connais. Bon, tu veux un chicha. Chicha. Ah, voilà, très bien. Allez, chicha. Le 6 mai, qu'est-ce qui sort le 6 mai qui vous a inspiré, les gars? Ben, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Attends, on va commencer. Dim, est-ce que tu as pu regarder les sorties ciné des semaines à venir? Moi, le 6 mai, j'ai retenu Pyramide. Ouais, j'étais sûr que tu allais retenir ça. Stan te connaît, il savait que tu allais retenir ça. Avec voilà. Pépita, là. Bon, après, je ne sais pas si ça vaut grand-chose, mais bon. Alors, pourquoi tu as retenu ça? Parce que c'est la première réalisation de Gregory Levasseur. C'est le scénariste, producteur d'Alexandre Aja. Donc voilà, bon, un film de genre, je sais même pas s'il est français le film, mais bon voilà quoi, ça a retenu mon attention, ouais. En plus c'est à propos de la mythologie égyptienne, bon c'est pas forcément super courant dans les films d'horreur actuels, donc voilà. Ouais. Pourquoi j'ai vu une petite bande-annonce, ça m'a laissé un peu circonspect, ça fait un peu série B, mais pourquoi pas, ouais. Oui, voilà, bon après c'est pas le gros film, mais bon, on verra quoi. Ouais, je pensais sur le jeu télé, moi, Pyramide, mais... c'est ça. En deux blocs, ouais, il y aura peut-être Patrice Lafond. Patrice Lafond en zombie, c'est lui, Pépita. C'est lui le méchant, Pépita. Pépita. Pépita qui meurt dans notre souffrance. Oh merde, ça pourrait être pas mal. Bon, un grand moment de ciné en perspective. Ouais. Non, bah ouais, ça ira pas mal. Moi j'ai quand même noté l'épreuve le 6 mai. Je sais pas si vous avez noté. Non, personne. Bon, ok. C'est toi. Bah écoute, c'est un film, j'ai pas retenu grand chose parce que, enfin voilà, il y a Juliette Binoche dedans. Ah voilà. Oui, c'est déjà un bon point. C'est réalisé par Eric Pope, je ne sais pas qui c'est. Il y a Nicolas Coster-Waldau, le mec qui joue Jamie Lannister dedans. Ah, exactement. Et voilà, je trouvais que la photo était pas mal. Les acteurs, bon bah voilà, c'est des acteurs que j'aime bien quand même. Et la musique de la bande-annonce, c'est Sigur Rós, donc moi j'aime bien Sigur Rós, donc voilà. Ouais. C'est principalement ça en fait, hein, c'est tout. Après, ah, mais bon, j'ai vu la bande-annonce. Ouais, ouais, l'histoire, je sais pas si ça va être sympa ou pas. C'est sur une nana qui est photographe de guerre. Et ouais, voilà, elle rentre chez elle, mais elle sait pas si elle doit retourner sur une zone de combat ou pas après. Ouais. Bon, pourquoi pas, un peu un drame psychologique, mais très belle photographie, belle musique, bons acteurs. Je me suis dit, pourquoi pas l'épreuve, le ciné. Mmh. Toi, t'avais rien noté, Julien? Si, si, j'ai noté un film, mais sans conviction, qui s'appelle Le Talent de mes amis. Ah oui. Deux, et avec Alex Lutz et c'est Bruno Sanchez. Pour lui, d'ailleurs. Ouh là là, qu'est-ce que bah, c'est en fait, moi, j'aime bien Catherine Elignan sur Canal+. Voilà. Non, la bande-annonce est pas mal. En fait, l'idée, c'est Alex et Jeff qui sont collègues de bureau dans une multinationale, qui sont des meilleurs amis du monde depuis le lycée. Et en fait, il va y avoir l'arrivée d'un espèce de gourou conférencier qui s'appelle Thibaut, qui va leur donner des conseils, une sorte de coaching dans le monde de l'entreprise. Et ça va un peu les séparer tous les deux. La bande-annonce est plutôt drôle. Ouais, en fait, tu vois des trucs classiques du monde de l'entreprise où tu dis oui, il faut croire en ton potentiel. Donc, avant, il y a une scène moi, que je trouvais assez drôle où il dit oui, c'est quoi ton rêve? Ouais, je voudrais devenir astronaute. Eh bien, tu pourras devenir astronaute. Et t'en as un mec qui dit bah, il a 50 ans, il pourra jamais devenir astronaute. Voilà. Bon, faut le voir raconter comme ça, c'est moins drôle. Mais, ça me fait rire quand même. Ça peut voilà. marcher. C'était un peu sans conviction parce qu'il y avait vraiment rien le cimer. Ouais, il y a rien le cimer. Pour Alex Lutz, à la rigueur, quoi. Ouais, ouais, voilà. Le petit sourire qui nous décroche toutes les semaines dans le journal. Voilà. Après, est-ce que le film est bien, je ne sais pas, mais. Bon, à voir. Ok, super. Non, moi, j'avais vu un spectacle, Alex Lutz, il était assez drôle. Hein. Ouais, oui, franchement, moi, il m'a fait aussi beaucoup de rire. C'est plutôt pas mal. Alors, un spectacle, c'est pas du tout ça. Après, mais c'était, il était assez drôle, ce mec. Et le 13 mai, alors 14 mai, je crois. 13. 13, ok. 13 mai. 13 mai, bah. Bah, je pense qu'on a tous Mad Max, voilà. Mad Max, Fury Road. George Miller. Obligatoire, hein, je crois. On a vu tellement de bandes annonces qu'on a vu tout le film. Par contre, c'est un peu ce que je reprocherais, peut-être. Moi, j'ai arrêté de regarder. Ah, j'en ai vu genre 4 différentes. Et là, la dernière finale définitive est parue cette semaine ou dans le courant de la semaine. Je ne l'ai pas regardé parce que j'en peux plus. J'ai mais trop vu quasiment trop les bandes annonces. Ah, puis c'est un peu l'année des Miller, quoi. Il y a Frank Miller, George Miller. C'est pas faux. Gérard Miller, peut-être qu'il va faire un film. Bob Miller. Un film un peu psychologique. Enfin voilà, donc Mad Max Fury Road, on ira tous le voir. Ça ouvre le festival de Cannes en plus, je crois. Ouais, ça fera, c'est le lendemain, je crois. Ah, c'est le lendemain. Ouais, okay. Ouais, c'est pas pour la. Ah, je crois que c'était le. Parce que ça sort le 13 et c'est le 14. Ah, oh, bah voilà. Il sortira, ou tu pourras le voir avant Cannes en fait. Ouais. Alors, en fait, les sorties ciné sont le 13 et le film sera diffusé que le 14 ouais, en ciné. Le 14, ouais. C'est-à-dire qu'il sort un jour après, il sort le jeudi en fait. D'accord. Ah, ouais, je suis quand même assez curieux de le voir. En même temps, la dernière fois qu'on avait, j'avais dit, ouais, j'allais voir Avengers 2, je l'ai vu et j'ai pas aimé. Donc, ouais, mais ça, c'est parce que t'es relou. Chier. Donc là, je vais pas non plus mettre trop d'espoir dans Mad Max. Ah, moi, la bonne annonce me. Ouais, elle me plaît. Il y a de l'air d'avoir de l'action comme on aime quand même. Il y a d'avoir, c'est un peu du grand n'importe quoi. Ah, ça a l'air d'être du grand n'importe, ça devait être des années 80 en voiture, voilà justement. Ouais. Ah, j'aime bien l'esthétique toi, qu'ils ont réussi. Ah, il y a des belles couleurs bien saturées, ouais, c'est pas mal. Après le 13 mai, je sais pas, c'était Mad Max aussi toi, Dim, ou c'était autre chose? Oui, bah voilà, ouais, Mad Max forcément. Bon, il y a aussi Naruto le film. Ah, Dim, bon, parfait voilà. Ça. Voilà, ça c'est du vrai film. Bon, c'est pas, je suis plus forcément un grand fan du manga, mais bon, c'est un peu le petit plaisir de voir ça au cinéma, ça, ouais. ça peut être sympa. Ouais, pourquoi pas, ouais. Et j'avais vu aussi Good Night Mommy qui était sélectionné à Gérardmer, qui me semble qu'il avait gagné un prix aussi. Ouais. Donc voilà, pareil quoi. Ouais, après, moi, j'ai du mal à en parler parce que je regarde jamais les bandes annonces pour me garder un peu la surprise. Ah, bah tu vois, t'as bien fait. Sur Mad Max, okay, je peux te dire que t'as bien fait parce que c'est vrai qu'on en voit beaucoup. Ouais, j'ai vu les deux premières, quoi. À part les gros films, je regarde quand même. Mais voilà, les Avengers, sinon, ils en dévoilent tellement que j'ai arrêté. Ah, ouais, c'est clair. C'est clair. Non, mais bon, 13 mai, après, c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de choses. Après, on sera en plein dans le festival de Cannes. Ouais. Donc, bon, il y aura peut-être des trucs à dire, même si on n'aura pas forcément des trucs à voir tout de suite, quoi. Bah on parlera de films qu'on n'a pas vu en disant pourquoi ils ont eu des prix. Ouais, ça. C'est ça qu'on dira. Il est bien ce film, il est génial. Pourquoi c'est pas lui qui l'a vu. C'est nul. Elle méritait de l'avoir. Voilà. Bon, bah écoutez, ainsi s'achève notre Upcast numéro 12. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver sur iTunes, vous tapez Upcast, UPCAST. N'hésitez pas à nous mettre des étoiles, ça nous donne une visibilité, on est toujours content d'en avoir une. On a un site upcast.fr, sur ce site vous pouvez nous écouter de manière chapitrée. Ouais. Voilà, allez directement à la partie techno, divertissement ou art ludique, comme vous le souhaitez. Vous n'écoutez qu'une news précise, et tout nous, est indiqué en fait. Ou nous mettre des commentaires aussi. Hein, nous mettre d'ailleurs. Des commentaires aussi surtout, hein, d'ailleurs j'ai envie de dire, on est très contents et on y répond. On essaye en tout cas. on est aussi sur Twitter, @upcastfrance. On y est moins en ce moment. On y est moins en ce moment, on a du mal. On préfère notre site. Si vous voulez parler, venez nous parler sur notre site. On a un peu du mal sur Twitter Twitter est en train de se casser la gueule. Comme tu l'as dit, Grégoire. On sera les premiers à chuter. Twitter, on veut pas y être, alors il se casse la gueule. On a peut-être un bientôt de trucs à gagner, non? Ouais, on a quoi à faire gagner? Attends, je ne sais plus. Des codes Mario versus Donkey, ce jeu de. Ah oui, mais alors comment on fait gagner ça? Sur Twitter ou dans les commentaires? On verra. Je vous propose de voir ça la semaine prochaine. Sinon, on peut peut-être juste dire s'il y en a un qui a des. Une 3DS, c'est ça? C'est sur 3DS, ouais. S'il y en a un de nos auditeurs réguliers qui a une 3DS, il n'a qu'à nous mettre un petit commentaire sur le site. Le premier aura un code, les deux premiers auront un code. Il y a deux jeux à gagner en mettant un commentaire sur le upcast.fr. Comment vous avez eu vos codes? Bah, on a acheté le jeu sur Wii U. Ouais, t'achètes le jeu Wii U et t'as un code gratuit sur 3DS. Ouais, on a acheté le même jeu et Julien l'a acheté, j'ai regardé ce que c'était. C'est typiquement le jeu que j'aime bien, c'est un peu un truc de Lemmings quoi. Oui, je vois à peu près ce que c'est. Pas folie, c'est pas mal mais sans plus. C'est pas mal sans plus. C'est bien mais pas top. Attends, ça on est en train de le faire offrir. Il est génial. C'est un beau cadeau. C'est un beau cadeau les gars. Venez mettre des commentaires. Il est pas mauvais. Gratos, il est super quoi. Voilà. Mais c'est pas un mauvais jeu, attention. Donc vous venez de mettre des commentaires, vous mettez votre adresse mail, on vous envoie les codes. Donc les deux premiers, c'est ça? Les deux premiers qui mettent un commentaire en disant qu'ils ont une 3DS et qu'ils veulent gagner ça. Comme ça, il faut avoir écouté l'upcast jusqu'au bout. Les gars, on va être déprimés s'il n'y en a aucun. Remarque, ils ont peut-être pas de 3DS. Hein. Bon, allez, on va se dire ça, ils ont pas de 3DS. Ouais, alors mettez un commentaire si vous n'avez pas de 3DS pour nous dire que vous avez écouté jusqu'au bout. Ouais, sinon, on le fera gagner par Twitter. Si personne ne répond. Sinon, on les filera un mec dans la rue, on s'en fout. Allez, branche, t'assure, c'est bien. T'as une 3DS, toi? Ouais, j'ai une 3DS. Ah bah, tu mets un commentaire sous info, non? Voilà, c'est comme ça qu'on a gagné la Bibo et les... Bon, les codes de vie de siège. Là, on est... C'est n'importe quoi. Moi, je sais plus comment je m'appelais, mais j'étais une fille avec... Une blonde avec des gros nichons, quoi. On va y aller, on va vous laisser, bon, on va vous dire dans deux semaines. Rappelle-nous ce qu'on devait écouter, là. Ah oui, on devait écouter donc Courtney Barnett et le morceau c'est Pedestrian at Best. Bon, un très bon morceau. Bon morceau à vous et on vous donne rendez-vous dans deux semaines pour le prochain podcast. Au revoir. Salut à tous. Salut.